c'est fini pour ce soir et ça se termine super bien avec cette qualification de l'équipe de France. Portugal. Et la Belgique, ils sont qualifiés, la Belgique. Depuis le temps, ils ont pas attendu la France. Ouais. Ça fait un moment qu'ils sont qualifiés. Non mais la Belgique, ça va être un truc de fou. Tout le monde en parle. Eden Hazard. Un petit Belgique France, ce serait drôle. Eden Hazard. Ce serait pas drôle du tout. Ou un Portugal France, je sais pas. On verra quoi. Mais oui. Bon, bah très bien. Bah, retour de. Ah oui, donc juste, je vais dire un message aussi à l'assurance téléphone de Karima. Oui. Je l'ai vu, elle a jeté son téléphone par terre exprès. Hein. N'importe quoi. Voilà, parce qu'il y avait une petite rayure, elle en voulait un neuf, donc elle l'a balancé par terre, donc ne lui remboursez pas. Non, mais en fait, la vérité, c'est Mickaël qui l'a bousculé. Et c'est faux, c'est faux. Si, je t'ai vu. C'est faux. Bah, t'étais là, t'as vu, ouais. T'étais là. Tu l'as vu. Donc, c'est faux. Parce qu'il est jaloux, parce que moi, le mien, il est plus joli que le sien. Mais qui va croire un pédiatre, vous êtes sérieux? Non, mais alors que moi, c'est marqué confiance sur mon front. Ah, bah oui, effectivement. Oui. Comme les couches. Oui, exactement, oui, confiance. Oh merde. Voilà. Bon, allez, sur ces bonnes paroles. Il va falloir y aller là. Oui, on va partir. Il est fatigué. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Hein. Gros salut, bisous, allez, à demain. Regarde demain, et puis on est parti jusqu'à 2h. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hein. Et oui, nous avons reçu notre bulletin aujourd'hui. Là, c'était la journée des sondages. On a eu très très bonne note. Donc merci beaucoup pour d'être là tous les soirs, de plus en plus nombreux. Ouais. Hein. Plus de 589 000 en 2 mois. J'ai envie de pleurer. Ah oui. Alors pas plus, parce qu'après on va me dire oui mais tu mens. Non, 589 000 en 2 mois. Voilà. C'est les auditeurs qui sont là tous les soirs. Merci beaucoup, vous êtes gentils. D'ailleurs je propose qu'ils envoient tous un tweet. Oui, ou les 589 000. Ou 1 euro, c'est bien aussi. 1 euro c'est rien. Hein, c'est rien pour vous. Hein, on va pouvoir refaire la... c'est tout. On va pouvoir refaire la tête à taf. C'est une bonne idée, tiens. On va pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans cette tronche massacrée, évidemment. Hein. Oui, complètement ravagé, là, mais c'est nous mieux, sommes là. Ah, ouais, ça va mieux. Hein. Ressemble à quelque chose. Un coup, là. Ah ouais. Ah bah voilà. Voilà, bah là on est mieux là. Parfait. Là on est quand même vachement mieux. Bon, pour les nouveaux, moi c'est Mickaël. L'émission c'est Mickaël No Limit. On est avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et le dimanche 20h minuit sur Fun Radio. Si vous voulez venir faire les cons avec nous, bah c'est facile hein. Vous faites maintenant le 01 42 48 5000. Et pour la Belgique 02 851 4x0. Et vous arriverez comme Teddy qui est avec nous. Salut Teddy. Salut. Comment ça va? Bon, ça va tranquille, vous? Bon, tranquille. Ouais, moi je voulais faire une petite dédicace, parce que j'ai mis un post cet après-midi sur le Facebook en disant bah tiens, il y a la France qui va jouer ce soir, alors est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas? Et puis j'en ai vu des messages, on a rien à foutre, c'est des connards, ils vont de façon perdre, ils iront pas au réel, ils se feront enculer et c'est de la merde. Et je suis sûr que maintenant, ces mêmes personnes, si je mets un post, on y a toujours cru, mais évidemment, mais c'est clair, on allait y aller, etc. Donc voilà, c'était ce petit message que je voulais passer, donc bravo. Bravo à ceux qui crachent bien sûr dans la soupe, bien entendu. Et puis bravo à Cristiano Ronaldo, bien entendu, pour ce triplé, bien entendu. Voilà. Hop, t'as regardé le foot ou pas toi? Moi, ouais, nickel. Ah, très bien. T'étais pour ou t'étais contre? Moi, j'étais pour. Ah, t'étais supporter depuis le début, toi? Ah ouais, moi. D'accord. Ouais, okay. C'est un vrai Teddy. Mais oui. Bon, Teddy, on va parler de quoi avec toi ce soir? De ma copine qui est Marcelle encore, enfin mon ex. Encore? Ouais, merde. Bon bah écoute, on va en parler dans quelques minutes là, reste avec nous. Et puis Sandro également qui a dit adieu à son régime aujourd'hui hein, puisqu'elle est arrivée, elle a commencé à bouffer des cookies. Des brownies pardon. Que Héloïse et Karine nous ont emmenés dimanche. Oui, que deux auditrices nous ont rapporté dimanche magnifique, soir d'ailleurs. Merci beaucoup les filles. Et donc voilà, elle a commencé à piocher dedans. Et elle Sandro, nous a dit... lâche ça tout de suite. Elle a dit j'en ai rien à foutre de mon régime, de toute façon tant que j'ai pas de nez je peux devenir grosse. Bon alors d'accord, hein, bon, bah, si c'est comme ça qu'elle le voit. Oui, deviens une baleine. Voilà le régime de Sandro. N'ira pas au Brésil, lui. Il est décédé. Hein. Bah, voilà. C'est justement, il faut avoir des grosses fesses. C'est parfait pour le Brésil. Bah, c'est ça, ouais. Bon, cela dit, si tu veux, j'ai une technique pour perdre du poids. On sait jamais que t'en cherches encore une, là. Il faut juste bien dormir, apparemment. Ah ouais, il paraît. Hein. Ouais, si tu dors bien, tu perds du poids. C'est une étude américaine qui montre que si tu dors mal, tu as plus de graisse. Donc, à voir. Hein. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce petit régime, parlez-en nous, n'hésitez pas. Toff, qui est toujours à la recherche d'une fille. Oui, toujours. Bah ouais, bah là, j'ai une bonne nouvelle aussi. Selon une enquête, hein, il suffit d'avoir une belle voiture pour attirer les gonzesses. Hein, tu roules avec quoi toi? Un truc magnifique. La Blue Car. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est l'autolib, c'est comme ça. Ah, possible. elle s'appelle la Blue Car. Ouais, designée par Pina. Voilà. Voilà. Attention, ouais, il a fait des Ferrari. Mais il a fait des... le jour où il a fait celle-là. Hein, parce et que, il a putain... fait la Blue Car. Bah ouais. Bon, en attendant, rassure-toi, il y a peut-être tous tes amis qui sont là pour t'aider. Hein. Vous avez pas grand-chose à branler de votre journée. Oui, bah ça c'est sûr. Vous êtes un petit connard. Exactement, oui. Donc c'était bien ça, c'était pour Toff, hein, tout à fait. Bon, et puis Polo, comment ça se passe avec les prétendantes là? Bah très mal. En fait, je n'ai plus de nouvelles de Miss Lorraine. Ah putain. Il y a Elodie, on est en contact, mais je pense que c'est platonique et ça va le rester très longtemps. Il y a, comment elle s'appelle, Colline qui vient de me faire faux bon pour, ah ouais, pour Starfloor. Il a été éconduit, telle une mère. Putain. Comme une mère, Colline, c'est pas bien. Donc non, j'ai c'est mal, ouais. S'il y a une fille qui est intéressée pour aller... Qui veut aller avec Polo au Starfloor. Voilà, Polo at Fun Radio. At Fun Radio, parce que vous écoutez Fun, ça marche pas. At Fun Radio. Voilà, donc Polo at funradio.fr, si vous voulez aller avec Polo au Starfloor, il a une place qui ne sert à rien pour l'instant. Donc il est prêt à la CD. Je peux même en avoir deux, hein. Attention, c'est alors, voilà. Attention, mes deux filles. Voilà, deux filles et Polo, voilà. Et y a Nina, je sais pas si elle m'écoute, mais je l'embrasse. Et donc voilà, très et bien. Tout ça, en fait, il se passe rien. Voilà, voilà. Mais ça va se passer. Je travaille tout ça au corps. Et pourtant, il travaille aussi le pipeau, hein. Mais malheureusement... Ça n'a pas marché. Non, pas des masses. Non. Bon, et comme tous les soirs, on offrira un sextoy là au premier du Top Twitter. Si vous voulez participer, bah, y a rien de plus simple. Vous envoyez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chance d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. C'est aussi simple que ça. On a du son aussi ce soir avec le son d'Avicii. Ce sera Hey Brother. Je vous calerai aussi le son d'Ellie Goulding. Et encore aussi Pitbull et Kesha. Pitbull et Kesha. Non, ils ont décidé de pas venir. Ils n'ont pas envie de venir, lui. Attends, je remets. Ah voilà, pas pourquoi ça marche pas. Pitbull et Kesha, donc avec Timber. Il y a un son que tu kiffes en particulier, toi ou pas, Teddy? Ouais, The Monster. The Monster, bah combien il va arriver tout à l'heure aussi, celui-là. J'ai eu de la chance, tu m'aurais donné un autre titre, j'aurais peut-être pas eu forcément sous la main. J'ai eu du bol. Voilà, The Monster, Eminem et Rihanna qu'on écoutera tout à l'heure avec plaisir. Donc, et puis on aura la colle également là ce soir, la colle de ce soir avec notre ami Ruben qui est avec nous. Salut Ruben. Salut. Hey, comment ça va? Bah ça va super bien. Bon, très bien. Eh bah, t'y croyais toi à la victoire de la France ou pas? Bah bien sûr. Évidemment, tout le monde y croyait. Évidemment, maintenant, tout le monde y a cru. Hein, attends, ça... on était tous persuadés qu'ils allaient gagner. Alors que cet après-midi, tout le monde. J'ai perdu 10 balles à la fois sur l'équipe de France. La fois passée. Ah oui, bah oui. Et là, maintenant, je récupère 20 euros. Ah bah écoute, bah, très bien. Bah écoute, bonne opération. Alors, hein, parfait. Bon, alors, Ruben, on y va pour la colle. Je rappelle que ce soir, il y a un PC portable à gagner dans la colle. Et il y a un écran plat 32 pouces Full HD à gagner dans le jeu de la rupture que nous ferons d'ici un petit quart d'heure. Voilà, donc si vous voulez participer au jeu de la rupture, eh bien, vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0, le jeu de la rupture. Et l'écran plat à gagner dans moins d'un quart d'heure. On attend vos appels. Bon, Ruben, on y va maintenant. Ouais. Pour la colle, on t'écoute. Ok, alors pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? Ouais. D'accord, si tu veux, bon, parfait. PC portable à gagner, si vous avez la bonne réponse, eh ben vous jouez maintenant, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. C'est donc la réponse qu'il faut apporter à Ruben. Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? C'est une réponse à la con, j'imagine, non? Un peu, ouais. Ah d'accord, non mais alors d'accord, non mais c'est pour être sûr. Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? M-I-K-L espace votre réponse, vous envoyez le tout au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On salue Angelina qui dit Ruben, c'est chelou comme prénom mais très original. Ah bah voilà, bienvenue Ruben, hein. Ah bah merci. Ouais, les gens aiment ton prénom visiblement, ça c'est cool. Et Megumi qui dit garde espoir Polo dans Platonique, il y a... bah plateau. Voilà, merci Megumi. Il y a Alexou également qui dit coup de pelle à tous les rageux qui crachent sur l'équipe de France. Voilà, tiens, petit coup de pelle. Même si je vous avoue que ce soir l'équipe de France, j'en avais rien à caler, hein. J'ai regardé le Portugal, moi pas l'équipe de France. Il y a Ariel également qui dit c'est pas grave de faire un écart là, tant que tu te reprends en main dès demain. Et Kender qui dit ça commence, merci l'équipe, je vous ai ramené plein de nouveaux auditeurs. Tout le CFA de Ketini est à l'écoute ce soir. Merci Kent. Bah voilà, ils font partie des 589 000 auditeurs qui écoutent l'émission tous les soirs. C'est bien, merci beaucoup d'avoir fait passer le message. Je vous avais demandé ça en tout quand on est arrivé le 22 juillet. J'avais dit faites passer le message dans votre bahut qui a enfin une bonne émission à écouter le soir à la radio, sur Fun Radio en particulier, de 23h à 2h du mat. Et ben voilà, ça a payé, de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Il y a Stéphanie qui dit moi je me dévoue pour aller à Starfloor avec Polo. Il y a Il y a Alma également qui dit moi j'étais en cours de techno, je travaillais pas et le prof m'a dit c'est pitoyable. Et j'ai tout de suite pensé à vous et j'ai répondu mais pas digne de pitié, il m'a collé 2 heures. Oh l'enculé, oh l'enculé, il t'a mis 2 heures. Alors que c'est tellement vrai pourtant, tu vois, pitoyable n'est pas digne de pitié quand même, c'est vrai hein. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà, et il t'a mis 2 heures l'enfoiré. Franchement c'est trop. Ouais c'est mal ouais. Et le prince qui dit bonne dégustation de cookies à Sandro, t'as bien raison, des bisous. Ouais bah après elle va nous saouler. Ah oui mais j'ai perdu du poids, j'ai des kilos à perdre, etc. etc. Ouais, juste bref, la dégustation est finie hein. La dégustation est terminée, il n'y a plus rien dans le bureau d'ailleurs. Ah, effectivement. Bon ben Ruben, on te récupère tout à l'heure, ok? Ouais, pas de problème. Allez, reste avec nous. Il y a Teddy donc le retour dans quelques minutes, harcelé par son ex. Bon, en deux mots, c'est quoi le problème? Enfin j'ai compris ce que veut dire harceler, hein, c'est pas ça le souci, mais en gros, comment est-ce qu'elle te harcèle, dis-moi Teddy? À peu près 20 messages par jour. Ah oh, putain la thalasse. Mais 20 messages et tu réponds jamais? Non, je réponds pas, je prends envie de répondre. Bah ouais, c'est bon, c'est une connasse, c'est qui ici, ouais, je peux lui répondre, ouf ou quoi. Mais elle te dit quoi? Ouais, qu'est-ce, ouais, mais non. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle dit? Bah, moi, des points d'interrogation, elle me dit je t'aime, elle me dit reste. Oh, c'est mignon. Ah, parce que tu lui as déjà dit que tu voulais te barrer? Non, je réponds pas, je lui dis je suis plus avec elle en fait. D'accord, bon écoute, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes, ça sera peut-être plus clair. Bouge pas de la Teddy, est-ce que vous avez déjà été harcelé vous par des meufs ou des mecs là? Venez nous en parler, on en parle ce soir sur Fun. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Il y a Dédé aussi qui dit RIP au régime de Sandro qui une fois de plus a succombé à une période de gâteau. Ah oui, ça c'est clair et net. Et DJ Roms qui dit aussi tu dois être heureux pour le Portugal. Et mais oui, DJ Roms, évidemment, grâce à Cristiano, tout ça. Hier, il y a Cristiano Ronaldo, un bon support. Grâce à sa lingerie, il a donc été plus à l'aise que Ibrahimovic. Oui, c'est peut-être ça aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi, Mickaël. Les gens qui retournent leur veste, c'est tellement fréquent. Ah bah, je te confirme. Allez, venez nous en parler de si vous êtes justement peut-être harcelé par votre copain ou votre copine. Sandro nous parlera aussi de ça, puisqu'elle est harcelée par la bouffe. La bouffe l'appelle non-stop, non-stop, non-stop. Et donc, de temps en temps, elle est obligée de céder. Reste avec nous Teddy. Les autres, bah vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute là, donc tant mieux. Donc vous allez pouvoir être de plus en plus nombreux à nous appeler. 01 42 48 5000 02 851 4x0 pour la Belgique. Ce soir on se remettra le chéri je peux te faire cocu d'hier qui était juste magistral. Et on fera le jeu de la rupture comme promis avec des écrans plats à gagner full HD 32 pouces à gagner donc maintenant si vous appelez Sandro. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on écoute le son d'Avicii sur Fun. Avicii avec Hey Brother. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Fun 3h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec plein de messages qui arrivent évidemment pour l'équipe de France, hein, puisque l'équipe de France, donc pour ceux qui débarqueraient éventuellement maintenant, eh bien partira au Brésil, ouais, sur le fil, mais au Brésil quand même. Et puis bah voilà, bah bravo encore aux Bleus. Et puis bah surtout, hein, bravo bravo à tous ceux qui y croyaient. Hein, bah oui, hein, toute la France qui était derrière eux. Voilà, qui ont dit, tous les articles que j'ai vus, voilà pourquoi la France n'ira pas au Brésil, ça. Bon bah voilà, gros coup dans votre cul en fait, tout simplement. Hein. Et puis bah voilà, bah bravo aussi au Portugal. Il y a quoi? Il y a aussi les Grecs qui partent là-bas. Il y a les Algériens également là qui partent au Brésil évidemment. Donc voilà, bravo à tout le monde. Ça y est, c'est plié maintenant, rencard au Brésil pour voir comment ça va se passer. C'est là que ça va être drôle à mon avis. Bon, on revient avec Ruben dans quelques minutes là pour la colle de ce soir. Et puis bah on va aussi jouer au jeu de la rupture, récupération de Teddy. Et puis on écoute le son maintenant d'Avicii, DJ Fun Radio. Avicii, c'est Hey Brother. Bonne soirée tout le monde sur Fun Radio. Hey brother. Avicii sur Fun Radio, c'était Hey Brother. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent. 23h19. Il y a Elliot sur le Twitter qui dit moi, c'était mon son préféré de l'album d'Avicii depuis ces derniers mois. Là, merci Mickaël. Bah, avec plaisir. Le prince qui dit Mickaël, en fait, c'est normal, les Bleus ont gagné ce soir. Mickaël est à l'antenne la dernière fois qu'ils ont perdu, il n'y avait pas d'émission. Oui, mais enfin, le raccourci est un peu simple. Non. Mais why not? Oui, c'est vrai, grâce à nous. C'est ça, c'est parce qu'ils veulent nous écouter. Donc, du coup, ils plient le match en speed et puis ils viennent nous écouter. Voilà, exact. Ils étaient déconcentrés parce qu'ils avaient l'oreillette sur le terrain voilà. quand ils étaient en Ukraine, c'est pour ça. Il y a Jérém qui dit ils ont jugé trop vite l'équipe de France. Johan qui dit rien à voir avec le sujet de ce soir. Mais je tenais à vous le dire, je passe l'examen du code de la route le 19 décembre alors que je me suis inscrit en septembre 2013. J'ai fait encore 7-8 fautes. Ah oui, mec, il va falloir sortir les doigts du cul à un moment. Je sais. Ah ouais, Renaud qui dit ma pauvre Sandro, moi-même, si tu fais. 2 748 275 kilos, je te kifferai quand même. Ah, ça c'est beau, c'est ça. Mignon. Et Eric qui dit je suis trop content pour le Portugal, la viva Portugal. Et Nicolas qui dit je fais un pari de merde. J'ai dit si les bleus marquent un troisième but, je mettais une photo en caleçon et j'ai dû le faire. Ah ouais, pas de bol. Et Paolo du 35 qui dit aussi Mickaël, ça doit faire chier 20 messages par jour alors que t'aimes pas. Attends, c'est quoi? Alors que t'aimes pas la meuf? Ah oui, ça c'est par rapport à Teddy qui est toujours avec nous d'ailleurs. Teddy, t'es là hein? Ouais. Bon, très bien. Et je rappelle qu'on va faire le jeu de la rupture dans quelques minutes avec un écran plat à gagner. Écran plat, donc full HD qu'on vous offre si vous faites avec nous le jeu de la rupture. Le but est simple. D'ici 10 minutes à peu près, on va appeler des gens au hasard. Vous serez deux auditeurs ou auditrices à l'antenne et vous allez vous affronter. Le but, arriver à appeler des gens au hasard et donc d'avoir une discussion de rupture. Celui ou celle qui arrive à avoir la discussion la plus longue dans une conversation logique de rupture, eh bien, gagnera l'écran plat 32 pouces full HD. LED, etc., etc., la grande classe. Donc si vous voulez jouer, appelez Sandro maintenant, il y a de la place, 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bon, Teddy, on parlait avec toi du harcèlement, là, c'est ça, hein, Teddy hein? Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Alors, il y a plein de messages qui arrivent qu'on va lire d'ici quelques minutes, mais avant ça, je voulais savoir, harcèlement, t'es sorti avec elle pendant combien de temps? 3 mois à peu près. 3 mois à peu près, ok, d'accord. Et comment ça s'est passé? Ouais, ça se passait bien, mais au bout d'un moment, j'en avais marre, elle me saoulait, elle faisait la gueule pour rien. Bon, tu la virais, quoi. J'ai décidé que de rompre, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'était une meuf, tu verras, elles sont toutes comme ça. Hein. Ouais, tout... dit-il. Quel enfoiré. C'est ça, ouais, dit-il. Bon, et... ouais, c'était pour toi. Et du coup, donc tu lui as dit que c'était fini? Ouais, je lui ai dit depuis... que j'en avais marre. Et, ouais. Et depuis, elle arrête pas de t'appeler. Ah ouais, Marcel de tout. Bah tu verras, c'est comme ça les meufs. Hein. Une fois que tu les jettes, gueule, qu'est-ce qu'il est relou celui-là alors. Par contre, quand tu les colles, tu les vois jamais. Mais c'est normal. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Ça c'est vrai ça. Non mais ça marche ouais. Vraiment. Hein. C'est vrai que ouais. Si vous êtes en kiff sur une meuf et que vous êtes toujours derrière elle, avoir tendance à vous dire ça va vous saouler. Enfin ça va la saouler. Ouais. Alors que si vous montrez un petit intérêt et puis hop terminé. Et tu fais comme si tu. Vous donnez plus de nouvelles. Un peu là, la fille revient. Les mecs sont pareils. Ah mais les mecs, bien sûr les mecs sont pareils. Ah non moi une meuf elle me demande. Il y a une meuf qui kiffe sur moi, je l'embrasse. Mais oui, c'est ça, il l'embrasse. Il la dépouraille, c'est ce qu'il voulait dire, ou il la démonte ou il la baise. Oui, je ne sais pas sur quel mot il a hésité, mais... On salue Cécile, hein, quand même. Bien sûr. Voilà. Sinon, il y a Déglingue aussi, Polo Mbert. Ah, Déglingue aussi, non, c'est vrai. Non, c'est faux. Non, si, arrête ton cinéma, bien sûr. Oui. Quand tu les as à tes pieds, enfin à tes pieds, entre guillemets, tu les envoies chier. C'est vrai. Non, ils s'essuient dans leurs cheveux, c'est faux. Arrêtez. Non mais c'est vrai, avec Polo, le problème c'est qu'effectivement quand la meuf le dégage, c'est une colasse, tous les dons ils passent. Non. Et quand la meuf est topée et qu'elle a l'air d'être intéressée, avec lui, hein, ouais. J'en ai rien à foutre qu'elle dégage, j'en ai rien à foutre pour qu'elle m'a pris, je suis pas un mec facile. Une vraie gonzesse. Ouais, pire. Allez, franchement les gonzesses sont plus faciles. Quoi, vous êtes en train d'insinuer que j'ai de la féminité en moi? Exactement. C'est peut-être ton côté féminin qui ressort. Non mais c'est vrai. Au fond de toi tu es une femme. Peut-être. Il y a une femme au fond de ton cœur. Peut-être. Ouais, mais c'est possible. Bon, Teddy, bon, pour en revenir à ton problème, il y a un moment tu lui as pas dit les choses à la fille? Mais si, des fois je lui envoie ta gueule et tout, mais. Ouais, mais ça sert à rien. Mais Teddy, putain, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Attends, t'es un sauvage ou quoi? Ouais, mais m'énerve un peu plus. Bah oui, non, mais d'accord, mais il faut lui expliquer les choses. C'est pas en disant. Et maintenant, quand tu seras enculé, ça ira te promener. Voilà, si tu lui dis ça, évidemment, ça changera rien. De bite. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui. Non mais il y a au début, je suis gentil. Non mais oui. Après, mais d'accord, mais tu lui as dit en face ou tu lui as dit par texto? Je lui ai dit par les deux, mais continue. Vous êtes un petit connard. Vous voyez, peut-être que ça vient de là, hein. Non mais c'est vrai, peut-être que ça vient de là. Bah oui. Écoute, si tu veux on l'appelle, moi j'ai pas de soucis avec ça, on peut essayer de l'appeler pour voir un peu. Sinon si tu veux officialiser, il y a toujours le recommandé. Oui, tu peux aussi envoyer un recommandé, oui. C'est original, c'est sexy en plus, tu vois, un petit recommandé. Donc et puis dites-nous les autres si vous avez déjà été victime d'harcèlement, tiens, on en parle ce soir là, harcèlement par votre copain, votre copine. En gros harcèlement, façon de parler, hein, parce que vous avez déjà pris la tête, vous avez dit non, c'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait pour essayer de vous récupérer? Ou il, hein, ça marche aussi dans les deux sens. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, elle s'appelle comment, Teddy, ton ex? Mégane. Mégane. Bon, alors, reste à deux secondes, on va prendre le numéro, on va prendre le numéro, là, en speed. Et puis, ah oui, je voulais remercier David aussi sur Facebook, qui, vient de m'apprendre quelque chose. Enfin, qui vient, il m'a envoyé le message tout à l'heure. Les gens qui se rasent le cul consomment moins de PQ. Bah oui, c'est normal, puisqu'il faut pas essuyer les poils. Voilà, mais comme toi, fais un peu près de ses sous, hein, vous l'avez vu quand on est parti à Londres, hein, il a voyagé avec un sac plastique, hein, de plastic bag. Mais... véridique. Véridique. Tout ça est vrai. La photo est sur le Facebook mais depuis dimanche soir. Je l'ai humilié dans l'avion, j'ai hurlé. J'ai même un ami qui m'a dit, il me dit, bah attends, il est sérieux, Toff, on dirait un Roumain. Hein. On n'a rien contre les Roumains, bien sûr, mais. Non, il y a une animatrice du matin dont je tairai le nom, qu'on a croisé ce matin, qui me fait, non, mais c'était une blague, l'histoire du plastique, c'était juste pour la photo. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'était pas pour la photo, le mec voyage vraiment avec un sac plastique de chez Carrefour, hein, donc et dramatique, quoi. Je voulais dire un truc pour économiser le PQ chez moi, je chie à la radio. Oui, mais ça c'est une idée éventuellement. Bon, il y a une forme et l'eau également. Ah bah évidemment. Attends, et le spray là, tu vois le comment ça s'appelle, bon, l'Air Wick, machin. Ah bah, enfin, bon, non, bah, ça chez moi j'en mets pas. Tant pis. Ah bah oui, tant pis. Bah t'ouvres la fenêtre. Ouais. Bon bref, donc du coup, hein, ceux qui se rasent le cul consomment moins de PQ. C'est une information capitale qu'il faut absolument que tu partages, Toff. Donc je propose déjà de venir nous dire, hein, si vous vous épilez l'arrêt, si ça vous est déjà arrivé. Personnellement moi pas. Et qu'on qu'on essaye, je sais pas moi peut-être de quoi, qu'est-ce qu'il y a. Non, je voulais dire que moi ça m'était arrivé à plusieurs reprises. Non, mais ça c'est pas pareil. Par des gens très célèbres. Et Pokora, par exemple. Par exemple. Qui n'est pas esthéticien, hein, mais qui t'a épilé l'arrêt des fesses en direct à la radio, je me souviens. Voilà. Est-ce que quelqu'un se souvient le nombre de fois on a épilé l'arrêt de Toff? Oh, bah, beaucoup de fois, ouais. D'ailleurs, Polo lui-même m'a épilé l'arrêt une fois. Exactement. Avec les doigts et tout. Du coup, est-ce qu'on appellerait pas des gens éventuellement ce soir, là? Mais oui, avec plaisir. À ce sujet, pour voir si eux aussi s'épilent l'arrêt des fesses. Et toi, Teddy, tu t'épiles ou pas? Non. Jamais. Bon, écoute, très bien. Bon, écoute, on va appeler ton ex maintenant. On a le numéro, la Mégane. Et puis on va. Tu lui parles ou je lui parle? Je préfère que tu lui parles au début. Ouais. Bon bah vas-y, je l'appelle. Et puis on écoutera Ellie Goulding aussi juste après. Ellie Goulding, c'est ça. Ellie Goulding, on vous le cale dans quelques minutes sur Fun avec Burn. Bon, allez hop, c'est parti. On appelle la petite Mégane. Et tu vas voir que la main coupée, ça va être totalement l'inverse de ce que Teddy raconte. Allô? Allô. C'est Mégane? Oui. Bonsoir Mégane, je te dérange pas? Non. Bon, tu dormais pas là? Non. D'accord, ok. Tu je t'appelle en fait parce que de la part de Teddy? Oui. Ouais, il m'a dit que apparemment c'était fini entre vous. Oui. Ouais, et parce qu'en fait, tu sais, apparemment t'envoyais plein de messages et tout là. En gros, il osait pas te demander parce qu'il avait peur de te faire de la peine, mais il veut savoir pourquoi, puisque c'était fini, tu vois. C'est lui qui m'a quitté. Non mais ouais, bah je sais bien, ouais, mais apparemment c'est toi qui lui envoie des messages, j'aimerais bien retourner avec lui. Oui. Ah ouais, mais ouais, d'accord, ok, mais pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est un sale con, hein. Oui, je l'aime beaucoup. Ah ouais, franchement, laisse tomber, c'est vraiment une sale raclure. Moi je le connais depuis longtemps et tout, et vraiment le mec il est pas cool avec les filles et tout, c'est vraiment un... Enfin voilà, moi je te dis ça après, c'est pour te rendre service, mais enfin tu mérites mieux, je pense, hein. Il m'a parlé de toi et tout, le mec il vaut pas le coup. Hein. Ah ouais, vraiment, vous êtes sortis ensemble longtemps? À peu près plus d'un mois. Ah ouais, franchement, franchement laisse tomber. Alors c'est vrai que tu me connais pas, hein, mais c'est vraiment le mec il en vaut pas la peine. Hein. Oh, t'es en train de perdre ton temps là. Ah. Ah ouais. Franchement ouais, j'étais un conseil d'amis, hein. Enfin d'amis, c'est vrai qu'on se connaît pas, mais vas-y, passe à autre chose, hein. Le mec il est relou et tout. Enfin moi je te dis ça parce qu'on est potes, donc je peux me permettre, tu vois. Entre potes ça va, mais avec les meufs c'est vraiment un relou, quoi. Tu parais qu'il t'a mal parlé, qu'il t'a envoyé des messages, ta gueule et tout ça, non? Bah ouais, un peu. Ouais, bah voilà ce que je disais. Non, franchement, laisse tomber, c'est une merde. Bah moi, je lui envoie des messages parce qu'il m'a quitté sans aucune raison. Mais justement, mais non, mais c'est ça, c'est son problème dans sa tête, c'est qu'il quitte les meufs comme ça, sans raison, il réfléchit pas, c'est un gamin dans sa tête. Ouais. Bah oui, c'est un gamin, tu mérites mieux, tu mérites un mec qui est un peu plus dans la jugeote, tu vois. Ouais. Voilà, en plus le mec, regarde, tu lui envoies un message, il t'insulte, ça se fait pas. Ouais, il me dit juste ta gueule. Bah oui, mais ça se fait pas, t'imagines, c'est comme ça, et puis après c'est pire, hein. Non, vas-y, laisse tomber. Franchement, passe à autre chose. Voilà, c'est un conseil. Ah, ok. Bon, bah voilà, bah, comme ça, je te donne le conseil, hein, Mégane. Merci. Bon, bah je t'en prie, hein, et réfléchis-y bien quand même. Hein. Ouais. Bon, ça roule. Allez, bah bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Salut, Mégane. Ciao. Eh ben voilà, affaire pliée, hein. Voilà. Suivant. Allez. Merci beaucoup. Écoutez, bon, j'ai dû un peu te démonter la gueule, mais bon, c'était pour la bonne cause. Mais ça se fait pas, ouais, ne souris pas, ne manque pas de respect aux femmes. Oui, c'est vrai, exactement. Tu ne peux pas leur dire ferme ta gueule. Tu peux dire comme Polo, je te baise. Voilà. Mais pas, tu vois, non, mais voilà, tu vois, il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses à faire. D'ailleurs, tu as mérité un coup de fouet et une claque. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. C'est tout ce que tu mérites. Bon, Teddy. Ouais. Bah, tu nous tiens au courant. Si elle continue, on la rappellera, hein. Ok. Bon, allez, bonne soirée Teddy. Ouais, merci, bonne soirée. Avec plaisir Teddy, ciao à toi. Et puis il y a Sarah aussi, 25 ans, qui est avec nous d'Avignon. Salut Sarah. Salut. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, très bien. Sarah qui nous appelle d'Avignon, qui voulait réagir aussi par rapport aux ex un peu casse-couilles. C'est ça. Bon, eh ben, on en parle. Mais moi, c'est mon ex-mari. Ah, c'est ton ex-mari. Eh ben écoute, Sarah, reste avec nous. On va en parler dans quelques minutes. Reste là. On va faire le jeu de la rupture dans quelques instants. Ah. Il y a DJ Roms qui dit ça peut permettre de grandes économies et c'est de l'économie de papier. C'est bon pour l'environnement. Mais oui, c'est ça. Vrai. Sauvons la planète. Et Lilou qui dit mon ex me harcèle et personnellement, j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Et Ludwig qui dit ah, lol, sérieux, tof, j'ai des valises à vous donner si tu veux. Mais seulement si elles sont en carton. Ah oui, bien sûr. Et Pamela qui dit Mickaël, je suis anti-poil, moi je rase tout. Le prince qui dit le conseil de ce soir, rasez-vous le sion interfécier, vous économiserez du papier, fallait y penser. Mais oui, exactement, il fallait y penser. Oui. On va faire les premiers appels dans quelques instants. On va faire le jeu de la rupture aussi. On va récupérer Sarah pour parler des ex un peu relous. Et puis on va s'écouter, je vous l'avais promis, le son d'Eli Goulding maintenant sur Fun Radio. Il est 23h30, merci d'être de plus en plus nombreux, 589 000 pour être précis, à nous écouter le soir sur Fun Radio. Merci beaucoup et faites passez le message à vos amis, bien entendu. We don't have to worry about nothing. And we're gonna let it burn. Vous êtes même un dégueulasse. Ah bah alors vous êtes un salaud. 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun tous les soirs, 23h, 2h du mat. Et puis le dimanche, on est là aussi, de 20h à minuit sur Fun Radio. Il y a Paulo du 35 qui dit ma meuf, elle Marcel depuis... Elle Marcel, M-A-R-C-E-L. Alors, je me fous pas des fautes d'habitude, parce que ça arrive à tout le monde, mais Marcel, comme un Marcel ou comme le prénom Marcel, je pense que là, ça vaut quand même, oh, ça vaut quand même un putain de coup de pelle dans ta gueule, Paulo du 35. J'adore. Oh là là, ma meuf, elle Marcel depuis un an, elle me dit, des mythos, ça me pète les couilles, bah j'imagine. Le prince, c'est là qui dit, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, vrai de vrai, mais c'est vrai, bien sûr. Et Megumi qui dit, elle faisait la gueule pour rien, mais on n'est pas tout un peu comme ça. Si, il y en a beaucoup, je pense, qui sont comme ça, mais les mecs sont pareils. Faut pas déconner hein. Et Paulo du 35 il t'offre trop bâtard avec les filles et cahouette perso, plus on me fuit, plus je fuis moi aussi. Je dois pas être normal. Ouais bah alors il y a peut-être de ça aussi, hein. Et Mathieu aussi qui dit là, je vous écoute depuis fin juillet, j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Ah bah ça arrive après, je peux pas en mettre un non plus à tout le monde bien sûr. Hein. Ferme ta gueule les connards. Voilà, évidemment, je ne peux pas en mettre à tout le monde, sinon on passerait notre soirée à faire ça. Et puis Miley qui dit je viens de me faire une ponction lombaire, je douille, mais vous me soulagez, merci. Coup de pelle pour l'équipe de France. Voilà, bon en même temps on l'a gagné, c'est con de les taper. Milks Followers aussi qui dit moi aussi j'ai testé le pitoyable mais pas digne de pitié, mais en SVT et mon prof est cool. C'est bien le seul. Ah bah ça va alors, c'est bien. Au moins toi tu t'es pas pris une colle, c'est toujours ça de pris. Bon allez, avant de récupérer Sarah pour parler de l'harcèlement, il y a la colle de Ruben également en speed. Allô, t'es là Ruben? Ouais, je suis là. Alors Ruben, 17 ans de Meudon, et tu as la colle pour repartir peut-être avec un PC portable. Alors ouais. Attention, et donc pour info ce soir ça joue un peu moins que d'habitude. Alors est-ce que parce que la colle est compliquée ou est-ce que c'est parce que vous pensez que c'est trop facile et du coup vous vous dites bah il va y avoir 100 000 réponses, ça sert à rien. En tout cas il n'y en a pas énormément, donc si vous voulez tenter votre chance, le PC portable c'est peut-être pour vous ce soir. Il suffit simplement d'envoyer M-I-K-L et votre réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Vas-y Ruben, rappelle-la. Ok, alors pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? Voilà, pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? On proposait car elles n'ont pas de cerveau? Non plus. Parce qu'elles les ratent? Non. Parce qu'elles sourient? Alors non. Le président de la République? elles sont grisées? Non. Non, bon, si vous avez la bonne réponse, vous avez vu d'habitude j'en dis plein, il n'y en avait pas beaucoup. Vous envoyez ouais. Simplement M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Je répète, pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? Et ben, à vous de jouer. Bonne chance, on donne la réponse avant minuit 30 sur Fun Radio. Et c'est un PC portable à gagner que vous pouvez voir d'ailleurs hein, sur le Facebook de l'émission. Et si vous voulez lire la colle, elle est dessus également. Facebook.com/MIKL officiel. Ruben, on te récupère tout à l'heure, ok? Ok, pas de problème. Parfait, on fait une petite relance de la colle d'ici un petit quart d'heure. Et puis là on accueille Quentin et un autre Ruben. Salut Quentin, salut Ruben. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Enfin ça va et vous-même? Ça va. Putain j'ai jamais eu de Ruben dans l'émission quasiment, j'en ai deux d'un coup. C'est pas mal, non, mais c'est bien. Les Ruben c'est les meilleurs. J'irai pas jusque là Ruben. Bon Quentin, t'appelles de Bourgogne et Ruben t'appelles de Sarcelles, c'est ça? Ouais, exact. On va jouer maintenant au jeu de la rupture, le principe est simple. On va appeler quelqu'un au hasard, garçon, fille, on verra bien. vieux, jeune, on sait pas non plus. Et le but, avoir la plus longue discussion de rupture. La rupture, c'est donc vous appeler quelqu'un comme si c'était votre copain, votre copine, en l'occurrence là votre copine, pour lui dire que c'est fini, voilà, machin, écoute, ça peut plus continuer, tu m'as déçu, blablabla. Bla, bla. Et puis bah enchaîner jusqu'à un maximum de temps avant que la personne en face ne raccroche, d'accord? D'accord. Qui veut commencer? Moi, vas-y, c'est bon. Allez Ruben, bah vas-y alors, hop là, c'est bien ça. On y va Ruben, on appelle le premier, t'as bien compris le concept. T'as bien compris le concept du jeu, hein. Allez, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à ton tour. Enfin, tu dis allô. Ouais. On y croit. Allô. Vous n'êtes pas fini de me mettre le monde. Allô, ouais, c'était pour te dire que c'est vraiment fini entre nous, ma mignon. Comment? C'est fini entre nous, j'en peux plus, tu m'as vraiment... Mais allô, tu m'as vraiment fait la misère, t'es sérieux? Allez vous coucher, ben. Mais arrête un peu, tu m'as tout gâché. Allô? Mamie? Ah bah il est parti, 19 secondes. 19 secondes, c'est pas terrible Ruben, hein. Bon Quentin? Ouais, bon, le but est de faire mieux que 19 secondes puisqu'il y aura la deuxième, la deuxième partie. Ouais, il y aura la deuxième manche juste après la pub. Hein. Donc on y va, on appelle quelqu'un d'autre, Quentin. À toi de jouer, tu peux être tranquille, si tu fais plus de 19 secondes, tu peux prendre un peu d'avance. On y va, c'est parti, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à ton tour. Il faut dire allô dès que t'entends plus la musique en dessous de toi là. Pas de soucis. Allez, vas-y. Allez. Alors Ruben il a stress là. Pour gagner l'écran plat. Allô. Je pense qu'on n'aura pas là le bol ce coup-ci. C'est pas grave, on va en appeler un autre. Ne bouge pas, hop là, voilà, j'en appelle un autre. Là c'est parti, on y va Quentin, ton tour. Okay. Dès que t'entends plus la musique, c'est à toi pour gagner l'écran plat. Faut faire mieux de 19 secondes. Écran plat 32 pouces, full HD. Ouais. Oui, salut, j'espère ne pas te déranger et que tu vas bien. Je t'appelle car j'ai un truc important à me dire, ce que j'ai sur le cœur depuis, depuis hier. En fait, tes SMS, ils me manquent, tu me donnes plus de nouvelles, plus d'appels. Alors bon, voilà. Je veux juste te dire que j'appréciais beaucoup, enfin que j'espérais beaucoup c'est plus. C'est Julien. Quel Julien? Oui, Julien, et en fait, bah, du coup, il y a une rupture, quoi. On doit rompre. Il y a une rupture. J'ai pas compris, Julien, c'est qui? Je t'ai pas envoyé aucun message, je te connais même pas. Si, si, on se connaît. D'ailleurs, tu m'as dit que j'étais le premier mec avec qui t'as passé le plus de temps et que c'était kiffant et tout. Mais non, non, bah, je te connais pas, là, là, là. J'ai pas le bon truc de connerie de merde, je te connais même pas. Et donc, du coup, et ben, ouais, non, mais je comprends. Le truc, c'est, bah, si, on se connaît, je vous jure, c'est vrai. C'est Julien, quoi? J'habite... c'est Julien. Et parti. Oh, il est là parti, là. Il est parti. 49 secondes, pas mal, pas mal, pas mal, Quentin. Bah c'est toujours mieux que Ruben. Hein. Bon, alors restez là tous les deux. On va se caler le son de Pitbull dans quelques minutes. Pitbull avec Timber et Kesha. Et puis on va faire la deuxième partie juste après. Lequel de Ruben ou Quentin va gagner l'écran plat? Bah, on saura ça juste après ça sur Fun Radio. La nuit sans pub va démarrer également dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Michael, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Et bonne nouvelle, on aura dans quelques instants notre ami Hugo. Je sais pas si vous vous souvenez, hier en fin d'émission, on a eu Hugo qui était un champion d'espagnol. Il avait, il s'est fait, je sais plus s'il a eu une punition en espagnol. Et donc, bah, en gros, il en touche pas une en espagnol. Et on lui avait demandé de demander à sa prof, justement, parce qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Corrales. Il l'a voilà. demandé. Donc, bah, il a demandé a priori. Donc, on va essayer de le prendre d'ici quelques minutes. Restez bien là. On va appeler des gens également avec Toff ce soir. Ah oui. Bah oui, puisque bah, on s'est rendu compte grâce à l'auditeur sur le Facebook qui nous a proposé cette idée, qui était ma foi très bonne, et bien d'appeler des gens pour leur demander s'ils s'épilaient l'arrêt des fesses, puisque apparemment en ayant les fesses, enfin l'arrêt des fesses épilées, on économiserait du papier toilette. Bah ce qui semble logique. Ce qui semble dans un premier temps logique. Donc on va en parler dans quelques minutes, on va faire des appels. Si vous avez des numéros à proposer, n'hésitez pas, vous envoyez le numéro que vous avez à proposer, des gens encore debout qui sont un peu nerveux, vous envoyez ça sur le mail de Toph directement, toph@funradio.fr, et puis on va les appeler avec grand plaisir d'ici quelques minutes sur Fun Radio en direct. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, 589 000, c'est le nouveau score qu'on a eu aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir fait passer le message à tous vos potes, ça a bien marché. Continuez évidemment à pas s'arrêter là, et on revient après le son de Kesha et Pitbull, c'est Timber et c'est la nuit sans pub, bienvenue. Mickaël, no limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Yes. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 23h50, c'est parti, plus de pub maintenant, jusqu'à la fin de l'émission, on est à la cool, voilà, en toute simplicité bien entendu. Avec les premiers appels de Toph que nous allons faire dans quelques minutes, il y a Pamela qui dit mort de rire, Coronet, il sait pas ce que c'est, il est mauvais. Oui, il y a Pierre-Marc, il y a Marc aussi qui dit, je vous kiffe, vous êtes magique, merci Marc. Et Megumi qui dit, il faut envoyer des photos sexy à Polo, peut-être qu'il les regardera, enfin en tout cas ses mails. Oui, parce que bah, Polo avait prévu d'emmener une demoiselle à Starfloor, elle l'a envoyé, enfin elle a... C'est Colline, hein. Ouais, c'est Colline, ouais. Elle lui a posé un lapin, donc du coup bah il est là avec sa place en plus. Donc si vous êtes intéressé, les filles, avec Polo, il est disponible, polo@funradio.fr. J'ai reçu des menaces. Voilà, donc si c'est une fille, allez-y. L'avenir velouté qui dit il a dû ramasser Hugo. Bah justement on va se poser la question, parce que Hugo on l'avait eu hier soir en fin d'émission, t'es là Hugo? Ah ouais, je suis là. Bon, très bien. Hugo qu'on avait eu hier en fin d'émission, donc pour parler des pires punitions, voilà, c'est ça. Hein. Et donc tu nous avais dit que c'était ton prof d'espagnol qui t'avait fait une punition, je sais pas quoi, c'est ça? Non, pas une punition, parce qu'elle n'arrête pas de nous dire que les trucs c'était facile, alors que de la classe, voilà, c'est vrai. Entre 6 et 9. Exactement, exactement. Et donc du coup, on t'avait demandé si tu parlais espagnol, et t'as dit, bah en fait, rien du tout. Hein. On a fait le test, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Et donc t'avais cours ce matin, et je t'avais demandé si tu savais ce que ça veut dire, cojones. Et tu m'avais dit non, et je t'avais dit, bah demande à ton prof. Et par contre, je me souviens d'une phrase que tu m'as dit hier, c'était... Hijo de puta. Non, tu m'avais fait... Attends Hugo, on n'est pas des connards, tu me connais? J'ai fait oui. Et je m'en souviens plus de cette phrase. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Ah, j'ai un petit mieux rien. Ça mérite un coup de pelle. Hein. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas quel est le problème. J'arrive devant ma prof d'espagnol. J'ai pris mon courage à deux mains. Je dis, ça doit pas être si grave. Alors je suis arrivé, je lui ai dit la première fois. Elle m'a foutu un gros vent, mais phénoménal. Mais le vent... Mais t'as dit ça comment Hugo? Je pense arriver en cours devant tout le monde, je lui ai demandé, elle m'a regardé, elle m'a pas répondu. Donc je vais m'asseoir. Elle a du mal entendre. Elle était un peu dure de la feuille. C'est ça les problèmes des vieux profs. Hein. Voilà. Et je suis allé m'asseoir. J'ai attendu la fin du cours et je fais donc madame, c'est dire quoi? Elle fait ah mais il continue d'être insolent en plus. et du coup j'ai fait mais non madame, je veux juste agrandir mon vocabulaire en espagnol. Et là elle m'a fait mais tu veux l'agrandir ton vocabulaire, bah tu vas l'agrandir sur une feuille. Elle m'a donné à copier 100 fois je ne dois pas être insolent envers un professeur d'espagnol même en parlant espagnol, copier 100 fois. Donc là j'ai super mal à la main. Oh merde, tu dois le faire pour quand? Mais d'un côté je me dis c'est de la bonne souffrance, hein. Bah oui bien sûr, au moins ça va t'arriver. Du coup tu sais toujours pas ce que ça veut dire, Coronès. Mais t'as pas dit ce que ça voulait dire? Ah si, quand même. Ah quand même, tu vois, finalement, bah non, mais c'est vrai. Elle me l'a dit tout cru à la fin. Je lui ai demandé, elle m'a regardé pendant 5 secondes, elle fait couille. Ah bah voilà, tu vois, au moins Et là t'aurais dû aller voir le proviseur en disant attendez, elle m'a insulté, mais attends, elle est ouf ou quoi cette prof là? Non mais tu dois le rendre pour quand là? Tu dois la rendre pour quand la punition? Demain. Ah merde, sinon Toph il aurait écrit, hein. Ah oui, bien sûr, oh là là. Attends, il aurait copié 100 fois, etc. Sans problème, on t'aurait envoyé la feuille et tout, ça aurait été nickel. Bon, bah ouais, mais bon, et alors du coup, demain quand tu la vois, demande-lui ce que ça veut dire, hijo de puta. Voilà. Non, je préfère pas, je vais demander. Non, mais attends, on n'est pas des connards, Hugo, tu nous fais confiance ou pas? Ouais. Bah, la dernière fois qu'ils ont fait confiance, c'est pas très bien passé, mais c'est un détail. Bon, et sinon, en anglais, t'es comment? Ouais, en anglais, t'es comment, Hugo? En anglais? Ouais. Moyen, bof. Bon, c'est ce que ça veut dire, hassle? Non. Bah, demande à ton prof demain. T'as cours d'anglais ou pas? On peut pas faire une semaine sur deux. Non, parce qu'en fait, j'ai un peu mal à la main. Non, mais bah, justement, t'as qu'à venir en bidextre. Hein, tu sais, comme ça, t'écriras d'autre main. Moi, ce que je te propose, c'est que tu fasses une fois en espagnol et une fois en anglais, comme ça t'écris des deux mains, t'apprends. Voilà, Ou alors tu prends de l'avance, hein, si tu veux. Bah, comme tu sais quand tu vas prendre bientôt un truc, bah toi, il écrira à ta place. Bah oui, voilà. Bah voilà, il y a Stéphanie qui dit pauvre Hugo, il s'est fait punir, câlin pour lui. Bon, comment ça, câlin, dis donc. Et alors, il y a Alexou qui dit dur, le pauvre, vous êtes des enculés. Mais non, attends, on lui apprend maintenant, il va s'en souvenir toute sa vie de ce que ça veut dire, Coronès. Hein ? Ah bah, alors là, mais s'il m'en fait un peu toute ma vie. Voilà, vous avez vu, hein ? Vous êtes pas des connards, c'est l'abnée velouté. Nicolas qui dit mort de rire sur Hugo, excellent. Et Lou qui dit j'ai fait le même coup de pute à un pote en première, je lui ai dit de demander à la prof, c'était quoi blow me, il a pris 4 heures. Ah mais oui, tu peux essayer blow job en anglais. Ouais, blow job. C'est que c'est un travail en fait, hein. Ouais. A job. Comme un job, quoi. Tu vas voir le prof et tu lui dis can I make a blow job. tu essayes ça. Voilà. Ah. Bah, en gros, ça. Non, enfin, en gros, c'est un peu comme si tu lui demandais est-ce que t'as un travail pour moi, tu vois. Mais bon, mais c'est un travail dur, tu vois. C'est ouais, ouais, mais c'est une autre manière de le dire. Faudrait demander à ton prof exactement la traduction claire. Ah, non, voilà. Mais, non, mais ma prof d'anglais est plus dure que ma prof d'espagnol, je tiens à préciser. Non, mais justement, non, mais elle va être contente que tu viennes lui demander en plus un travail en anglais, elle va être contente. Oui. Voilà. Mais je dors en cours, en anglais. Non, mais donc, justement, mais raison de plus. Tu vas lui montrer comme ça, c'est genre novembre-décembre, tu vas dire, ah, voilà, vous avez vu, je commence à me prendre en main et tout, je deviens bon là, non. Donc, can I make a blow job? Can I make blow b l o w ouais job j j ou b. Oui, mais je suis pas assez nul à ce point. Hein, non mais je sais pas, on sait jamais. Donc vas-y, répète after me. Alors, can I make a blow job. Nice, very nice accent, motherfucker. Very good. Very good. You are so cute. Tu vas avoir un plus là, plus dans tes contrôles. Ah, tu vas avoir un plus. Bah oui. Maintenant j'ai des moins. Eh bah tu vois, mais t'inquiète pas, avec nous tu t'es au top. Franchement là tu vas la coller. Exact. Ah bah tu vas la coller. De changer radicalement. Voilà. Ah oui. Voilà. Repeat after me. Can I make a blow job? Ouais, je suis pas non plus. Yeah. Hein, t'en parles pas sur l'accent. Mais t'as cours quand en anglais? Attends, je vais regarder juste. Vérifie dans le journal. Ouais. Vas-y, dans le carnet, ouais. Il est dans mon carnet. Ouais. Alors, ouais, parce que au bout de deux mois, tu connais pas encore l'horaire. Non, bah moi non plus, je le connaissais pas, donc franchement, je le crois. Vas-y. Ah non. En fait, j'ai anglais vendredi, de 11 à 12. Ah merde, tu pourras pas nous dire avant dimanche. Avant dimanche, bah c'est pas grave, on t'appelle dimanche alors, c'est pas grave. Oh bah pas de problème. Voilà, sinon il y a une proposition qui vient d'arriver qui est pas mal aussi. Alors note en deuxième phrase. J'ai pas trop envie de me faire punir deux fois, mais... Non, pas deux fois, tu fais les deux en une fois, comme ça t'auras qu'une punition. Attends, on n'est pas des connards, tu me fais confiance Hugo. Ah mais total. C'est pas fait. Alors note la deuxième phrase. I love... Attends, je prends une feuille. Voilà. Quel âge, c'est un prof ou une prof? En anglais? Ouais. Une prof. C'est une prof. Elle est jeune, elle est vieille, elle est cool, elle est pas cool. Elle est jeune. Mais jeune quoi? 30 balais, 30, 40? Non, 30. 30? Ouais, alors pourquoi pas. Bon, alors vas-y, donc I love. Ouais. MILF. M-I-L-F. Ouais. M-I-L-F-S. I-L-F-S. FS, ouais. F-S-1. Voilà. Ah, d'accord. C'est bon? C'est bon. Bon, bah alors on t'appelle dimanche alors. Ok, pas de problème. Parfait. Bon, bah alors c'est parfait. Oui. Et je voulais juste dire, c'est possible pour nos ex là qui nous harcelaient. Pourquoi t'es harcelé? Non, il y a pas très longtemps. Bah vas-y, explique. En anglais, hein. Only in English. Non mais là je non mais je voulais rien dire en fait. Non, en fait, c'est alors il est espagnol. Non. Si hola que tal non tu non. La señorita. Coronés. Non parce qu'il en avait plusieurs lui. La señorita et Coronés. Oui c'est ça. Ouais. Bon en fait tu mets les mots les uns derrière les autres, ça doit bien venir dire quelque chose un truc à un moment ou un autre. Non ouais, bon écoute bah alors bon dimanche on te rappelle et donc alors du coup c'est quoi l'histoire du harcèlement là? Donc je vois en fait c'était ça a commencé l'année dernière en fait j'étais avec une fille et elle était en troisième j'étais en cinquième et là elle me fait ouais, je suis en train d'accrocher, je suis pote avec elle, et elle me fait, je suis en train d'accrocher avec un mec. Je fais, ah bon? Je suis content pour toi. Et là, elle me fait, ouais, je suis à fond dessus et tout. Je lui demande demain. je fais bah courage. Le lendemain je reçois un message, je fais, elle me fait tuer sans avec moi. Fais, ah oui, oui. Elle, alors, elle avait alors, tout compris elle au message hein. Ouais, alors du coup là je lui fais carrément non. Non, et depuis elle continue ou pas? Elle continue à devenir tout saoulée? Et du coup elle a fait ok. Au bout d'une semaine, mais vraiment quasiment tous les jours, elle m'envoie un message, elle me fait salut chouchou, je t'aime. Oh, et tous les jours. C'est mignon. Et là, elle me fait je t'aime moi, reviens. Ok, t'es relou. Mais tu lui as dit que t'étais jamais venu? Oui. Non mais au bout d'un moment j'ai bloqué ses messages. Mais bon, voilà, mais c'est ça aussi la solution. Hein. Tu peux bloquer l'expéditeur, enfin bref, bloquer oui. Bloquer la personne quoi. Ouais, bah, tu peux essayer. Non, tu peux essayer. Et elle est envahie. Bah oui. Bon Hugo, on te rappelle dimanche. Hein. Ok, pas de problème. Oublie pas la phrase. Ouais, si je vous rappelle pas avant. Oui, tu peux nous rappeler avant si tu veux. T'es le bienvenu, pas de problème, on est là. Hein. Ok, pas de problème. Bon, ça roule. Allez, salut Hugo. Hein. Salut. Et t'inquiète, tu peux me faire confiance. Ouais, n'aie pas peur. Allez, vas-y, ouais, bien sûr, fais des dédicaces, vas-y, et toi, tu peux y aller. Alors, dédié à Daphné, à vous, parce que vous êtes super tous les soirs. Oh, c'est gentil, c'est gentil. À Lucas, oui. Et Clara. D'accord, bah message passé, oui, lui, il a droit à plusieurs. Hein. Oui, bah oui, parce qu'il va prendre bon, chien. Bah oui, bah merci Hugo, hein, et puis tiens-nous au courant. Hein. Ok, pas frère. Bon, allez, à plus Hugo, ciao. Salut. Bon bye. Allez, on écoutera aussi le nouveau son de Hardwell aussi tout à l'heure. Il y aura le son d'Eminem comme promis avec The Monster. Eminem et Rihanna sur Fun Radio. Et je vous calerai tout à l'heure aussi Redfoo, Let's Get Ridiculous. Yeah. Redfoo qui sera avec nous samedi soir hein. Ce sera au Starfloor en direct sur Fun Radio dès 20h. J'aurai l'honneur de vous présenter cette édition du Starfloor avec Karima. Donc dès samedi soir à partir de 20h sur Fun Radio. Il y aura plein de surprises notamment. Bon bah bonne soirée tout le monde. Et puis on va récupérer surtout Ruben et Quentin. Vous êtes toujours là tous les deux là? Ouais, parfait. Bon alors Ruben qui avait commencé le jeu de la rupture pour gagner un écran plat 32 pouces full HD LED etc etc. Le jeu de la rupture c'était d'appeler des gens au hasard pour avoir une discussion de rupture. Alors Quentin, oui. Je voulais savoir à quel moment, pour ceux qui étaient là tout à l'heure hein, à quel moment quand tu quittes une meuf tu lui dis il y a une rupture. Bah non mais à l'occurrence ça c'était plutôt un gars quoi. Mais peu importe, à quel moment un gars ou une meuf tu dis il y a une rupture, tu dis écoute je veux casser avec toi, je veux te quitter, c'est fini entre nous, et c'est ce qu'on appelle une rupture, mais il n'y a pas de rupture. Enfin pas encore, c'est vrai, tu vois. C'est vrai, non, tu peux dire j'ai une corde et là il y a une rupture, clac, elle a cassé, là ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais. Voilà, vrai. Mais là, il n'y a pas de rupture. Tu sais, t'appelles. Salut ma chérie, écoute, je t'appelle parce que. Bah là, il y a une rupture. Il y a une rupture dans notre c'est l'heure. Faut que je fasse la rupture, tu comprends maintenant, tu vois, je veux dire. Bon, ouais, bref. Bon, ouais. Tout ça pour dire que Quentin a fait 49 secondes, Ruben en a fait 19. Ruben, tu n'as pas été très bon. Donc, Quentin, à ton tour, on remet le couvert maintenant, on appelle quelqu'un au hasard. Si tu fais plus de 49 secondes, on prendra en l'occurrence le meilleur de deux scores, d'accord? D'accord. Allez Quentin, c'est parti, on y va, on appelle de nouveau au hasard, garçon ou fille, on verra bien. Et il faut tenir le plus longtemps possible avec une conversation de rupture. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Ok. Allez. Connard. Oui, allô. Oh, pas mal. Oh, celui-là, il était bon. Ah, il était pas mal. Ah, il était pas mal, il était gratuit. Quentin, c'est le plus court, non? Ah ouais. Quentin, tu as fait un record, celui de l'appel le plus court. Oh putain. Oh vas-y. Bah, attends c'est connard. Allez deux secondes, je te valide les deux. Allez, donne-lui trois. Allez trois secondes, je suis pas un enculé là. Trois secondes, merci, pas mal. Ouais. Bon Ruben. Il met la pression maintenant. Ah bah non, bah là il faut faire plus de 49 secondes Ruben, t'as plutôt 49 la chance. Secondes, ouais. Bon allez 49 allez. Secondes, on y va. Et ça, tu vas voir le prochain ça va être ça. Vous avez pas grand chose à branler de votre journée. Paf, il va raccrocher. Bon on y va, Ruben à ton tour. On appelle, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi. On reparlera avec Sarah dans quelques minutes également. Des mecs relous qui harcèlent et des meufs aussi qui peuvent harceler. Allez, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi, Ruben. Allô? Allô? Oui? Oui, c'était pour te dire que vraiment, je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu m'as fait? Allô? Ah, on a Ribéry au téléphone. Allô? Oui? Et vous demandez qui? Je demande... Je te parle à toi. Et la route tourne. Ah non, on a tourné. Alors, vous faites une erreur. Ah non, c'est impossible, je te jure. J'ai ton numéro. Allô. Tu sais quoi, j'ai envie, je vais me suicider là. Ouais, eh ben tu vas te suicider, mais tout seul, puisqu'elle a raccroché ma gueule. Oh ah, non 29 putain, secondes mais... Et c'est notre putain, ami Quentin. Oh putain. Oh, je suis oh, là, là. Eh oui. Oh, vous niquez tout. Ah bah c'est toi qui a tout niqué hein. Ah ouais, ouais. Oh là là, Ruben. Ruben. Oui. Bon, tu retournes chez ta mère les mains vides, ma gueule. Mais oui. Eh oui, ouais. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allô, tu peux Polo, ouais. Si tu veux, moi j'ai avec toi Starflor hein. Ouais, mais il te manque des nibards et un petit cul. Non mais c'est pas grave, je m'en fais si ah, tu t'en fais, d'accord, ok. Ah ouais, le mec il est vraiment y aller à Starflor. Ah, ouais. Mais oui, je veux aller à Starflor. Non, non, mais d'accord, ok, si tu veux, ouais, Quentin. Je peux passer une petite dédicace quand même, bon, allez, demandé. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Merde. À tous, je passe une dédicace à une personne, tous ceux qui à une personne, reconnaît... à Quentin, ouais, attention. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Bah, à tous ceux qui me reconnaîtront, quoi. Très bien. Vous êtes un petit connard. Oui, d'accord, ah. Ok, très bien. Bon, ben voilà, pas de problème. Quentin, bravo à toi, l'écran plein, Flash D, 32 pouces, il est pour toi. Salut, merci. Salut. Salut. Allez, ciao. Ruben, ciao. On va quand même te filer un pack fun, hein. Oh ouais, mais bah je peux ouais. Pas, il n'y a pas moyen d'aller à Starflor avec, attends, Polo. Attends, laisse-moi réfléchir, bah Polo. Mais écoute, c'est pour les filles. Non. Et je te ramène une s'il te plaît, je te présente une copine. 50. Non, si, si, bah alors viens avec la copine, comme ça tu restes dehors et Polo ira avec la copine. Mais non, mais moi j'ai envie d'aller. La copine, ça va pas l'extra. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Ouais. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Et là en l'occurrence tu l'as pas. Alors t'as vu la photo que j'ai mis sur le Facebook tout à l'heure. J'en ai tellement des places pour Starflor. Bon, je crois que je sais même pas quoi en faire, je vais les brûler, je vais me faire un petit feu devant le concert. Je vais me mettre là, je vais me mettre bien, puis je vais faire un petit feu quoi. Si si, ça va être bien, tu vas voir. Bon, bah écoute, Ruben, reste encore écoute fun, hein. Il faut écouter le double fun, si tu joues tu peux gagner encore. Oui mais bon, je sais, mais j'ai envie de toi, tu m'as mis 20 places. Et arrête de dire j'ai envie de toi, espèce de psychopathe. tu vas voir ça. Il est sérieux lui? Hein? T'es sérieux ou t'es pas sérieux là? Pour la place de Starflor, c'est pour avoir ma place pour tout faire. Ah oui oui, d'accord, ok. Bah écoute, tu vas pas pouvoir faire ça en l'occurrence. Bon non, je peux pas filer de place, j'en ai pas de toute façon. Celle que je vous ai montrée, c'est celle qu'on vous offre. Moi je les ai pas personnellement, tu penses bien. Bon, allez, en plus t'as perdu Ruben, t'es gonflé hein. Encore l'autre il aurait essayé de négocier la place de l'écran plat là. J'ai la loose. Bah, Ruben, je vais te passer Sandro, essaie de négocier avec elle. Je te dis ça comme ça, mais en fait elle en a plein. Elle est blindée. Mais quoi qu'il arrive, je vous jette quelque chose, Sandro c'est la meilleure. Ah bah voilà. Il y a que elle. C'est la meilleure. Il commence déjà à sucer, tiens. 01 bon. 42 48 5000 Sandro, elle a blindé de place. Appelez-la. Aimez-la. Elle blindé, en a blindé. Là, elle dit non parce qu'elle ça la saoule de lui prendre des coordonnées. C'est pas vrai, mais elle pas. A blindé de place. VIP. VIP. VIP, backstage, tout le bordel. Vous serez même sous la scène. Parce qu'il y en a qui sont tellement fans, tu vas se dire que ça les fait chier d'être dans la salle. Ils préfèrent être sous la scène. Ils pensent que c'est mieux alors qu'en fait, t'entends rien, c'est une horreur. Donc si vous voulez, 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et attention, Sandro a même des allers-retours. Hein, donc si vous êtes. Même une place pour les toilettes de Bercy, oui. Avec l'hôtel et tout, tout est là. Elle a tout en stock, Sandro. Donc elle a tout. Vos numéros, vous serez blacklisté. Hein. Je bien sûr, ce mais arrête ton cinéma. Ouais. Bon, allez, Ruben, je te repasse Sandro, je gère avec elle. Ok, salut. Merci, je vous kiffe. Mais vous merci, Ruben. Bon, on va s'écouter le son de Eminem maintenant avec Monster. Et juste après, on démarre les appels avec Toff. On va récupérer Sarah. T'es toujours là, ma chérie? Je suis toujours là. Ah, parfait. Bah oui, on a eu les appels. On a eu Hugo, le malheureux, là, qui s'est fait coller. En fait, c'est dans ma voiture, alors il commence à faire un peu froid. Mais le chauffage? Eh ouais, mais bon voilà, je me suis arrêté depuis tout à l'heure, elle est démarrée donc. Bon bah écoute, je te mets Eminem et juste après on parle avec toi, ok? Vas-y, y'a pas de. Bon allez, Eminem et Rihanna maintenant, The Monster, okay. Sarah. Et juste après, on parle des mecs qui harcèlent, des meufs qui harcèlent, on en parle avec vous, toutes et vous tous en direct. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Venez, rejoignez-nous, faites passer le message à tous vos amis. On est plus de 580, enfin vous êtes plus de 589 000 à nous écouter le soir sur Fun Radio. Continuez à faire passer le message autour de vous, à vos amis, à vos potes, à vos frères, vos sœurs, les cousins, bref, tout le monde doit être au jeu. Il y a enfin quelque chose de bien à écouter à la radio la nuit, 23h, 2h, c'est tous les soirs sur Fun. Friends with the monster, the sound of my bed. Bonne soirée avec Fun Radio, minuit 14, en direct comme tous les soirs. Il n'y a plus de pub maintenant. Il y a Ro Diamond qui dit vous êtes des malades. Il y a Sylvie qui dit un délire total l'émission. Et le prince Tadia qui dit le jeu de la rupture. Deuxième partie, record de l'appel du plus court de toute l'histoire de la radio. Ah oui, là, ça a juste fait... connard. Paf, raccroché. Il va se faire démonter le Hugo. Mais non, il va pas se faire démonter. Mais non, il y a Max qui dit oui, oui, vous êtes vraiment des connards. Lol, profitez de l'ignorance d'un pauvre garçon. Oh, c'est faux. Stéphane qui dit vous êtes vraiment des salopios. Mais non, mais au moins il va apprendre les choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Il va apprendre les enflures. Je rigole. C'est Jessica Angelina qui dit aussi oh, le pauvre, je le plains, vous êtes pas gentil. Et Manu qui dit s'il pose la question, c'est mon héros. Mais il est un petit peu con quand même. Mais non, pas du tout. Au contraire, il veut apprendre. Il est en demande mais d'apprentissage. Oui. Nicolas qui dit vous allez punir à vie le pauvre. Nicolas aussi, un autre. Bande d'enculés, vous craignez LOL et Megumi. Pauvre Hugo, moi je dis vous êtes vraiment des gros bâtards. Et Christophe qui dit il mérite un cadeau. Bah, qu'il fasse d'abord la demande et puis on verra. Et j'irai mort de rire. Le pauvre, les bâtards pour DJ Roms. Angelina qui dit vous êtes pas des connards un peu douteux. Et Ophélia qui dit je vous écoute tous les soirs, c'est des barres de rire. J'aimerais bien un petit message de bienvenue. Avec plaisir, Ophélia. Attends, je t'en mets un petit là. Attends, je vais t'en mettre un beau. Tiens, attends, voilà. Attends. Allez vous faire enculer profondément. Allez, profondément. Attention, ouais. Attention. Et Nathanaël également. Mickaël, je te ramène à une nouvelle auditrice. C'est Jenny Gina. Il lui faudrait un bon gros message de bienvenue pour elle. Alors, Jenny, j'en ai un beau là. Alors, attends. Oui, il est violent. Hein. En plus, très très violent. Il est long, donc on le met pas souvent. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui soit portée. T'as compris, enculé. Voilà. Ah oui, il est. Ah, il est. Bah, il était motivé, le monsieur. Ah, hein, bah, ça, c'est... Oh là là. Il est VIP, celui-là. Ah, il est VIP. Bon, on appelle des gens maintenant avant de récupérer, comme promis, notre amie Sarah. Premier appel, puisque nous allons maintenant suivre le conseil que l'auditeur, comment il s'appelait encore, j'oubliais. David, ouais, sur Facebook nous avait dit, hein, justement, apparemment, il voulait savoir si les gens se rasaient l'arrêt des fesses, puisque, apparemment, quand on a les fesses rasées, on économise du papier toilette. Mais oui. Voilà. Moi, je trouve ça bien qu'on fasse un petit geste pour l'écologie. Bah, exactement. Donc, du coup, on va appeler des personnes maintenant, puisque vous avez été nombreux, comme chaque soir, à balancer des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci. Vous êtes sûr qu'ils sont encore debout à cette heure-ci, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On appelle le premier, c'est parti ? Allez, on y va. Allez, on y va, c'est parti. Et puis, promis, après, c'est Sarah qui débarquera. On aura le teubé de la télé avec un peu de retard, et puis la réponse. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous vous épiliez l'arrêt. Pardon ? Non, je voulais savoir si vous vous épilez l'arrêt des fesses. Qu'est-ce que ça vous regarde ? Bah, parce que, en fait, c'est pour vous aider à faire des économies, madame. Ouais. Oui. Écoutez, je voudrais bien qu'on me téléphone pas pour m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, madame. Je vais vous aider à faire des économies. Ouais, allez vous faire foutre. Mais pas du tout. Ah bah voilà, bravo, très bien. Hop là, on va rappeler, hein. Bah oui, elle a l'air tellement charmante. Ah bah elle s'en branle là, visiblement. Bon, on rappelle. Connard. Allez, on rappelle. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je vous appelais pour savoir si vous vous épiliez l'arrêt des fesses, tous les deux. Ça ne vous regarde pas, monsieur. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Bah non, ça ne vous regarde pas. Bah si, sinon je vous appellerai pas, monsieur. Ben, vous pouvez m'appeler tant que vous voulez, mais ça ne me regarde pas. Ben, si. De toute façon, je vous signale que mon numéro de téléphone est sous contrôle. Hein. Oui, oui. Donc si vous continuez à m'emmerder, je vous envoie les flics. Hein. D'accord, okay. Monsieur. Mais écoutez, pourquoi je vous appelle au moins ? Non, pas du tout. Ben, vous me laissez tranquille, alors vous me foutez la paix. Mais d'accord, merci beaucoup, au revoir. Mais attendez, monsieur, je vous aide à vous faire des économies. Oui, non, mais il veut pas des économies, là. On va le rappeler encore un coup, là. Attends, le téléphone est sous contrôle. Bah oui, le téléphone est sous contrôle et c'est le principal. Allez, on rappelle le téléphone contrôlé. Attends, c'est parti. Allô. Oui, excusez-moi madame, mais c'est pas très gentil hein madame. Moi je vous appelle pour vous aider à faire des économies et vous le prenez comme ça. Vous allez cesser de me téléphoner s'il vous plaît. Bah, oui. Je voudrais bien être tranquille. Oui. Chez moi. Bah, oui, mais vous êtes chez vous madame. Oui, mais vous m'emmerdez. Et royalement. Ah bah non madame, pas du tout, je vous appelle pour vous faire des économies. Oui. Eh bien faites-en vous-même des économies. Épilez vos poils de cul. Bah, t'as compris ? Va t'épiler les poils de cul. C'est pas compliqué maintenant. Va t'épiler les poils du cul là. Le téléphone est sous contrôle. Mais oui, ah, bah, attention, le téléphone est sous contrôle. Là, donc, c'est ça qui me rassure, c'est que le téléphone est sous contrôle. Attention et Sarah ? Oui. Fais attention, le téléphone est sous contrôle. Hop. J'ai pas compris. Je dis fais attention, le téléphone est sous contrôle. D'accord. Il est sous contrôle, méfie-toi. Et mais toi. Y a aucun souci. Oui, et en plus, un appel masqué peut être démasqué, donc méfiez-vous également. Voilà, c'est chaud. Bah oui, c'est on est plus tranquille nulle part maintenant. C'est dingue, hein. On peut rien faire, c'est de la folie. Bon, Sarah, 25 ans d'Avignon. Toi, tu nous appelais par rapport au mec qui était un peu relou. Mec, donc en gros, qui comprenait pas quand c'était fini. Pareil pour les filles d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, alors, c'est quoi ton histoire, dis-moi, Sarah? Bah écoute, moi c'est simple. Je me suis mariée il y a à peu près 2 mois. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y a 2 mois tu t'es mariée et d'accord. Ouais. Ouais. D'accord, mais combien mesures-tu? Non mais on s'en fout. T'es encore mariée là? J'ai plus mariée, quoi. Je suis encore mariée, mais. Mais tu c'est vis plus avec lui et t'as besoin de temps en temps de te faire dégorger un peu. Oh tof. Hein? C'est quand la dernière fois qu'on t'a repeint la caverne? Sans pitié. Ouais, oui, bah oui. Bon alors, Sarah, combien mesures-tu? Je fais 1m65. Combien pèses-tu? Je fais 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 38. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui, bah Polo Paul avec toi également en Starfloor. Et si tu as besoin, comme ça, un petit peu de réconfort en attendant le divorce, je suis disponible. Merci Toff pour cette magnifique proposition. Ouais, mais là, on va dire que là, les hommes, je mets de côté. Là. Tu m'étonnes, mais surtout la proposition de Toff tellement alléchante. Mais ça ne me dérange pas, moi, on peut faire l'amour de côté, y a pas ouais, de problème. Ouais, bah super, effectivement. Bon, alors, vas-y, explique l'histoire. Alors moi, c'est simple, je me suis mariée le 14 septembre. Oui, d'accord, ok, donc il y a vraiment pas longtemps, hein, on est d'accord. Voilà, et 3 jours après, j'étais au tribunal en train de faire une demande de divorce. Oh là là. Ah oui, t'as été rapide, toi. Bah, ça a été très très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'avais une voisine qui a emménagé 4 jours avant nous. Elle est venue demander du sel une fois, donc je l'ai fait rentrer. Ouais, du sel, ouais. Je suis partie passer un week-end chez ma maman parce qu'elle était un peu malade. Ouais. Pendant ce temps-là, elle est venue saler ton mari. Voilà. Et en fait, au lieu de rentrer dimanche, donc on s'est mariés samedi. Et quoi, samedi d'après, ben en fait, elle était chez moi. Et oui. Et ton mari avait sa salière à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Oh là là. Mais putain, c'est énorme. C'est-à-dire que le mec, donc mariage quand même qui a duré que dalle, quoi. Ça, là, en fait, une semaine jour pour jour. Ah oui, c'est pas mal. Non, c'est bien. Folie. Voilà, samedi avant de me marier, j'ai fait un énorme mariage. Samedi d'après, j'étais cocu, quoi. Oh, ça, mais c'est ça qui est bon. Mais si ça se trouve, je veux pas casser le délire encore un peu plus, hein. Mais à mon avis, il t'avait déjà rendu cocu même avant, hein. Je pense qu'il a pas attendu le mariage. Ouais, enfin, je crois. Ouais, mais quand même, ça, parce que quand c'est un mariage, ça attend tout le monde. Il y a la famille, tu vois. C'est. En plus, moi, je suis d'origine marocaine algérienne. Ouais. C'est plus un français. Donc ça a été très très très difficile dans ma famille pour le faire rentrer. Ouais. Ah, et juste dans ta famille, après les autres endroits, ça rentrait tout seul. Ah, bah les autres endroits, il est bien rentré tout seul. Hein. Alors, quand même, je leur dis que je suis plus avec, que j'ai entamé une procédure. Moi, je me suis mis toute ma famille à dos. Oh. Bah ouais, mais bon, en même temps, ils sont cons aussi. C'est comme si, genre, c'est ta faute. Bah ouais, mais il lui avait dit que c'était un connard. Après, il les a pas écoutés. Ma mère. Ouais. Mais oui, mais quel cinéma. Oui, mais tu m'avais écouté. Toujours on n'écoute pas ses parents, mais au final, franchement, il faut les écouter. Mais oui, mais bon, parfois ils les écoutent et ils font la merde aussi, hein. C'est pas non plus, tu vois. Non, c'est pas vrai. Ma mère, elle dit toujours des trucs bien. Arrête, t'en veux, c'est parce que t'as peur d'elle, espèce de mongole. Moi, ma mère, elle dit toujours la vérité. Mais pareil, moi aussi, c'est pareil. Ma mère, elle dit que la vérité. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai voulu partir, quand je les ai vus, en fait, moi, je suis photographe. Quand j'ai voulu ramasser tout mon matériel, il a pété, il m'a giflé. Non, en plus le mec est en tort et il se permet. Ouais. Quel mongolien, quel connard. Il a cassé le nez en me mettant une gifle. Quoi? Ouais, je me fais opérer le 5 décembre là. Oh putain. Ah ouais, c'est chaud là. Alors qu'une bonne bifle. Enfin bon, moi. Oh merci voilà. Toff, écarte-toi. Donc du coup voilà, et là en plus, mais attends, c'est pas fini. Hein. Donc après, du coup, j'avais plus nulle part où aller. Ouais bah oui. Ah, si j'avais su, il fallait m'appeler, moi. Mais oui, c'est ça. Toff, c'est bon, elle a donné avec les connards déjà. Ouais, mais c'est. Non, mais. Alors, ça va, je suis indépendante, j'ai mon argent et tout. Donc, je suis allée d'hôtel en hôtel et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'étais à l'hôtel, ils me retrouvaient. Tous les soirs, je changeais d'hôtel. J'étais. Je suis à l'hôtel depuis plus de 2 mois maintenant. Quand même, c'est énorme. Bah, ça fait cher, surtout. Mais ça fait bien cher, effectivement. Ouais. Toff, il fait moitié prix de l'hôtel, hein, si tu veux. Hein. Ouais, bah, chez moi, je te fais la chambre pour 50 euros. Voilà, bon, il y a moins de place, mais bon, pas grave. Et du coup, en fait, il s'est avéré que je comprenais pas comment ça se fait qu'il me retrouvait. J'ai changé de numéro, j'ai tout fait, j'ai tout échangé. C'est pas possible tout ce que j'ai fait. Et en fait, il m'a mis une balise GPS dans ma voiture. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce psychopathe? c'est un psychopathe. Et ben là, aujourd'hui là, ça y est, je me suis décidée, j'ai porté plainte. Ouais, bah oui, t'as raison. Ouais. Alors là, je pouvais plus avancer. C'est trop. C'est harcèlement, c'est psychologique, c'est moral, c'est tout. Putain, mais t'as vraiment des gens complètement barrés sur Terre. Surtout que le mec, c'est quand même lui qui est en tort, tu vois, au final. Encore, lui, en gros, tu l'aurais trompé, tu te serais barré, il a la rage, il veut te faire chier, bon, ça, je peux le concevoir, hein, pas le comprendre, mais le concevoir. Mais c'est lui qui fait de la merde. Tu te barres, il te casse le nez, et c'est lui qui te suit. C'est un truc de ouf. Eh ben voilà. Putain. Et là, ben maintenant, là, aujourd'hui, j'ai porté plainte, ça y est, je me suis décidé, je dis c'est bon. Je peux pas rester avec quelqu'un qui... Mais t'as raison. Tu te dis, ouais, tu vis dans l'angoisse, je marche dans la rue, je regarde s'il est à droite, à gauche, c'est même pas de l'harcèlement, c'est pire. Non, mais que c'est clair. Bah, hey, bon courage, tiens-le au courant quand ce sera fini. Hein. On te cherchera un nouveau mec, t'inquiète. Mais je suis là. Non, là, c'est bon, là c'est bon, t'as donné. Ni rien du tout. Par contre, je voulais vous demander, le jeu, t'as les ruptures. Hein. Oui. Moi, j'aimerais bien essayer, franchement, ça m'intéresse parce que. Eh ben si tu veux, pour la semaine prochaine, parce que là on a plus, là, c'est fini, on vient de faire. Ouais, y a pas de soucis. Comme elle est un peu calée en rupture. Bah ouais, bah oui, c'est ça, attends, ouais. Je pense que je ferai plus que ce qu'ils ont fait les deux. Oh, il y en a qui se la ramènent là. Soupçonne quelqu'un qui se la ramène. Non, mais c'est vrai qu'en plus, non, mais sérieux, on m'a toujours dit que j'étais une bonne comédienne. C'est vrai, eh ben écoute, très bien, je te repasse Sandro, elle va prendre tes coordonnées, puis on te rappelle la semaine prochaine pour faire la rupture. Ok. Bah, en tout cas, je voulais faire passer un message. Vas-y. Si mon gros con de mari m'écoute. Vas-y. Voilà, il me laisse tranquille. Très bien. Tu veux qu'on l'appelle? Ouais, tu vois, on l'appelle. Ah non. Tu vois, on l'appelle, non, tu l'insultes pendant 30 secondes et on retranche. Ah, il est en garde à vue, là? Bah oui, la gendarmerie l'a embarqué. Ah, d'accord. Allez vous faire faute. Bah voilà, exactement. Vous avez pas grand-chose à branler de votre journée. Oui, complètement, effectivement. Oui. Bon, très bien. Bah écoute, merci, Sarah. Hein. Bah, y'a pas de soucis. Et puis, gros bisous, à bientôt. Merci. Salut. Allez, bisous à tous. Ciao. Épilez vos poils de cul. Oui, très bien. Ben, c'est un bon message. Il faut bien prendre note. Stéphanie qui dit tof, il fait malin, mais trois petits points. Oui, c'est ça. Le prince Nadia aussi, comme quoi il faut vraiment réfléchir avant de franchir le pas et de se faire passer la bague au doigt. Et puis Kawet qui dit le mariage ne change absolument rien. Ça rend les gens plus amoureux, fidèles ou autres. Et puis Arnaud qui dit je pourrais avoir un coup de lance-flamme pour griller les poils du cul. Ça fera ressortir les odeurs de fion. Waouh, la grande classe là. Hein. Voilà, tout est fait à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Bon, on va récupérer dans quelques minutes, tu auras Marc pour l'épilation. Salut Marc. Oh là, on t'entend mal. Salut Marc. Salut les gars, ouais, ça va bien. Ah, pas de problème. Ouais, ça va, tranquille. Bon Marc, et tiens, on va parler d'épilation dans quelques minutes, on fera d'autres appels avec Toff. Et puis est-ce que tu regardes souvent la télé toi? Non, pas trop, non. Pas trop télé moi. Bah écoute, très bien, mais c'est pas grave. Hein. Alors je sais pas si vous connaissez la 69 années érotiques. Non, pas du tout. 69 années érotiques. Bah, ouais. Ça permet de voir qu'on parle plus tout le sexe de la même manière, en fait. Hein. Voilà. Il y en a deux. Pénis. Testicules. Et ça s'appelle testicule. Bien. Ils disent, cette semaine sort par le sexe. On sait pas où est le sexe. On sait pas ce que c'est le sexe. Ah oui, évidemment. Oui. C'était avant. On passe des émissions bizarres quand même. Hein. Voilà. Et dans les gousses. Les 12 coups de midi, on a trouvé le rire du monde. On dirait une poule. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah, c'est une horreur. Ta gueule. Voilà. Et puis dans le 13h de Pernod, on a encore eu un reportage exceptionnel sur un chasseur de pigeons cette fois-ci, la grande classe. Faut les appeler à la voix, les roues courées. C'est sur TF1, hein. Dans le journal. Toujours à la fin, là. Si on ne le fait pas, elles savent que c'est pas une des leurs. Et là, on se trahit. Eh oui, attention. Comme ça, vous savez comment faire maintenant. Hein. Si vous voulez attraper un oiseau ou un pigeon, hein, il faut recouler. Attention, il faut recouler. C'est bien, c'est sur TF1 que ça se passe, c'est cool. Bon, Marc, épilation dans quelques minutes, on en parle avec toi. Ok, ça marche. Bon, reste avec nous, on va s'écouter le nouveau son d'Hardwell maintenant sur Fun avec Dare You. Il est minuit 28, on est en direct sur Fun Radio. Tous les soirs, de plus en plus nombreux à nous écouter. Retenez bien le chiffre, 589 000 en deux mois d'existence, parce qu'on compte depuis le mois de septembre, évidemment, même si on l'a depuis le mois de juillet. En deux mois, 580 000, plus de 580 000 auditeurs. Merci beaucoup d'avoir fait passer le message. Et oui, vous avez fait passer le message à tous vos potes. La preuve, ça a marché. Continuez dans ce sens, bien entendu. Et puis, bah, c'est surtout que c'est normal, vous veniez petit à petit. Puis puisqu'il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Voilà. C'est sur Fun Radio que ça se passe. On attend tous vos messages maintenant. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook pour nous rejoindre. On a la réponse de la colle dans quelques minutes. Vous nous rejoignez aussi sur le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël _ officiel. Et puis on fera un top tweetos dans quelques minutes. Juste le temps d'écouter Hardwell, comme promis. C'est Dare You sur Fun Radio. Hardwell, le nouveau avec Dare You à l'instant sur Fun. Je vous cale aussi Stromae avec Tous les Mêmes d'ici quelques minutes. Il y aura aussi le son de Red Fou avec Let's Get Ridiculous. Et Red Fou qui sera avec nous, hein, ce sera samedi soir au Starfloor. Attention, les jours passent et on arrive. Le Starfloor, ce sera samedi soir en direct sur Fun Radio dès 20h avec plein de surprises. Vous allez pouvoir tout entendre, écouter et suivre aussi sur le site de Fun, bien entendu. Il y a un message de Jordan qui dit coucou, j'aimerais trop avoir deux places pour Starfloor. Bah oui, bah j'imagine bien, fais écouter Polo Fun. polo@funradio.fr. Ouais, et Polo en a une, oui, parce qu'il il en a deux, mais il va lui-même. Et il aimerait bien voir y aller avec une fille. Il y a Ophélia qui est réveillée son chéri en lui disant putain, Mickaël, lu mon tweet et j'ai eu mon message de bienvenue. Là, il a les boules, mort de rire, il me jalouse. Elle doit être content surtout hein, que tu l'aies réveillé pour ça. Bah, bravo et bienvenue à toi. Noémie qui dit histoire de fou, sérieux, il va prendre cher son ex là, qu'il y reste en tôle et grave. Et Angelina qui dit ça s'élire à l'intérieur. Oui, ça c'était la vanne de Toff de tout à l'heure. Et Benjamin qui dit bon, bah en 3 jours le divorce, c'est pas mal. Et Jenny, salut, merci pour le message de bienvenue, il était énorme, j'ai kiffé. Bah, bienvenue à toi, Jenny, nouvelle auditrice parmi plein d'autres. Stéphanie, pilez vos poils de cul, ça va faire un bon message de bienvenue, ça. Ah ouais, ça je pense aussi, ouais. En effet. Bon, Marc, avant qu'on appelle d'autres personnes, là, tu voulais nous donner quelques petites informations par rapport à l'épilation des trous du cul. Ou t'entends mal. Moi, vas-y. Je le fais depuis un petit moment et j'ai connu, j'ai pas mal de pâtes cul en fait. Ouais. C'est plutôt sympathique. J'ai 40 balais, je vous écoute depuis 2 mois, je suis nuit permanent dans une grosse usine Renault, je dirais pas où. Mais non, mais parce on sait qu'elle est dans l'Est, hein. Ça tu peux pas cacher. Ouais, bah bon, il y a plein de gens qui écoutent, donc j'ai pas envie de dire. D'accord. Vous êtes franchement top. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Non, mais sérieux, tous les soirs je les écoute, j'adore quoi, voilà. Bon bah écoute, c'est super, tu fais chérie, partie. Je peux te faire coquille, ah ouais, c'est trop top. Bah, on le remettra tout à l'heure celui d'hier pour ceux qui n'étaient pas là hier soir en début d'émission, enfin au milieu d'émission plutôt. On le remettra, donc vous allez voir, c'était du caviar. Bah tu fais partie des 859 000, hein, donc plutôt cool. Bah merci, je suis fier d'en faire partie. Enfin, ouais, nous on est plutôt contents que vous soyez là surtout, hein. Ça fait plaisir. Et clairement. Il y a plein de monde qui vous écoute dans mon usine, là, parce que partout, tu sais, moi je tourne assez dans l'usine, je fais un peu partie de la qualité, donc je tourne un peu partout. Ouais. Il y a plein de gens qui vous écoutent, j'entends la radio quoi. C'est vrai, on embrasse tout le monde. Un peu partout et ouais. Et bah, c'est très bien, on embrasse tout le monde. Merci beaucoup, des gens top tweet aussi le soir, donc c'est cool. Merci Ophélia qui me le signale, même si je l'avais pas vu. Merci Ophélia. Bon, alors du coup, toi tu fais quoi l'épilation, Marc? Pourquoi tu t'épiles de tes fesses? Bah c'est quoi, parce que j'aime bien et puis les femmes ils aiment bien en fait, donc voilà. C'est plus agréable quand elles te passent le doigt entre les cheveux. Ouais, elles aiment bien. Ouais, elles aiment bien. Elles aiment bien. Exact, elles aiment bien, ouais, tout à fait. Est-ce que tu t'es rendu compte que depuis que tu t'épiles les fesses, tu utilises moins de PQ? Ouais, tout à fait. Ah. Quand même. Donc finalement David sur le Facebook, c'était pas foutu de notre gueule tout à l'heure. Hein. Non, j'ai gagné au rouleau de PQ là, c'est clair. Hein. Ouais, il gagne. au minimum un rouleau par semaine. Hein. Bah oui, mais c'est ça, mais il faut que ça sache. Il faut que ça sache. Épilez-vous le fion. J'ai pas calculé Mika, mais j'ai gagné, c'est sûr. Bah, et voilà, épilez-vous le fond de fion, pardon, ça vous fera gagner du PQ, c'est clair. C'est clair et net. Et puis je me sens mieux quoi. Bah oui, mais mais tu as raison, je trouve que c'est la solution. Je me sens mieux quoi. Ça gratte moins la fesse. Voilà, d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore appeler quelqu'un pour voir si, bah pour donner un conseil surtout, hein, pour encore donner des conseils pour en disant effectivement quand on s'épile le fion, on économise du PQ. Et on donc, sent mieux. Bah et le but c'est de faire plaisir à tout le monde. Donc on va encore appeler des gens maintenant. Bien, ouais. Bah, merci Marc en tout cas d'être passé. Mika, oui. Je peux avoir un petit pack full, c'est pas pour le gratter, mais c'est pour... Tu le grattes un peu quand même, mais c'est pas grave, on va te le filer avec plaisir. Je kiffe quand même. Hein. Mais t'inquiète. Bon, c'est gentil, on va t'envoyer ça sans problème. Merci à toi. Je te remercie, Mika. Salut Marc, à bientôt, merci à toi. Ciao Marc, bye bye. Bon, bah voilà, super, merci Marc. On aura Jean-Pierre Sauzère dans un instant avec son nouveau titre. Oh. Ça va Jean-Pierre? Bonsoir, oui, ça va. Ah bah oui, super, et toi? Bah ouais, ça va très bien. On m'a dit que t'avais un nouveau titre. Bah, le nouveau titre, il faudrait que tu le prennes, je te l'envoyais, moi. Tu l'as envoyé quand? Bah, vous l'avez? Bah, non. Bah, tu vois, dans la prod, dans la réserve. Dans la prod, dans la réserve. Bon, attends, tu sais ce qu'on va faire? On va voir en antenne. Je vais te repasser Dexter, le stagiaire. Là, il va prendre les infos pour voir où il est le morceau. Okay. Et on va le mettre. Jean-Pierre, là, bouge pas. Reste avec nous. On aura la réponse à la colle. On aura Sophie aussi. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Sophie? Très bien, merci. Vous? C'est bien. Oui, ça va bien, Sophie. C'est quoi cette voix de coquine, Sophie? Pardon? C'est quoi cette voix de coquine quand t'as fait bonsoir? Non, c'est parce que je suis un peu endormie, c'est tout. Toi, tu veux des places pour Starfloor, toi, non? Non, elle veut juste ouais, voilà, dire c'est pour ça. Ah, ouais. Elle est belle. C'est ça, ouais. J'en ai. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Bon, Sophie, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Eh bien, écoute, de mon ex qui m'a quitté, et donc j'aimerais lui parler ce soir. Attends, tu veux l'appeler? Tu veux l'appeler? Oui. Attends, laisse-moi vérifier si c'est utile de l'appeler. Combien mesures-tu? 1m65. Combien pèses-tu? 49 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah, c'est bon ça. 85B. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 36. Effectivement, c'est tenu utile de l'appeler, c'est un gros connard de toute façon. Mais oui, alors que je suis là, que je... Oui, mais non, mais par contre, t'es aussi un gros connard, Toff. Enfin, oui, mais elle le sait pas encore. Oui, mais alors, là, évidemment, Toff, c'est un gros connard qui offre des ours en peluche. Oui. Tu vois, donc oui, faut voir le bon côté des choses. Bon, et pourquoi il t'a quitté? Eh bien, écoute, parce que en fait, je suis quelqu'un de très très proche des gens. Ouais. Voilà, et vu ton physique, ça nous dérange moins tout de suite. Hein. Mais oui, sois proche de moi. D'ailleurs, approche-toi un petit peu plus, Sophie. Bon, et donc, tu es proche? Et en fait, lui, c'est quelqu'un d'assez jaloux et d'assez possessif. Donc, du coup, il ne supporte pas d'accord. vraiment ça. D'accord. Voilà. Bon, eh ben, écoute, tu nous racontes ça dans quelques minutes. Là, reste avec nous. Et puis, on va encore faire un petit appel, Toff. Mais allons-y. Allez, c'est parti. Est-ce que tu. Excuse-moi, hein, Sophie. Est-ce que tu te rases l'arrêt des fesses? Sophie? Oui, pardon. Oui, c'était à toi que je posais la question, je sais que t'as voulu l'éluder, mais non. Est-ce que tu traces l'arrêt des fesses? Est-ce que... Oui. Ah, très bien, donc t'économises du papier toilette. Exactement. Parfait, eh ben voilà, tu vois, on va encore essayer d'appeler des gens pour essayer de leur conseiller ça, hein, pour qu'ils puissent eux également économiser du papier toilette. C'est parti, on y va, on appelle. Merci à David qui nous a donné l'idée tout à l'heure sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Et tirage au sort dans quelques minutes pour la réponse à la colle avec notre ami Ruben. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous vous épiliez l'arrêt des fesses. Va te faire foutre. Enfin monsieur, pourquoi vous me dites ça? Ah, mais on a bien entendu, on l'a pas bien entendu, mais il a dit va te faire foutre. Bon, oui. On le rappelle. Voilà, hop, c'est reparti. On rappelle encore un coup. Oui, excusez-moi monsieur, mais je vous appelle pour vous faire des économies et vous me dites va te faire foutre. Deuxième fois. La troisième fois, si je te retrouve, je te casse la gueule et j'y arriverai, ça va? Ah bah attends, rappelle. S'il propose des trucs si intéressants, ah bah oui. S'il y a l'échant, hein, surtout s'il peut casser la gueule de Toff. Ah ça, on peut rire. Ah bah allons-y, on y va. On l'aime bien, mais c'est... Bah oui, attends, on rappelle. J'espère qu'il aura une parole, lui, hein, parce qu'ils veulent tous lui casser la gueule, mais il est toujours là. Il y en a même qui veulent le tuer. Mais oui, c'est ça, il y en a qui veulent le tuer. Même. Oui, excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi vous voulez me casser la gueule, monsieur. Parce que vous m'emmerdez. Je vous connais pas, je vous ai rien demandé. Maintenant, un bon conseil. Foutez-moi la paix. Mais oui, mais... Ou je dépose plainte, d'accord? Mais oui, mais attendez, monsieur, moi je vous appelle pour vous rendre service. Moi, je n'ai pas besoin de vos services. Mais c'est pour faire des économies. Est-ce que c'est clair? Je vous ai rien demandé. C'est pour vous faire des économies. Foutez-moi la paix. Mais d'accord, mais vous avez pas besoin d'économie, monsieur. Vous êtes trop riche. Oui, c'est ça. Eh ben, franchement... Allez vous faire rayer ailleurs. Quoi? Allez vous faire quoi? Rayer. Ah oui. Bon, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, si on doit se faire rayer, alors... Je vais pas me faire rayer ailleurs. Ah, Sophie, on va se faire rayer, alors? Oui, voilà, tout à fait. Bah, écoute, ça me paraît un bon plan, ça. Bah, allons nous faire rayer, alors, hein, très bien. Bon, Sophie, alors... Bon, tu nous as expliqué, donc, toi, t'étais... Tu voulais qu'on appelle ton mec parce que vous étiez plus ensemble, que tu étais plutôt du style... proche des gens, peut-être un peu tactile, et comme lui est super jaloux, bah forcément ça l'emmerde. Voilà, exactement. Ouais, bon peut-être que c'est une... Tête de bite. Oui, c'est possible aussi. Tête de bite. C'est possible. Oh, quand même. Écoute, je ne sais pas, peut-être que c'en est une. Non, du tout, non. Bah écoute, bon, en tout cas, vous étiez ensemble depuis combien de temps? Ça faisait 3 ans. Ça faisait à 3 ans et pourquoi ouais. il t'a viré pour ça? Bah après bon bien sûr on a déjà eu quelques séparations avant cela mais voilà quoi, il y a eu ça puis du coup vu que là ça fait 3 mois qu'on est séparés. Ouais. Et j'ai eu quelqu'un voilà de passager et il a pas voulu se remettre avec moi par rapport à ça. Ah, mais il est un peu casse-couille et franchement il a l'air d'être un peu fleur bleue, un peu relou quand même, non? Non, il est pas fleur bleue, il est relou. C'est il est juste relou tout court quoi. Ah non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour le plaisir de le démonter, mais déjà si je puis me permettre, quand ça casse une fois tu te remets, bon pourquoi pas, mais quand ça casse 100 fois, il y a un moment c'est bon, vous êtes pas fait pour être ensemble, au revoir quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, ah. Malheureusement, tu vois, après, c'est des sentiments, quoi. Une fois que... Enfin, vraiment, j'ai jamais été amoureuse comme ça, hein, sincèrement. Ouais, mais attends, je vais faire le psychologue à deux balles. Mais oui, allonge-toi sur le canapé. Oui, allonge-toi sur le canapé, Sophie. Mais non, est-ce que t'es amoureuse de lui ou est-ce que t'es juste amoureuse de la belle époque? Non, justement, je suis vraiment amoureuse de lui, tu vois. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que plus les jours passent et plus, tu vois, je ressens un manque. C'est un manque vraiment... C'est tellement fort, tu peux... Enfin, oui, je sais pas, mais si tu veux, je peux combler ce manque. Et tu vas fermer ta grande gueule. Voilà, je pense que... je pense que c'est plutôt ça qui va se passer, là. Bon, alors, je voulais, avant qu'on l'appelle... Comment il s'appelle, lui? Cyril. Bon, et t'as prévu quoi? T'as prévu lui dire quoi, là, avant qu'on y aille? Pas mal de choses. Non mais genre quoi? Parce que tu sais, il y a plein de gens qui disent ouais on va dire pas mal de choses, puis après c'est une catastrophe une fois arrivé à l'antenne, donc je préfère être sûr. Non mais d'accord, non pas de soucis. Non mais en gros je vais m'excuser par rapport à peut-être à mon comportement, si c'est vrai que. Mais quel comportement? Par rapport à. C'est vrai que je suis tellement proche des gens que parfois je comprends que ce soit peut-être un peu trop, je sais pas, excessif ou. Enfin tu vois. Bon, écoute, alors ce qu'on va faire, moi je pense pas que t'es à t'excuser, tu peux dire voilà, t'aimes pas comment je suis, je peux essayer de changer, mais je dois pas t'excuser, il faut quand même pas déconner oui, non plus. Oui, bon c'est vrai aussi, mais après voilà quoi, je vais bon, attends, dire... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en situation. Il s'appelle Cyril, c'est ça? Oui. Bon, alors, qui veut jouer le rôle de Cyril, Polo, Toff? Toff? Bon, allez, je serai Cyril. C'est allez. Attends, je rentre dans la peau du personnage. Ouais, attends, déjà on compose le numéro. Ah oui. Donc on l'appelle, hein. Ah, ça sonne chez Cyril. Attends. On se croirait dans un vieux téléphone, dans un vieux Colombo. Et ça décroche pas. Bah ça décroche pas, Sophie. Hein. C'est parce que c'est un inconnu, peut-être. Ah, peut-être. Non, ça va pas décrocher. Hein. Ah, j'y croyais, mais non. Attends, je recompose. Voilà. Ah voilà, ça y est. Là c'est un téléphone de bureau là. Cyril? Ouais, allô? Allô? Allô? Allô? Ouais, allô? Allô? Bon bah y'a personne hein. Ah bah merde! Ah il a raccroché. Sophie, il faut qu'on le rappelle maintenant, t'es relou, il fallait... C'était la mise en situation, je te présentais Cyril là. Ah pardon, oh là là, mais c'est grave hein, ce soir. Hein. Bah oui. Bon allez, c'est pas grave, allez. On y va, on y retourne. Tu déchires. Je recompose. Ah, on est nouveau à Colombo. On va changer de série. Ouais. Ça va venir. Hein. Oui, allô? Oui, Cyril? Oui. Oui, salut, c'est Sophie. Pourquoi tu m'appelles en masqué? Parce que actuellement, je suis sur Fun Radio, comme tu peux le voir. Et pourquoi tu m'appelles sur Fun Radio? Tu veux m'afficher ou quoi? Salope. Pardon? Tu veux m'afficher ou quoi? Non, je veux pas t'afficher, je veux juste parler avec toi devant des milliers de personnes pour te prouver l'amour que j'ai pour toi, c'est tout. Donc, tu vas un peu voir trop facilement ailleurs quoi. Pardon? Je dis tu vas un peu voir facilement ailleurs. Je vais voir trop facilement ailleurs? Ouais. Non mais attends, tu me prends pour qui là? Bah je sais pas, moi j'ai vu t'étais avec un autre mec, puis tu vas voir les mecs, tu t'es tactile, tu les touches. Tu vois, si on est à deux, c'est moi que tu dois toucher. Vous voulez une musique d'ambiance ou pas? Ouais, grave. Non, mais c'est pas possible d'y jouer comme ça, là. Je suis très mauvaise comédienne. Ouais, je regarde des dessins animés et tout, ça me fait du bien, ça me détend. Je suis trop mauvaise comédienne, ça va pas du tout. C'est un gamin, ton mec. T'inquiète, après, il y a Candy, hein. Non, Candy, on peut pas. Non, on peut pas. Non. Les cités d'or, peut-être. Si, attends, ça, je dois avoir quelque part, attends. Ouais, parce que ça, c'était trop bien, les cités d'or. Tu regardais les cités d'or, Sophie? Oh, les coups de merde. Tu regardais les cités d'or? J'ai pas compris. Est-ce que tu regardais les cités d'or? Les cités d'or? Non, les cités d'or. Les cités d'or. Le dessin animé. Avec Mamadou et Mustapha. Ils tenaient les murs. Cités d'or. Les mystérieuses cités d'or. Pas du tout, pas du tout. Le mec qui tient les murs. Mamadou, tu fais quoi? Ah, ah, vas-y, t'as vu. T'as vu, ouais. Oh, la série. Bon, t'as vu ou quoi? Non, pas du tout. Ah, c'est dommage. Parce qu'en même temps, ils racontent leur vie là dans le générique. Ouais. C'est dommage parce que ça dure 3 heures comme ça avant qu'il y ait la musique. Bon, bref. Ah voilà. Écoutez le son magnifique. On voit que ça date d'hier. Hein. Enfant du voilà, bon bref. Bon, Vas-y Polo, t'es ta. Bah, on dirait un rocker, bon bref. Bon, Sophie. Oui. C'est pas gagné, hein. Pourquoi tu me dis ça? Parce que par rapport à... Bah là, oui, là, la mise en situation n'est pas exceptionnelle. Non, mais d'un côté, j'allais te dire, la mise en situation, ce n'était pas Cyril au téléphone. Et puis en plus de ça, j'allais te dire, je suis très très mauvaise comédienne, en plus de cela. Non, mais il fallait faire comme si c'était lui. Oui, mais c'est pas possible, c'est pas sa voix, c'est pas... En plus, il parle pas comme ça, donc bon. Oui. Il parle comment? Mais je suis mieux membré que lui. Non, tu parles. Je sais pas, je pourrais pas t'imiter, je suis désolée. Non, mais écoute, on va l'appeler. Il regarde quoi comme dessin animé, ton mec? Ouais, qu'est-ce qu'il regarde comme dessin animé? Il regarde pas de dessin animé. Il regarde pas de dessin animé. Bon, écoute, d'accord. Bon, on va voir. Il y a Marc qui dit des cités dehors, lol. Il y a Lucas aussi qui dit putain, aujourd'hui j'ai mis un faux plan à une fille, je n'ai pas répondu à ses messages, j'ai attrapé la tophonite. Et la tophonite aiguë, je crois. Ah oui, là, attention, on va voir le médecin. Jérémy, ça fait 3 semaines que je vous écoute. Des barres, je vous kiffe, merci. Et Stécie qui dit oh là là, je suis plié de rire, j'en peux plus. Et le prince, c'est là qui dit je veux m'excuser auprès de Cyril car je suis trop proche des gens. Meuf, tu t'emballes là, hein, t'as pas à t'excuser pour ça. Je suis assez d'accord avec le prince Nadia. Et Caroline qui dit les cités dehors, va te faire rayer. C'est Marc et Julien qui dit allez vous faire rayer. Mais oui, allez vous faire rayer, ce sont tout off. Bon, alors, ma voiture. Sophie, reste avec nous, okay, ok. On va l'appeler dans quelques minutes. Si en attendant vous avez des conseils à filer à Sophie, bah appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis on va prendre Ruben également pour la colle maintenant là. Ruben, t'es là? Ouais, je suis là. Allez, vas-y, on va faire péter la colle maintenant. On donne la réponse. Donc Ruben, on appelle quelqu'un maintenant pour repartir peut-être avec le PC portable. Vous avez été nombreux à vous inscrire soit par SMS, soit sur le Facebook. Et si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond bien à la colle de Ruben, il ou elle gagne. Si ça ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Ruben. Allô? Ouais, allô. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Johan. Johan, salut à toi Johan, bienvenue. Il y a Ruben qui avait une colle à te poser, vas-y Ruben. Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? Bah parce qu'elles n'aiment pas donner leur langue au chat. Moi j'ai pas vraiment cette réponse. Oui mais ouais, que tu attends d'où c'est une chose, mais c'est la bonne réponse ou pas Ruben? Parce qu'elles n'aiment pas donner leur langue au chat. Ça va? Non. Bon, c'est quoi la réponse Ruben? Parce qu'il faut donner sa langue au chat. Non mais t'es sérieux Ruben? Bah ouais. C'est la même chose. Oh le mec, c'est la même. Quelle mauvaise foi. Mais quelle mauvaise foi. Oh là là. Bon allez, c'est gagné, bravo. Pas pour toi Ruben hein. Et pour cette mauvaise foi Ruben, pas de pack fun. Voilà. Voilà. Bon bah bravo, le PC portable est pour toi, il va arriver, on va prendre toutes tes coordonnées, on t'envoie ça rapidos, d'accord? Bah c'est génial, je peux passer une petite dédicace, désolé Ruben hein. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Bon bah vas-y, il y a une seule personne. Voilà, bah tous les collègues routiers qui travaillent la nuit, de la part de SOS Fantôme, je suis seul à rouler avec un gyrophare rouge. Parfait. Donc, voilà. Ah, Ghostbusters est avec nous, c'est cool. Ouais. Bon, bah, eh ben nickel, Ghostbusters ça fait plaisir, merci beaucoup. Audrey, je t'aime. Bon, tu nous as fumé là, t'en as mis une deuxième en plus là, non? Ah non. Ouais, je t'aime aussi, ça te va? Un coulon ta gueule, c'est ce que tu mérites. Bon, allez, tu retournes chez Sandro Standard. Et Ruben, mauvaise foi man? Ouais. Tu repars les mains vides. Eh oui, ouais. bonne nuit Ruben. Ouais, bonne nuit. Allez, bye. À bientôt, ciao. Récupération ouais. de Sophie dans quelques minutes. Et puis on aura Jean-Pierre Sauzer aussi. Et tous vos messages en direct sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et juste après le son de Stromae, promis, on fait un point sur le top tweetos. On va voir qui pour l'instant est numéro 1 du top tweetos. Hashtag Mikael sur Twitter, c'est Stromae, tous les mêmes sur Fun Radio. Tous les hommes et tous les mêmes. Moi, Stromae sur Fun Radio, 23h, pas du tout, minuit 54, on ouais. se remettra tout à l'heure le chéri je peux le faire coculière qui était juste énorme ici, mais Angelina qui dit top et ses idées de merde, Polo et ses good shots, et puis niveau dessin animé, et Mickaël avec les génériques, ah bah bien sûr, et puis il y a Joss qui dit qu'il s'en remet par les cités dehors, mort de rire avec Amadou et Mustapha, et Félicia qui dit oh oui Toff, dis-lui je comprends pas monsieur, et Nathaniel qui dit t'inquiète Mickaël, je te ramène des auditrices, moi ou des auditeurs d'ailleurs, je te fais de la pub partout, merci Nat, ça fait plaisir. Ariel également, nom de Dieu Jean-Pierre Sauzère, et oui, celui qui chantait c'est la fête de la musique. Enfin, il le fait mieux que moi, hein Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Tu le fais mieux que moi la fête de la musique, hein. Ouais. Ouais, attends, c'est la fête de la musique. Toute année, nous les artistes, on enregistre, on fait des listes. Voilà. Non bah attends, on n'a pas bien senti la fête de la musique. Ouais là. Non, non. Vas-y, refais. Ouais, c'est la fête de la musique. De la culture, ah, un jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, quand toute la France se met à chanter. Se retrouver par la Java, et puis boire du champagne. Ah là là. Voilà. Eh oui, toute ma jeunesse, hein. Eh oui. Eh oui, la fête de la musique. Ouais. Tu nous la referas le 21 juin, là, on te rappelle. Ouais. Avec plaisir, j'espère. Hein. Bah oui. Ah bon, parfait. Bon, alors apparemment, là, le nouveau single de Jean-Pierre Sauzère. Non, pas encore. Ah, pas encore, non, parce que, il va arriver. Parce qu'il est un peu archaïque dans sa façon d'accord. d'envoyer des trucs, donc. Bon, alors Jean-Pierre, reste avec nous, on va te reprendre dans quelques minutes, là. Apparemment, on a le son, donc ça c'est bien. On appellera d'autres personnes encore avec Toff, et puis il y a William également qui dit ça. Gratte-moi quand on s'épile le cul. Bah oui, c'est mieux, hein. William qui dit je vous kiffe, restez comme ça. Mais on compte pas changer, vu que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le soir, hein. 589 000, wow. puisqu'on a reçu les scores aujourd'hui. Donc plutôt cool, hein, pour un premier. Oui, on a reçu le bulletin. Et Rogue qui dit ses collègues vont tous savoir qu'il s'épile le cul. Bah oui. Et Dédé, bonjour, attends, c'est quoi ? Beaucoup de gens ont leur téléphone sous contrôle, j'aimerais bien savoir comment ils font. Bah écoute, moi aussi, a priori. Hein. Et Elliot, le son de bienvenue VIP, il est juste magique que vous aviez mis tout à l'heure. Ah oui, le VIP, c'est celui-là. Attends, je vais te le remettre. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la Terre puisse supporter, t'as compris, enculé ? Voilà, et j'en ai un deuxième VIP. Oh, mais c'est ta mère, je te fais bander, moi, je vais t'enculer, je vais te montrer comment tu vas bander. Et voilà. Bah, t'as vu. Et j'en ai un spécialement pour les Marseillais par rapport aux Parisiens. Au PD de Parisien. Eh oui, au PD de Parisien. Voilà, dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh grosse pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, ça n'a rien à voir avec toi, bien entendu, Sophie. Bon, Sophie, est-ce que tu veux que je me mette derrière toi avec une petite guitare? Et moi devant? Non, et pas après du on tout. Fait une double. Alors non, rien à voir, certainement pas. Alors là c'est même pas dans tes rêves. Bon, hein, et que je me mette éventuellement avec une petite guitare au cas où. Et si tu veux. Si voilà. Tu veux. Alors j'ai toujours mon single qui est une reprise d'un groupe des années 90. Je sais pas si ça t'intéresse. Ouais. Bah attends, oui. Je vais te faire un truc. Je te chante le début. Attends. Voilà. Attends une seconde là. Je joue le début. Parce que j'aurais un peu récupéré ma voix, donc je peux la rechanter. Hein. Attends, faut l'accorder là. Non, ça va là, ça va. Alors attends, voilà, je te chante un tout petit morceau du début. Attention, 3, 4, vas-y, attention. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est super. C'est bon, oui. Bon, oh comme ça, si c'est jamais très ça, très beau. Si jamais ça même marche si bien. Même si j'attendais un peu mal, mais ça avait l'air d'être très très bien. Ah bon, tu attendais mal? Bah, il fallait le dire. J'aurais joué plus fort. J'aurais mis le son plus fort. Très bien. Bon, bah écoute, avant qu'on l'appelle, je voulais aussi qu'on parle d'un truc. Et tu vas me dire si t'es comme ça. Ce sont les couples qui passent leur journée à mettre des statuts du genre. J'ai trouvé mon âme sœur. Je t'aime et je suis si heureuse de t'avoir trouvé. Ma vie est belle et plus belle depuis que j'étais rencontrée. Oh, ou tu sais des trucs. Enfin tu sais des mots chiants. Enfin tu sais il y a un moment. Ça va 5 minutes quoi, tu vois, il y a vraiment, faut pas être ringard non plus. Ou alors qu'il week-end par exemple, bah tu sais, te poste toutes les photos du voyage ou de leur voyage avec des commentaires, tu sais, genre trop beau maman avec l'amour de ma vie. Mais évidemment, tu sais, ce sont des photos où il y a rien à voir, évidemment. Hein. C'est ça, ils font des photos de tous les endroits où ils ont été, mais il y a rien. Exactement. Et alors, le pire, ce sont ceux évidemment qui font un compte Facebook commun avec les deux noms, tu sais, genre on a rien à se cacher, alors que dans tous les couples. tous les couples, il y a des secrets, plus ou moins lourds. Bien sûr, mais bien dans sûr. Tous les... Encore heureux, cela dit au passage. Hein. Donc si mais vous avez sûr. Des amis comme ça, bah, venez nous en parler. Puis nous aussi, on vous dira ce qui énerve à ce niveau-là en particulier. Et puis, bah, t'as des amis comme ça, toi, ou pas? J'en ai plein. Oh là là, c'est pénible. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tous ces enfoirés qui crachent leur bonheur comme ça. Ah, c'est mais oui, ils nous jettent ça à la gueule, on en a rien à foutre. Mais oui, quelle bande d'enfoirés. Quelle galère là. Mais oui, putain. Donc dites-nous ce qui vous énerve a priori sur le genre de. Tu sais, les couples, comme je viens de vous le dire, hein, les mecs qui mettent des posts comme ça un peu relou. Venez nous en parler, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Note ton mec, il aurait bien voulu que vous ayez un Facebook commun. Non. Non ? Je pense pas, non. Non. C'est chiant comme il est. Enfin, comme il a l'air d'être, hein. Tu nous as raconté un petit peu, hein. Non, il est pas chiant, il est pas chiant. Non, voilà, il est juste très relou. Là, il est très relou. Bon, très bien. Bon, c'est écoute, vrai. On va l'appeler. Pour ceux qui viennent de débarquer, tu nous as appelé Sophie, parce que tu étais avec ce mec depuis 3 ans, que tu es du style plutôt proche avec les autres, tactile, et donc lui étant très jaloux, ça l'a gonflé. Voilà, exactement. Voilà, tu t'es barré, vous êtes barré, tout le monde s'est barré. T'as été voir ailleurs un coup sans être avec lui, et depuis il veut plus revenir avec toi parce que t'as été voir ailleurs alors que t'étais célibataire. C'est quand même gonflé de sa part. Voilà, très bien. Merci. Bon, je raccorde la guitare. Très bien. Là, ça a l'air d'être bon là. Non, je pense qu'il faut la mettre en do. Ah merde. Parce que là, c'est duré. Bon, attends, et si je joue. Ça va là, non ? Ouais, là, c'est bon là. Ah, la guitare est bonne là. La guitare parfait, est chaude. La guitare est très chaude. C'est exactement. Parfait. Bon, eh ben écoute, très bien. Alors, on va pouvoir y aller. Hein. Très bien. Merci. Allez, hop, c'est parti. Quoi que je peux te faire éventuellement une deuxième. Bon, c'est plus basique là. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas plus mal. Basique. Hein. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais essayer de chanter. Oh putain, je peux pas tenir longtemps parce que la voix est trop basse. La voix est trop basse, l'accent est trop prononcé, donc j'ai parfois un peu de mal. Je vais rester ouais, là-dessus. Ouais, c'est plus sûr parce que celle-là je la connais bien, j'ai déjà chanté plein de fois alors que l'autre je suis pas dessus à fond quoi, tu vois. Donc je veux pas te casser ton cou à cause de moi. Bon, alors faisons ça, très bien. Bon, on l'appelle, je te souhaite bonne chance. Rassure-toi, en cas de problème et même sans problème, nous sommes derrière toi. Très bien, je vous remercie. Voilà, rebondir, t'es le défait là. Voilà, je me mets pile poil derrière toi au cas où. On y va. Pas de soucis. C'est parti. Appelons Cyril. Ça va bien se passer ou pas. De toute façon, on est là pour récupérer. Hein. Pas de problème. C'est ta mère. Je te fais bander mon. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer comment tu vas passer. Il décroche. Ouais. Vous êtes un petit connard. Allez vous faire enculer profondément. Ah bah, il décroche pas là. Hein. Ah, il a pas envie. Ah. Ça, c'est le numéro privé. Ah ouais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... C'est un téléphone sous contrôle. Ouais, sérieux. Il est sérieux, c'est quoi qu'il a dit là? Je peux pas donner son nom de famille. Ah, c'est son nom de famille. Ah d'accord, ok, ouais. Je pensais que c'était genre un pseudo ou un truc comme ça, quoi. D'accord. Ta mère, le bite de culé, quoi, tu es. D'accord. Bon, on va le rappeler, on sait jamais, hein. Ok. Allez. Pourquoi t'appelles en masqué? Vous allez voir, il décroche, c'est la première chose qu'il va dire. Ouais, oui. Si, il décroche, parce qu'il n'a pas l'air d'être gagné, a priori. Hey, tu vas fermer ta grande gueule. Bon, ça n'a pas l'air gagné, hein, je le confirme. Ouais. Bon, Allô ? Bonjour. Ah non, merde. Bon, alors Sophie, ce qu'on va faire, c'est... Oh, merde, tu m'entends là, Sophie ? Oui, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas lui envoyer un texto, tu dis écoute, je dois absolument te parler, réponds s'il te plaît. C'est super urgent. Okay, je te rappelle dans 5 minutes, d'accord? C'est une question de vie ou de mort. D'accord. Bah faisons ça. Bon, pendant ce temps-là, ce que je propose, dis-lui je te rappelle dans 5 minutes, ok? Ok, c'est pas. On fait comme ça, c'est parti. Bon, bah écoute, on fait comme ça, parfait. On va faire d'autres appels encore avec toi en attendant du coup. Oui, hein. Allons-y. Bon bah c'est parti, on y va. Attends, bouge pas de là, Sophie, on aura Johan, Jean-Pierre Sauzère, on aura également Julien qui est avec nous là. Bonsoir Julien. Ouais, bonsoir l'équipe, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec un coup d'un soir, vraiment parfait. Un vieux plan pourri quoi. Très bien, ben reste avec nous. Les coups d'un soir, on va en parler puisque tu le veux, il n'y a pas de problème. Vous nous appelez si vous avez aussi des coups d'un soir, hein, si vous voulez en parler. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bon, on rappelle des gens d'offres. Allons-y, allons-y. Allez, c'est parti. Vous êtes déséquilibré. Oui, oui, il y a de fortes chances. Bon, on y va. C'est parti, tout ça pour savoir si eux aussi utilisent le rasage de d'anus pour économiser du PQ. Allez. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous vous épiliez l'arrêt des fesses. Comment ? Non, je voulais savoir si vous vous épiliez l'arrêt des fesses. Qui ? Bah vous. J'ai pas compris. Bah est-ce que vous vous épilez au niveau des fesses, monsieur ? Non, moi c'est une dame. Ah. Moi c'est Vanessa. Ah oui, pardon. Et donc Vanessa, est-ce que vous vous épilez au niveau des fesses ? Oui. Ah oui, voilà. Non, mais c'est très bien parce que du coup, ça vous permet de faire des économies sur le papier toilette et en plus, bon, c'est bon pour l'écologie, quoi. D'accord, c'est pas Bruno au téléphone. Ah non, pas du tout, c'est Toff. Comment ? Non, je m'appelle Toff. Et t'habites où ? Moi, je suis à Paris. Ah, moi, j'habite à Montigny et les Cormeilles. D'accord. 95. D'accord, et eh ben, parfait. Et eh ben, une bonne tu soirée. Et dis-moi, oui. Tu m'as pas trouvé sur Facebook ? Ah non, non. Non, non, sur 118-218, toutou youtou. Tu peux me trouver sur Facebook. Tu fais Vanessa Porcher. D'accord. Et tu verras, je suis bien coiffée, bien maquillée, bien trop habillée sexy. Et c'est moi. D'accord. Et on peut se rencontrer ? Si tu veux. D'accord. Eh ben je vais aller voir ça sur Facebook tout de suite. Mais moi, je suis connecté déjà sur Facebook. Je suis bien coiffée. Bien maquillé, j'ai un peu un trop sexy, un petit haut sexy là. Ouais. Et on voilà, et je suis bien habillé. Hein. D'accord. Très belle. C'est vrai ? Bah écoute, je vais. Ah ouais, belle gonzesse. Hein. D'accord. Aidez-moi. Bah ouais, tu peux. Si tu veux être ami avec moi sur Facebook, il n'y a pas de problème, moi je m'en fous. Hein. Vas-y. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Eh bah écoute, on va se mettre ami alors. Hein ? T'es pas de Rambouillet, toi, de Simili, tu travailles pas. À une rue là. À une rue là, non, non, je travaille pas à une rue là. Non. Ben non, c'est Driss. Non, c'est Toff. Regarde, je vais t'ajouter sur Facebook. Bon, fais attention parce que tu vas avoir beaucoup d'amis. Hein. Ah oui, je te vois. Voilà, je t'ai fait une invitation. Bah ben, hein? Je suis trop sexy, bien habillé, ouais. Ah, bien coiffé. grave. Donc voilà. Hein. Bon, je vais te laisser. Déjà, tu me laisses. Ouais. Je te rappelle peut-être tout à l'heure. Ça va? Si tu veux. D'accord, allez, à tout à l'heure, Vanessa. Ciao, bisous. Ah oui. Oh mon Dieu. Ah oui, elle est pas mal. Oh là, je pense que tu as trouvé la perle rare. Ah, j'ai trouvé la femme de ma vie. Ah oui, magnifique. Bon, on va la rappeler après alors. Hein. Ouais, bah oui, on va la rappeler. Bon, on va la rappeler après, très bien. On va laisser passer le son de Red Fou avec Ridiculous. Let's get Ridiculous. On va rappeler également le copain de Cyril, là, de Sophie, pardon. Enfin, l'ex-copain, hein. Celui qui oui, veut pas décrocher. L'ex-copain, oui. Tu lui as envoyé le SMS ? Oui, je l'ai envoyé, ouais. Tu lui as envoyé quand ? Là, il y a 2 minutes. Bon, bah alors on va l'appeler maintenant, alors comme ça on est sûr, oui, on perd pas de temps. C'est parti, on y va, on rappelle Sophie donc qui s'est faite larguer par Cyril, elle veut le récupérer, on y va. Ça y est, combien de temps qu'elle t'a largué ? 3 mois. 3 mois, d'accord, ok. Et tu vas fermer ta grande gueule. Bon, dis donc, il est un peu énervé. Allez, c'est parti, on y va, on le rappelle, nous on est derrière, t'inquiète pas, j'ai ma guitare, tout est là. Je vais vérifier. Parfait. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il a besoin de me parler, peut-être. C'est une possibilité. Bon, c'est de nouveau le répondeur. Alors, ce que je te propose, Sophie, c'est qu'on essaie de peut-être... Bah, on peut encore une fois réessayer tout à l'heure, mais sinon, on réessaye demain plus tôt. Si tu veux, ouais. Genre vers 11h, 11h30, tu vois, histoire d'avoir ouais. Plus de chances de le joindre. D'accord, on bon, fait comme écoute, ça. Reste encore un petit peu avec nous, on va quand même réessayer après Red Fou, sait-on jamais, et puis on te reprend, d'accord ? D'accord, très bien. Bon, parfait. Bah alors bouge pas, on va prendre Johan dans quelques minutes, Jean-Pierre Sauzer avec son nouveau single, et puis le son de Red Fou maintenant qui sera avec nous samedi soir au Starfloor, hein. Samedi soir dès 20h en direct sur Fun Radio dans toute la France, la Belgique, c'est Let's Get Ridiculous. Yeah. Le Red Fou sur Fun, Let's Get Ridiculous. C'est Jason Derulo qui va débarquer aussi avec Dirty Talk dans quelques minutes. Il y aura aussi Zid avec Stay the Night. Ouais, je sais qu'il y en a qui vont dire ça se dit Z, mais non, c'est Zid parce que c'est en anglais, c'est Z-E-D-D et le E ça se prononce I donc ça fait Zid. Voilà, Zine avec Stay the Night arrivera aussi sur Fun Radio. Là, restez bien avec nous. On est là jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Vous avez enfin quelque chose de bon à écouter hein, tous les soirs sur Fun Radio. 23h, 2h du mat. Allez-y, il n'y a pas de problème. Prévenez tous vos potes également hein, qu'on est là sur Fun Radio. Et puis, bah, 589 000, hein, c'est le nombre d'auditeurs qui nous écoutent tous les soirs. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et de plus en plus nombreux. Pareil aussi à nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Pareil à nous rejoindre sur le Twitter. Vous tapez MIKL _ officiel pour nous rejoindre sur le Twitter. Et puis bah si vous me suivez, je vous suivrai également. Et puis on va faire un top tutos, je vous l'avais promis, on va le faire maintenant. Alors à 1h12, si on devait tout arrêter là, qu'est-ce qu'il se passerait? Quel serait le top 5 des tweetos en l'occurrence hein. Je rappelle que le numéro 1 repartirait avec son petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Alors on y va. Alors numéro 5, Paul PC28. Numéro 4, ST602. Numéro 3, Cédric. Numéro 2, Benjamin. Et numéro 1, Let's Be Freaks. Qui est de retour. Qui va pouvoir se faire une collection. Une double. Il va se voir une double peinée. Ça va être cool ça. Il y a le bœuf ferré qui dit Mika, Vanessa et Gilou en live, c'est des bars assurés. Ouais, c'est vrai qu'on devrait peut-être les présenter. Il y a Vermans qui dit aussi Mickaël, c'est quoi, trop forte la Vanessa. Ah oui, c'est le qu'on a appelé tout de suite avec Taf. On va la rappeler dans quelques minutes. Et Félicia qui dit oh putain, les typiques c'est là. Et Morgane 88S qui dit elle s'est crue sur Mythique, elle pétait de rire. Félicia qui dit courage Sophie. Bah justement, on va rappeler le mec là de Sophie un petit coup là. Toujours là Sophie? Oui, toujours là. Bon, allez, on va rappeler ton mec un dernier coup. S'il décroche toujours pas, on l'appellera demain soir un peu plus tôt. Ok, super gentil. Si il décroche pas, on rappelle ma meuf. Non, pas du tout. Bon, on y va, c'est parti. Ah oui, ta meuf, la nouvelle là? Ouais, bien sûr, oui, ça, évidemment, on va l'appeler, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Donc, t'inquiète pas, je suis toujours derrière, Sophie. Et je pense que nous l'avons dans le cul. Exactement. Bonjour. Hey, tu vas fermer ta grande gueule. Vous voyez, parce qu'elle m'a saoulé la meuf d'Orange là. C'est bon, là, maman, ça va 5 minutes là. Bon, eh ben, écoute, Sophie, malheureusement, c'est mort pour ce soir, mais on rappellera demain. Du coup, on te rappelle vers 11h. Oui, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment gentil à vous. Avec plaisir, et ma guitare sera toujours là, même demain. Oh, c'est gentil. Pas de problème, bah, avec plaisir. Attends, ça va manquer, ça va manquer. Oui, bah tu veux que je te chante un petit truc? Dis-moi. Attends, je vais t'en rechanter, attends. Parce qu'il faut que je joue normalement, attention. Allez, 1, 2, c'est parti. Got no reason for coming to me in the rain, running down. There's no reason. Attends, je vais un peu plus loin spécialement pour toi. Attention, on y retourne. And the same voice coming to me like it's all slowing down. And believe me. Est-ce que tu veux le refrain, Sophie? Vas-y. Allez. I was the one. Ah voilà, allez, c'est bien parce que tu m'avais l'air sympathique. Hein. Allez, je t'en prie, écoute, avec plaisir. Tout le monde ne l'a pas, le refrain. Attention, d'habitude, je m'arrête au premier couplet. Donc, je suis une privilégiée alors. Mais oui, tu as trop de chance. Et bien, tu es une VIP, et comme toutes les VIP, tu as droit à ton message de bienvenue VIP. Tu le veux? Et je le veux bien. Ah bah, avec plaisir. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui puisse supporter, t'as compris, enculé. Voilà, t'as vu? Merci. Ça, c'est du message gentil. De bienvenue, ça. Avec plaisir, Sophie. Bon, on te rappelle demain, je te fais des bisous. Moi aussi, gros bisous. Salut. À tout le monde, des bisous. Ciao, il y a Valentin qui dit partage le Facebook de Vanessa. Taf. Ouais, oui, Non, peut-être pas. Ouais, on va peut-être pas lui prendre la tête. Il y a Nicolas qui dit Tof, ta femme est là, elle t'aime déjà, fonce. Et Denis qui dit tu as enfin trouvé ta perle rare, Tof. Mais oui, c'est vrai. Et Ariel, j'ai un pote comme ça, le meilleur. Attends, c'est quoi? Le meilleur, c'est que son mec la trompe tout le temps et qu'elle est au courant et qu'il joue au couple parfait. Bah, non, oui. Mais après, il y en a qui sont contents comme ça. Hein. Bah oui, et Cyril qui dit ce qui énerve, c'est les photos de couple qui donnent trop le seum des fois. Et enfin un message aussi, l'horreur quand t'es célibataire, c'est ce genre de statut justement. Et Angelina qui dit ses comptes communs sur Facebook, c'est d'un relou. Et Alexou, faudrait le filmer Mickaël quand il fait de la guitare, je suis sûr qu'il est à fond. Bah oui, attends, ouais, c'est normal. Ouais, mais attends, il est dedans quoi. Mais c'est surtout qu'il faut que je chante en même temps, c'est pas facile quoi. Et d'ailleurs je mérite une photo d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ouais, Sophie, c'est vrai. Ouais, c'est mais dis vrai. Donc, t'as déjà eu le message de bienvenue, je t'ai déjà chanté la guitare, je t'ai été jusqu'au refrain, tu veux quoi aussi? Hein? Tu es un peu exigeante, il me semble. Oui, tu es un peu exigeante pour une meuf qui veut récupérer son ex, hein? Non, je plaisante. Ah, quoi, tu veux pas récupérer ton ex? Parce que toi, t'étais déjà content. Hein. Non, je suis dispo tout de suite. Hein. Ah bon, du d'accord. Tout. Okay. Non, on va être d'accord. Non. Bon, on te rappelle demain, Sophie, gros bisous. Oui, gros bisous. Salut. Ciao. Salut. Bon, on va rappeler la nouvelle meuf de Toff. Ah. Hein, on l'avait eu il y a quelques minutes, la Vanessa. Ah ouais, elle est trop bonne, hein. Putain. Un petit prénom de coquine, ça, Vanessa, ah en oui, plus. Ah oui, bah oh là là. Ah. Oh là là. Bon, on la rappelle, allez, c'est parti. Bon, on y va. Je rappelle qu'à la base, c'était simplement pour lui demander si elle s'épilait les fesses pour voir si elle économisait du papier toilette. Hein. Oui. Mais ça a dévié. Ça, oui, on a glissé. Oui, ça a glissé. Bon, allez, c'est parti, on rappelle. 1h17. Et hashtag Mickaël sur Twitter. Ouais, Vanessa ? Oui. Oui, c'est Toff, ça va ? Oui, ça va. Bon. Ça va, t'es toujours chaude ? Pourquoi faire ? Bah, je sais pas, c'est toi qui me faisais des propositions. Ah non, j'ai rien dit, moi. Ah bon ? Et toi ? Bah, je sais pas, tu m'as dit, tu me rajoutes moi sur Facebook et tout. Ouais, bah, c'est bien, j'ai vu. C'est quoi les photos ? J'ai regardé les photos, j'étais en train de regarder les photos. Il y en a. Bah ouais, t'as vu ? Et je te plais un peu ou pas ? Hein ? Je te plais un peu ou pas ? Mais je te vois pas moi dessus. Comment ça tu me vois pas? Bah t'es comment sur la photo? Bah moi je suis au milieu de la photo. C'est le plus beau. Avec le t-shirt bleu. Ah bah j'ai pas fait attention. Ah ouais. C'était toi? Mais ouais, avec c'était le t-shirt bleu. Mais ouais c'était moi. Mmh. Mais pourquoi il y a marqué Bruxelles? Pourquoi? Bah parce qu'avant j'étais à Bruxelles mais maintenant je suis à Paris. Mmh. Ah, tu comprends? D'accord. Bon et y a moyen qu'on se rencontre ou pas alors? C'était un genre oui. Tu veux. Ah bah je sais pas, tout à l'heure t'avais l'air chaude et maintenant que je te rappelle t'es plus chaude. Si, je suis toujours chaude. Ah bon, j'ai eu peur Vanessa. Non, je suis toujours, ouais, pourquoi tu veux me voir? Bah parce que moi j'ai vu les photos et tout, moi tu me plais hein. Ah merci, c'est gentil. Et en plus tu vas avoir beaucoup d'amis hein, prochainement. Pourquoi? Bah tu verras, mais tu vas avoir beaucoup d'amis. À qui? Bah qui vont, parce que moi j'ai mes amis et donc du coup comme ils vont te voir et tout, ils vont vouloir... faire connaissance quoi. Ah. Ouais parce que moi tu sais, moi j'ai beaucoup d'amis hein. Ah bon. Bon bah alors on peut se voir, se faire un rencard et tout. Ouais. Ouais bah vas-y viens, on se voit demain. Demain? Non je travaille demain. Ah demain moi. Tu travailles, merde. Bah t'es libre quand? Quel week-end? Bah ça te dit tu viens au Starflore? Quand? Bah c'est samedi à Bercy. Je connais pas Starflore, c'est quoi Starflore? C'est une petite soirée et tout, il y aura un peu de monde et tout, ça va être sympa pour faire connaissance. Ah, c'est bien. Ouais. Bah si tu veux. Bon, bah c'est bien. Bah écoute... Oui, je suis d'accord, mais t'inquiète pas, hein, je dis jamais non. Moi, tu me proposes un peu, je te dis oui. Hein. Bah écoute, parfait Vanessa, j'aime bien moi les femmes comme ça qui disent jamais non. Bah ouais. Bon. Et toi, t'as quel âge toi? Moi j'ai 32 ans. 3. 32? Ouais, 3, 33. Ouais, faut oublier les âges. Ouais, j'ai vieilli récemment. Ah, moi j'ai 34. Ah bah tu vois, c'est parfait Vanessa, on est au top. Top. Ouais. Bon, allez, je vais te laisser Vanessa, hein. C'était sympa. Déjà tu me laisses? Oh non, déjà tu me laisses. Bah oui, parce que là c'est un peu... Enfin voilà, non. Tu vois, j'ai d'autres gens à appeler quoi. T'as qui à appeler encore? Bah j'ai d'autres gens à qui je vais demander s'ils se sont épilés l'arrêt. Tu passes ton temps à faire ça? Ouais, je passe mon temps à faire ça. C'est bien, l'année est chaude. Oh, très chaude Vanessa. L'année est chaude, l'année est belle. Mais grave Vanessa. Bon Vanessa, ah, oui. on va se quitter là. Oh déjà tu me laisses. Oh, oui non. Oui je parce que c'est pas que je ne t'aime pas Vanessa, ce n'est pas que c'est pas intéressant, mais il y a un moment tu sais, c'est comme toutes les belles histoires, elles ont besoin de trouver une fin. Tu me rappelleras? Mais bien sûr Vanessa, je te rappellerai pour venir au Starflore. Non mais dans la, mais il y a pas que ça, mais tu peux me rappeler de, tu peux m'envoyer des messages de testo, tu peux me rappeler hein. Des trucs cochons ouais, et tout un peu hot. Mais c'est quoi ton numéro de téléphone, parce que j'ai même pas ton numéro. Alors 01. Ah ben envoie-moi par testo. Ah tu veux que je t'envoie par texto? Ouais c'est plus simple. Bah on va faire ça, je t'envoie un texto avec mon numéro. Merci mon. Bisous. Allez je te kiss hein. Bisous bisous. Bisous hein. Peut-être tu me rappelles hein, promis. Mais oui mais promis je te rappelle. Je te rappelle. D'accord, avec plaisir. Ouais, tes photos, elles m'ont tellement plu, on se rappelle. Ah ouais, toi aussi, t'es beau, t'es charmant. Allez, bonne soirée, Vanessa. Bisous, hein. Ouais, bisous, bisous, bisous. Peut-être je te rappellerai... Ton numéro? Oui, j'ai ton numéro. Peut-être je te rappelle avec un pote pour te présenter. Enfin, toute une histoire, je te raconterai. Non, mais tu m'envoies ton numéro. Ouais, ouais, t'inquiète, on s'envoie des textos, y a pas de souci. Merci. Allez, hein, je te kisse, Vanessa. A tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. J'attends ton message. Bah, moi aussi. Allez, vas-y, j'attends ton numéro. Ouais. Bisous, bisous, Vanessa. Bisous. Oh là là là là. Mais c'est l'affaire qui roule. Oh là là, mais oui, là. Et on va faire la fête au Starflore. On va être sur le dancefloor, là, ça va être bien. Ça va être, tu sais, mis bien, Toff, là. Ouais. Hein. Ah, cet enculé, enfin, s'est mis bien là. Il a trouvé la meuf de sa vie. Ça y est, ça y est. Off. Il y a Théo qui dit Vanessa et son fameux. Oui, c'est très très horrible. Il y a Joss aussi qui dit putain, elle est choquée de la gueule de Toff. Oui, il a peut-être dû le voir. Ouais. Oh le con, il l'a vraiment ajouté, c'est Stéphanie. Et Sarah qui dit moi non plus, j'aime pas quand les couples racontent tout ce qu'ils font. Moi, il a son compte et moi, j'ai le mien car j'aime pas qu'il voit tout ce que je fais et surtout que je parle avec toi en privé, Mika. Oui, bah, il y a en même temps, c'est pas très grave. Hein. Il verra bien qu'il y a rien. Hein, si il y a Megumi qui dit avec ou sans guitare, Mickaël, tu peux mettre des photos où tu veux avec moi. Bah oui, bah Megumi, bah viens dans le studio, on fera des photos ensemble si tu veux. Il y a Alexou qui dit un petit message de bienvenue pour mon frère Adrien qui vient de vous découvrir. Bah avec plaisir. Et tu vas fermer ta grande gueule. Eh ben voilà Adrien, sois le bienvenu. Vous êtes déséquilibré. Complètement. Le prince qui Toff ou l'homme au plastic bag. Ça m'a marqué longtemps cette histoire, j'adore. Et Stécie qui dit mort de rire, j'adore le putain, c'est un truc de fou. On assiste à une love tale, mort de rire. Et enfin John qui dit la Vanessa, elle a fumé un arbre. Oh ben c'était certainement pas loin, effectivement. Retour avec Julien dans quelques minutes qui veut nous parler d'une histoire d'un soir. Et enfin, Jean-Pierre Sauzère. Ah, on a la chanson de Jean-Pierre, la nouvelle, le nouveau single de Jean-Pierre. T'es là Jean-Pierre, de nouveau? Ouais, je suis là, ouais. Non mais plus près de ton téléphone, je suis là au bout de la pièce là. Ah, ouais. Ouais, je suis là. Bon Jean-Pierre. Oui. Bon, t'es de retour, parfait. On a ton nouveau single Jean-Pierre. Ok, voilà. C'est du lourd, hein. Ouais. Là, tu nous vends du rêve, là. Ah, bah c'est super bien, tout à fait. Attends, puis je voulais te dire, Mickaël, je t'invite, j'ai un concert à faire. Non, le 23. C'est quand? Le 23 mai, j'ai un concert à faire à Radio Pisanelle. En mai? Non, le 23 novembre. Ah, mais je peux pas, j'ai un truc, bon, c'est un truc de merde. Ouais, en plus, c'est un en petit En plus, non, parce que c'est truc, j'ai un petit concert aussi, là, vite fait, mais... Le 23 écoute, novembre à 15h, j'ai bah ouais, je sais bien, mais bon, écoute, attends, je vais voir si je peux pas annuler, parce qu'il y a le Starfloor, je vais voir si je peux pas annuler, Jean-Pierre. Ouais, tu pourrais passer me voir, Mickaël. Mais non, mais j'imagine. Annule le Starfloor. Ouais, je vais annuler, ouais. Polo est remplacé, il va te remplacer au PV. Alors, ma chanson, tu la passes. Bah, ou alors, tu viens directement, toi, au Starfloor, on fait le concert là-bas. Bah non, maintenant, je le fais, c'est prévu là-bas, à la radio, plus d'haleine. Bah ouais, non, mais je sais bien, mais... bon, écoute, c'est pas grave. Et bon. Je suis plus en concert avec Max, hein. Je suis plus en contrat avec Max. Hein. Ah, d'accord, bah alors, nous voilà rassurés. Bah très oui, bien. Voilà, j'ai trouvé peut-être un producteur qui va me signer l'année ça prochaine. Ça y est. Non. Bah oui. Ça y est, il a trouvé un producteur, Jean-Pierre, c'est parfait. Il va me signer l'année prochaine, donc... Bon, voilà. Bah alors, l'année prochaine, bah, on en reparlera, alors. Bon, Jean-Pierre, c'est oui. Quoi ton nouveau single? C'est quoi le titre? C'est Jean-Pierre Jean d'Erlande. Jean-Pierre au Pays des Merveilles. T'as dit ça comment? Eh oui. Oh, non, mais en anglais, t'as dit ça comment? Jean-Pierre, ils ont Wonderland. Wonderland. Wonderland. Mais moi, j'appelle plutôt. Je pense qu'on peut te présenter. Ça serait mieux. Oui, on peut oui. Te présenter Hugo à deux. Vous allez faire ça veut carton en anglais. Hein. Donc Jean-Pierre in Wonderland. Ouais. Mais c'est allemand. Non, monsieur, c'est un nom comme ça qu'on avait donné, mais moi je l'appelle la chanson Jean-Pierre au Pays des Merveilles. Oui, c'est mieux hein. C'est mieux, ouais. Bah t'as raison, ouais. Bon, alors on va mettre le single, premier passage, aucune autre radio l'a diffusé. Ah non, à part Radio Plus Jeune. Ouais, donc voilà, aucune radio non. Je veux dire, la diffusée. Okay. C'est ça. Bon, alors attention, je vais le découvrir en même temps que toi. Enfin, toi, tu le connais déjà, mais en même temps que tout le monde. Hein, donc, on est là tous ensemble et tout. Il est 1h25 du mat, on est à la cool. Juste après, je comptais mettre Jason Derulo, mais je crois qu'on va plutôt mettre Jean-Pierre Sauzère à la place. Pas grave, évidemment. Ouais. Évidemment, attends, c'est une exclue. Et voilà. Ça va être dans les bacs l'année prochaine. Ah bah parfait, alors c'est vraiment une grosse exclu. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous faire tu dois savoir comment on appelle ça, c'est en radio on appelle ça Station Call. C'est genre salut, c'est Jean-Pierre Sauzère, vous écoutez mon nouveau single Jean-Pierre in Wonderland sur Fun Radio. Oui, bonjour, salut à tous mes fans qui m'écoutent et tous ceux qui me retrouvent sur Fun Radio. C'est-à-dire que j'ai une chanson, ça s'intitule Jean-Pierre in Wonderland. Je suis Jean-Pierre au Pays des Merveilles. Très bien, c'est magnifique. Voilà. Allez, on écoute un extrait en tout cas dans un premier temps. Et puis après on verra. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Hashtag Mickaël évidemment sur le Twitter. Sur les SMS, vous envoyez Mickaël au 64 900 ou pour la Belgique au 3044. Et puis bah dites-nous ce que vous en pensez. Twitter, Facebook, tout ça. Allons-y. C'est Jean-Pierre Sonzer. In Wonderland. In Wonderland. Ah t'as joué le côté électro, c'est bien. Il y a un petit côté Lady Gaga au début. Ouais. Hey, tu vas fermer ta grande gueule. Allez vous faire enculer profondément. Vous êtes un petit connard. En mangeant champignons en forme de gros. suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. C'est bon. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit. Attention refrain là. Attention refrain. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Je me croque les orteils. Je me croque les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc, je me croque ma merveille. Oh, on est bon là. Oh, mais je l'ai repoussé. On est pas bon, on est très bon. Oh, première diffusion en France, attention, et en Belgique. Le nouveau Jean-Pierre Sauzère sur Fun Radio. Et tu vas fermer ta grande gueule. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. C'est alors que j'ai remarqué qu'un gros steak caché pendait à mes amis. Un gros steak caché. Et je me suis dit. Attention, votre. Je suis Jean-Pierre. Alors. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le chapelier blanc. Croque les orteils. Ah, j'avais dit que je mettrais qu'un bout, mais on va mettre l'entièreté quand même. C'est bon, ouais. Bah ouais, c'est tellement bien. Et Jean-Pierre, ah ouais, on y va. C'est du lourd. Allez, Jean-Pierre, ça passe. On est en live là. Ok, ouais. Allez. Tu peux nous chanter le refrain là, en live? Ouais, un peu, ouais. Allez, vas-y. Allez, toujours en direct sur France Radio, le nouveau Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer les orteils. Suis Jean-Pierre, au pays de merveilles, le grand lapin blanc veut me croquer la merveille. Jean-Pierre, au pays des merveilles. Polo, il a déjà la chorégraphie. Ah ouais. Jean-Pierre, au pays des merveilles. Énorme. Non, je me poser des oreilles. Ah bah écoute, là. Un petit son de soleil sur la fin. Ah ouais, un peu pas mal, ouais, c'est bien. Non, on est bien là. Oh putain, énorme, et Jean-Pierre Sauzère, dis donc, le retour en exclu. Attends, je savais pas, le morceau il est bien, on l'a découvert en même temps. Tu veux que je te lise les messages là qui viennent d'arriver? Ouais. Bon, attends, il y a Tommy qui dit, je suis Jean-Pierre au pays des merveilles, je suis mort de rire, j'en peux plus. Angelina qui dit, oh j'adore cette chanson, je suis plié. Jenna, il déchire Jean-Pierre. Alexou qui dit, la zig de Jean-Pierre, c'est les grosses barres. Sayaroka qui dit, c'est un son spécial pour Jean Défoncé, c'est le seul moment d'apprécier. Il y a quoi? Ah, il y en a qui aiment pas, il dit que c'était de la merde. Bon, après, il y en a qui aiment pas non plus. Ah, hein, oui. Ouais, mais c'est normal. Hein. Bah, c'est normal, tu vois, même Lady Gaga, il y en a qui aiment pas non plus, hein, c'est clair. Hein. Théo qui dit le côté Lady Gaga pété de rire et trop conne la musique. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Jean-Pierre Sauzère dans Party Fun ce week-end, que du lourd. Ah, bah oui, franchement, ouais. Hein. Super bien, hein. Et je voulais dire, j'ai un site Facebook aussi. Hein. Ah, bah oui, alors, enfin, attends une seconde. Parce que il y a Julien qui dit. J'ajoute Jean-Pierre à ma playlist direct. Et alors les paroles juste magiques, exactement. Ah bah c'est le concept, c'est Wonderland. Hein. Ça c'est le tube de l'été. C'est le Buff Ferry qui avait envoyé le message. C'est énorme. Il y a c'est super bien, tout le monde la réclame. Ah bah tout le monde la réclame. Je pense que ça va être le nouveau single. Mais par contre, où est-ce qu'on peut l'écouter? J'imagine qu'on peut l'acheter sur iTunes. Non, mais j'aurai un producteur l'année prochaine qui va me signer. Hein. Ah d'accord, ok, parce que là elle est pas encore disponible. Là c'est-à-dire on peut l'écouter sur mon Facebook. Sur quoi? Sur Facebook. Ah, sur Facebook. Jean-Pierre Sauzère, voilà. Officiel. D'accord, ok. Jean-Pierre, c'est officiel. J'ai une page officielle. Alors, écoute, donc, je vais mettre le lien sur mon Facebook. Ouais. Et ce serait bien qu'on la mette sur iTunes, hein. Et j'ai un MySpace aussi, hein. À quoi? J'ai un MySpace. C'est quoi le lien? Polo revient. Polo il est par terre. Jean-Pierre, c'est quoi le lien du MySpace? Bah c'est www. Encore un? Hein? Et après Non, parce qu'il y en a 3 du W, sinon ça marche pas. Ouais, j'ai compris. 3w.myspace.com/JP Sauzère. Parfait. Et donc là on peut écouter la chanson sans l'acheter alors? on peut l'écouter là-dessus, ouais, et sur Facebook aussi, il y a pas mal de photos, de vidéos, bon, bah, de concerts. Je vais mettre le lien directement sur le Facebook, il y a Rodaimon qui dit t'as le swag Jean-Pierre. Ah grave. Oh, bah oui, mais de toute façon c'est une chanson qui plaît, hein, tu sais. Hein. Ah mais non, mais bien bah, sûr, Vincent. Morceaux, c'est une chanson que j'avais oubliée, que j'avais... Non, ah, parce qu'en plus c'est une vieille que t'as ressortie. Bah ouais, je l'avais fait à l'époque, puis bon, bah de toute façon, tout le monde me la réclame. Bah bien sûr. Puis, ah, puis oui. Voilà, hein, c'est les chansons qu'on oublie qui deviennent des tubes. Hein. Bien sûr, évidemment, évidemment. Mais alors, il y a Stéphanie qui dit, je veux Jean-Pierre au Pays des Merveilles en sonnerie de réveil. Ah bah oui, mais oui, bah, attends, c'est une bonne idée ça. Bah oui, c'est super bien. Mais attends, parce qu'on est sur ton, on est sur ton MySpace, mais il y a une grande page grise, je comprends pas. Y'a rien. Jean-Pierre, sur le MySpace. Pourquoi y a rien sur ton MySpace? C'est l'espace. Bah si, vous êtes trompé. Hein. Mais non, mais en fait, on voit ta photo, on voit le menu, mais au milieu, il y a tout, c'est tout gris. Rien. Ou alors, il y a un problème technique. Ouais, il y a un problème technique, mais tu vas sur Facebook, tu vas me trouver. Bon, va sur Facebook, on va aller sur Facebook pour voir. C'est super bien. Bon, parfait. Alors, écoute, on va aller sur Facebook, on va voir. Et puis, de toute façon, moi, je mets le lien sur, sur mon Facebook à moi. Voilà, et si ça te dérange pas de programmer ma chanson dans ton émission? Bah, évidemment. bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais franchement, elle est mortelle. Tu sais quoi, on la remettra avant la fin de l'émission. Ok, mais d'accord. Bah, avec plaisir, Jean-Pierre. Tu sais bien que t'es le bienvenu ici sur Fun Radio. C'est une histoire. Ça fait des années que tu travailles avec Fun Radio. Années, hein. T'as commencé avec Max avant, tout ça. Donc, voilà, mais je suis toujours bien avec Max. Mais non, Max, bah, bien sûr. Il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Bah, je comprends. Il a demandé à Vincent de m'aider. Puis lui, bien sûr. Il gère le football maintenant. Bah oui, c'est ça. Il est sur le football. Donc, ouais. T'inquiète pas, nous, on va passer ton nouveau single. Hein. Mais juste une dernière question avant de te quitter, parce que je sais que t'es très pressé. Mais pourquoi Wonderland alors qu'au final, dans la chanson, tu parles qu'en français? Bah ouais, mais c'est un nom qu'on lui a donné comme ça, mais ah bah, peut-être qu'on pourrait l'appeler Jean-Pierre au Pays des Merveilles, ça serait mieux. Oui, bah on peut, c'est plus oui, facile oui, pour toi surtout. Bien sûr. Voilà, pour moi, pour la prononcer, ouais. Il n'y a pas de problème. Et Jean-Pierre, il vient d'Irlande. Hein, il est Wonderland, voilà. D'accord, ok. Ouais, ouais, c'est Wonderland. Eh ben, très bien. Bah, écoute, Jean-Pierre, merci beaucoup en tout cas. Et je suis vraiment touché que tu nous aies choisi. Merci, hein, bah, écoute, avec plaisir. Donc, je suis vraiment touché que tu nous aies choisi comme radio en exclusivité. Hein. Voilà. Mais après, de toute façon, quand j'aurai un producteur, il va faire un liste de promos qui va aller sur toutes les radios. Hein. Bah, évidemment. Bah, écoute, on très bien. On te souhaite en tout cas. Hein. Très ouais, bien. Et très bien. Cette radio, c'est la radio que j'ai démarré. De toute façon, déjà, ah, oui, même avant avec Max, je suis passé avec Philippe Belin sur radio. Non, mais c'est très, bien. C'est très bien. Bah, écoute, Jean-Pierre, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Mais... Avec plaisir. Salut et Jean-Pierre. Refais-la nous là, juste le refrain sans musique, a cappella. Ouais. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer la merveille. Oh là là, magnifique, quel ouais, oui. Bah, merci beaucoup Jean-Pierre, merci hein, salut hein. Bonne soirée, au revoir. Allez, ciao Jean-Pierre là. Oh là là là là là là là là, on était dans du lourd là, du très très lourd avec Jean-Pierre Sauveur. On a hâte là, on a hâte. Ah bah oui, il y a Félicia qui dit je suis en train de mourir de rire, Jérémy également qui dit me fait pleurer de rire avec son Facebook et son MySpace. Cyril qui dit mort de rire, j'en peux plus, t'as le grave le swag Jean-Pierre. Et Abdou qui dit iTunes, j'ai énorme, j'en peux plus de JP. Il y a Rodaimon qui dit iTunes. Le prochain qui dit j'ai une diarrhée auditive. Loïc également, et pour Jean-Pierre, ça sent le buzz. Ah mais grave, attendez, c'est-à-dire que là on est au top là. Et Félicia qui dit je suis en train de mourir de rire. Alexis qui dit j'ai déjà téléchargé, c'est parfait. Il y a le russe qui dit au pays des merveilles, là on est plutôt au pays des cauchemars. Non, attends, le morceau il a quelque chose là. Hein. Il claque. Ah il claque, il a le swag total. Bon, franchement, je suis un peu emmerdé de devoir passer un morceau aussi mauvais que Jason Derulo parce que en termes de qualité on régresse, mais. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Jason Derulo maintenant, c'est Dirty Talk sur Fun. Et puis Alchéri, je peux te faire cocu juste après sur Fun. I'm that flight that you get on. Get jazzy on. What? I don't understand. Le rigole comme ça bêtement à la fin là. Fun. Bon, Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec Dirty Talk. Vous avez été énormément nombreux, très nombreux, ouais, trop nombreux à vouloir absolument retrouver Jean-Pierre Sauzer. Hein, on l'a entendu là, son nouveau single. Et je vous mets maintenant le lien de son nouveau single, de sa page officielle, sur le Facebook de l'émission. Et oui, c'est comme ça. facebook.com/mikaelofficiel. Donc bah voilà, vous l'avez découvert ce soir. On vous le remettra évidemment encore une fois avant la fin de l'émission. Vous pouvez les voir maintenant. facebook.com/mikaelofficiel. Stéphanie qui dit oh mon dieu, c'est quoi cette chanson, je suis choqué. Le prince qui dit quel bonheur, le nouveau single de Jean-Pierre Sauzer en exclu sur Fun Radio dont Mickaël nos limites. Et alors il y a Gabriel qui dit on l'a trouvé, Akitov va offrir sa peluche, c'est Vanessa, mais elle est mort de rire, elle était chaude tout à l'heure. Ah, ah oui, grave, ça c'est, grave. Non, mais ça, c'est moi, clair. Moi je vais la retrouver direct. Ah, ouais. Et Denis qui dit tu as enfin trouvé ta perle rare, Tof. Non, je suis explosé de rire, Tof, c'est bon, 95%. Et puis Nathalie qui dit hey, Mickaël, je te remets une nouvelle auditrice. Ah oui, Jenny, je l'avais déjà lu tout à l'heure, celui-là. Bon allez, on va se remettre aussi le chéri, je peux te faire cocu avant de récupérer Julien. Chéri, je peux te faire cocu, c'était hier et c'était Cassandra qui voulait donc appeler son mec pour lui faire croire que moi, Michel, je l'avais dragué et que je voulais coucher avec elle juste un soir et que bah en gros elle lui demandait simplement son autorisation quoi. Et alors écoutez, c'était hier soir, c'était du caviar. Oui, allô ? Doudou ? Oui ? Doudou ? Oui, c'est moi, ça va ? Ouais, bah ouais, pour toi ? Bah oui, t'es où là ? Ah, bah j'ai été récupérer mes affaires du boulot. Là, ils nous entendent pas. Hein. D'accord. Pourquoi tu vas l'enculer ? Ouais. Bah, je sais pas, c'est mon téléphone, privé. C'est peut-être quand j'ai appelé une copine tout à l'heure. Ah, ok. J'ai peut-être oublié de le remettre. Ouais, je t'appelle en fait parce que faut que je te demande quelque chose. Tu sais que ouais. J'ai toujours été honnête avec toi, même quand tu sors le soir pour aller voir des filles ou des choses comme ça, je t'ai toujours parlé, je t'ai toujours demandé la permission ou autre. Ouais, bah bien sûr. Et là, j'aimerais bien changer un petit peu en fait. Comment ça, changer un petit peu? C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu sais, dimanche, je suis sortie avec mes collègues et, ouais. Et quand on a été au bowling, bah, il y avait un serveur qui était plutôt sympa. Ouais. Et il m'a proposé de passer chez lui ce soir et voilà quoi, voir plus si affinité. Il y a de fortes chances que je couche avec parce qu'il me plaît bien. Non mais t'as fumé toi. Bah non. Non mais attends, t'es pas sérieuse. Ça. Attention, t'es Michel, en piste. Si, bah là, c'est ah non, bah, fini, c'est pas possible, il n'y a pas pour moyen. Non, je suis, pas, bah si, je suis déjà chez lui. Déjà chez lui, non mais... J'ai mis de la lingerie. Ah, c'est quoi le bordel à toi, là? Est-ce qu'il est d'accord? C'est qui, là, qui parle à toi? C'est qui? Bah, c'est Michel. Qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord ou il est pas d'accord? C'est quoi, ça? Bah non, mais attends, laisse-moi m'amuser un petit peu. Dis-lui qu'il ferme sa gueule derrière, là. Eh, hey, dis-lui que c'est toi la patronne, t'en as rien à foutre. Ah ouais, on va, c'est qui le patron, gros. Dis-lui, dis-moi, j'arrive. Attends, mais... Attends, passe-le-moi, sinon, comme ça. Bah tiens, bah, passe-le-moi. Va nous chercher à boire, Cassandra, va dans le frigo, là, c'est là-bas dans la cuisine. Forcément. J'y vais tout de suite, j'y vais. Voilà, très bien, ouais, merci non, mais beaucoup. Je vais me rendre fou, mec. À tout de suite, bisous. Non, mais c'est quoi, ça? Bisous, oh. Tu vas me manquer, bisous. Allô? Ouais, mais t'es qui, toi? Je m'appelle Michel, et toi? Mais non, mais t'en as rien à foutre, t'as pas de savoir quand je m'appelle, toi. Bah tu si, quoi, là? Tu te crois où? Non, tu te crois où, sérieusement? Ah si, attends, si je me souviens bien, elle a dit doudou. Ah, c'est marrant, hein. Ça m'a fait rire, ouais. Ah, c'est drôle, là. Ouais, c'est ouais, drôle. Ça m'a un peu fait rire, ouais. Dis-moi bon. Où t'habites, moi, j'arrive, là. Non, mais doudou, tu te... ah, mais reste calme. Tu la touches pas? Bah non, tu la touches pas, c'est quoi le délire, là? Bah, attends, mais moi, dis donc, déjà, il faut te calmer, parce que tu vas nous faire un infarctus. Ouais, mais c'est quoi, je suis fou, mais en fait, mais c'est pas... Repasse-moi ma copine. Non, elle est dans la cuisine. Non mais j'en ai rien à foutre, tu me la repasses. Eh, profites-en pour faire un peu la vaisselle aussi, là, parce que ça fait 3-4 jours, là. Ouais, et fais rien, casse rien, hein. Déjà le verre tout à l'heure, là. Oh, elle a été gourde tout à l'heure, là. Elle m'a renversé, elle m'a tué un verre. Ah, tais-toi, qu'est-ce qu'elle a été con, là. Franchement, j'étais à deux doigts de lui mettre une claque, hein. Sincèrement, je voulais lui mettre une claque. C'est bon, je me suis dit, bon, après, c'est un verre, vas-y, calme-toi. Mais franchement, je l'aurais démonté. Oh merde, il est parti, attends. Cassandra, il a raccroché. Il est relou. D'ailleurs, on va avoir le même problème que la semaine dernière, tu vas voir. Attends, je le rappelle. Allez. Allô? Bah alors, mon petit, pourquoi t'as raccroché? Non, mais toi, je te parle pas, tu me passes Cassandra, tu te dépêches. Elle est dans la cuisine, elle fait la vaisselle. J'en ai rien à foutre, bah tu vois, tu vas me passer Cassandra, tu te dépêches. J'en ai rien à foutre, elle fait la vaisselle. Chaque chose en son temps, il y a les urgences d'abord. Ouais, dis-moi où t'es, j'arrive. Dis-moi, Doudou. Est-ce que je peux te demander un truc? Parce que maintenant qu'elle est dans la cuisine, je voulais savoir, est-ce que sexuellement il y a des trucs qu'elle aime ou qu'elle aime pas? Ouah, mais j'ai tué. Sérieusement, j'ai tué, toi. Passe-moi la dépêche, ça me la passe. Mais non, je dis ça, c'est pour son bien, tu vois. Parce que je voudrais pas lui demander de me faire un truc qu'elle aime pas, tu vois. Par exemple, si elle aime pas sucer, je vais pas lui demander ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, wow, tu vas me rendre fou là, dépêche-toi de me la passer, sérieusement. Bah, passe-moi là. Pourquoi je te rends fou? Non mais j'en ai rien à foutre de toi, je te parle pas. Bah, je te connais pas, tu me parles pas. Je m'appelle Michel. Mais j'en ai rien à foutre de comment tu t'appelles Michel là, j'en ai rien à foutre, tu crois ce prénom déjà. Bah comment ça, c'est quoi ce prénom? T'as 60 piges gros quoi. Mais t'es complètement fou toi. Bah tu me la passes, tu te dépêches, j'en ai rien à foutre, tu parles pas. Ah bah voilà, elle revient, c'est bon, elle revient, attends une seconde. Eh Cassandra, il est un peu énervé mais il est d'accord. Et apparemment t'aimes bien sucer, donc c'est très bien. Cassandra. Bah c'est parfait alors. Bah oui, bah c'est ça, écoute, tant mieux hein. Bon, bah je te le repasse deux secondes, pendant ce temps-là je me déshabille. Vas-y, vas-y, déshabille-toi. Mets-toi en condition. Tu fais, quoi là, toi? Tu fais quoi là? En fait, t'es une salope, je t'ai jamais connu comme ça, toi. Pardon? T'es qu'une salope, je te connais pas comme ça, moi, c'est quoi ça? Attends, ça fait 3 mois qu'on vit ensemble, mais t'es dans la chambre d'un mec. T'as amusé, il y a des limites. Dis-lui que je veux pas d'un mec qui s'appelle Doudou chez moi. Ouais, mais dis-lui qu'il ferme sa gueule, dis-lui qu'il ferme sa gueule derrière. Si personne voit, laisse tomber, je vais te faire passer pour un. Je te parle à toi, là, c'est pas lui que je parle là. Oh! J'arrive! Non, t'arrives pas, tu rentres tout de suite à la maison là. Oh bah non, laisse-moi profiter maintenant que je suis sur place. Non, tu profites de chez là. Attends, vas-y, je viens moi aussi, on va rigoler un petit peu. Dis-moi, j'arrive. Ouais, je ferme sa gueule derrière à gueuler là. Ah, je sais pas, Michel, tu serais partant pour un peu intro? Ah non, pas avec Doudou, hein, avec une autre meuf, ouais. Avec un mec. Je parle pas de ça, moi, non, ou alors avec un mec qui a un vrai prénom, quoi, mais pas un prénom comme ça, on dirait un mongolien. Ouais, c'est quoi le mec là? Allô? Ouais, lâche le téléphone toi. Elle est partie aux toilettes. Mais bon, elle est partie aux toilettes, mais oui, elle est. Mais repasse à moi, je te jure, putain, si je sais où t'habites, ça va aller mal. Non mais d'accord, mais elle est partie aux toilettes, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas défoncer la porte. Ouais, mais je le tue, mec, je le tue. Mais je vais pas défoncer la porte, elle est partie aux chiottes. Mais je te parle pas toi. Dépêche-toi de la passer. Dis donc, attends, avant que. Parce qu'elle est aux toilettes, attends une seconde. C'est quoi ta passion? Ma passion, c'est mon poing dans ta face, ma passion. Tu vas voir, tu vas bien aimer, je pense. Je comprends pourquoi tant d'énervement. Tant d'énervement, ouais, tu vas voir. Gros, tu veux te taper ma gonzesse, tu crois que je vais rester calme? Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Mais, non, gros, y a pas de chance que j'ai, gros, c'est hors de question. On te demande ton avis et t'arrives encore à râler. Bon, attends, je frappe à la porte. Oh! Ah, 2 minutes. Bon, bah, 2 minutes, putain, ça va. Ouais, c'est quoi le truc de fou, là? Non, dépêche-toi de la passer, je te promets. Elle ça est va... aux toilettes, je vais pas arriver. Mais je m'en bats les couilles, elle est aux toilettes, Alors, d'accord, soit j'ouvre la porte et je la baise, soit j'attends. Ouais, mais je vais te massacrer, toi. Bah, comment ça, je comprends pas. C'est toi qui veux absolument la voir au téléphone, là. Oui, bah, tu vas au téléphone, tu vas rien faire du tout avec elle, toi. En plus, avec son petit bon essai, là. Dépêche-toi. Mais arrête. Une seconde. Bon, attends. Ouvre la porte. Oh, ouvre la porte ou je la défonce. Ouvre la porte! Ah, ça y est, attends, elle ouvre! Attends, ça y est! Oh, je suis en train de devenir fou, là! Tiens, ben voilà, c'est bon, tiens! Merci! Ouais, c'est quoi ton connard, là? Allô? C'est quoi le délire, là? Bah, je t'ai expliqué, y'a rien d'autre à dire! Y'a rien d'autre à dire, bah, t'sais quoi, moi, je vais te dire un truc! Hein. Oh bah, toi aussi, t'es cocu! Toi aussi, t'es fait cocu avec une autre meuf! Pardon? Bah ouais. Avec une bonne ça ce n'était pas prévu par avec une collègue de boulot. Plus. Bah non. Je dis rien du tout, bah tu vois, bah c'est pareil. L'herbe. Bah j'espère qu'elle était bonne au moins. Ah bah ça ouais, elle était bonne. Parce on parle à toi, c'est clair qu'elle était meilleure. Hein. Je pense qu'on va bien s'amuser, hein. C'est clair qu'elle était mieux que toi, Oli, hein. Putain. Au moins je me suis amusé avec toi, c'est le canot plat, c'est l'étoile de mer, bah putain, ça change. Allô? Qu'est-ce que tu veux toi? C'est Michel. Ouais, c'est Michel, si tu veux. Bah rien, mais il paraît que c'est un mauvais coup, alors si c'est un mauvais coup, ça m'intéresse pas. Hein. Ah, ça t'intéresse plus maintenant? Ah bah non, si c'est un mauvais coup, je vais pas perdre ma nuit. Bien sûr, ça t'intéresse. Mais écoute, plus. Si tu veux, on peut faire un deal. Je peux me la pécho ce soir et je te file une séance gratuite au bowling. Non mais... non. Oh, qu'il est con! Ouais mais gros, je te permets pas, on se connaît pas. Oh, qu'il est con! On se connaît pas, tu me parles pas comme ça, toi. Oh, qu'il est con! Bah détends-toi, arrête de lui parler comme ça, il a rien demandé le pauvre. Hein. Oh qu'il est con. Il a rien demandé, non, il a juste demandé ton cul, ce qu'il a demandé. Oh qu'il est con. Et alors il a bien raison d'en profiter. Oh qu'il est con. Non bah je crois pas non. Et je vous emmerde, je vous exècre. Là je pense que ça va même être une soirée, ça va être la nuit complète quoi. Dis-moi où t'es, j'arrive là. Espèce d'enculé. C'est qui parle derrière là? Voilà, va te faire enculer et puis ça ira. Mais toi va te faire enculer. Bah Doudou, qui parle derrière là? Je crois qu'il a un peu pété un plomb là, le pote à Michel en fait. Ouais, non, mais il est vraiment réoccupé de lui là. Dis-moi où t'es, j'arrive. Bon, on est chez moi là, David. Bah, t'habites où? On est chez moi. Alors, tu notes? Ouais, je note, vas-y. Je vais t'appeler, hein, donc c'est numéro 3. Ouais. R. U. Oui, bah, je sais comment on écrit rue. Ah, pardon. En plus, ça te fait marrer, toi. Oui. dis-moi le nom de la rue là, putain. Mais je t'appelle. Ah, d'accord, dis-moi où t'es. Oh! Ouais, je suis le mec. Eh, reste calme. T'as compris? Bon, excuse-toi déjà dans un premier temps. D'où tu me dis de rester calme? Tu veux te taper ma nana et puis tu crois que je vais rester calme au téléphone? Bah oui, déjà tu vas t'excuser pour toutes les grossièretés que tu m'as dites. Non, bah je crois pas, non. Ah si, je crois, oui. Ah, moi je crois que oui, par contre, ouais. Allez, pourquoi ça? Ah, bah, parce que sinon, parce que tu vaux mieux. En plus tu menaces. Eh oui, en plus je te menace, ouais. Ouais, tais-toi, toi, je veux pas t'entendre. Passe moi voir Cassandra là. Oh ! Ah, Michel ! Oh, bah dis donc, il est relou ton mec, hein. Ouais, c'est clair, hein. Ah ouais, tu franchement, ouais. Ça m'étonne pas que t'as préféré un mec qui sait manier les quilles. Bah au moins je prends un mec qui sait s'en servir. Ah oui, exactement. Ah ouais, ouais. Ah, d'accord, tu vois, mais ne rentre même pas, tu sais quoi, oublie-moi, c'est moi. Oh allez, là là, quel cinéma. Oh, c'est un petit peu raccroché. Cool, il en aura deux pour s'amuser. Attends, il a raccroché, t'en regardes pas, il va plus décrocher et bah écoute, Cassandra, désolé pour toi alors. Hein. Bon, allez, on rappelle. Ah non, il a pas pu décrocher quand même, ce mongol. J'espère que tu vas décrocher. Allô. Je te parle pas, pourquoi tu m'appelles? Bon, excuse-toi et on arrête là. Et pourquoi je m'excuserai? Bah de m'avoir mal parlé. Tu veux te taper ma nana, je détermine de m'excuser. Bon, écoute, alors tu t'excuses et je me la tape pas. Ça me paraît bon, excuse-toi que je puisse servir à mes fins, moi. Voilà, hein. Excuse-toi et je me la tape pas. Oh. Hey. Excuse-toi et je me la tape pas. Oh. Hey. Oh. Excuse-toi et je me la tape pas. D'accord, on va voir ça. Bah, bah vas-y, alors. Bah dis-moi, je m'excuse. Je m'excuse. Ah ben tu vois. Oh, quel bouffon. Oh, oh. Bon, David, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais. Oh là là. Eh ben voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu hier là pour ceux qui n'étaient pas là, comme ça c'est la petite séance d'ordif là. Il y a Alexandre qui dit phénoménal le chéri, je peux te faire cocu, le kiff, c'est Alex de Lyon. Bah ben, on joue la semaine prochaine encore hein. D'ailleurs la semaine prochaine j'aurai des. Vous allez voir, c'est une tuerie monumentale aussi ça. J'aurai des montres Bluetooth high-tech Sony à vous offrir, celles qui communiquent avec votre téléphone, qui vous annonce des messages, etc. etc. On vous offrira ça la semaine prochaine. Si vous voulez vous faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, allez-y. 01 42 48 5000, appelez Sandro maintenant, ou pour la Belgique 02 851 4x0. Elliot Kilio qui dit quoi, est fort ce Michel. Angelina qui dit pécho sa meuf pour entrer gratos au bowling. Bah oui, mais c'est ça la grande classe. Et le prince qui dit oh hey Michel, tes onomatopées sont à concentrer de bonheur. Merci le prince Adia. Et Stacy 02, franchement le pauvre, il a dû péter un câble. Et Angelina, ma passion, c'est mon poing dans ta face. Oui, il était très glamour. Exactement. Johan, j'adore le chéri, je peux te faire cocu. Pourquoi tant de violence? Et puis Alexandre, phénoménal le chéri, je peux te faire cocu à l'instant. Oui, phénoménal, c'est vrai, mais pas autant que ça. Jean-Pierre Sauzer, in Wonderland. Voilà, je vous le remercierai tout à l'heure si vous voulez, y a pas de problème. Jean-Pierre Sauzer in Wonderland. D'ailleurs, il y a le lien de Jean-Pierre Sauzer, hein, le Facebook de Jean-Pierre Sauzer sur mon Facebook. Tapez M-I-K-L officiel, bien entendu. Bon, allez, on va se faire. On va prendre Julien avec nous maintenant, là, qui va nous parler d'une histoire d'un soir qui a mal tourné. Enfin, mal tourné, je sais pas, mais en tout cas, c'était une histoire d'un soir. C'est bien ça, Julien? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Très bien. On fera d'autres appels aussi avec Tof dans quelques minutes, encore une fois. Ah bah oui, avant de partir. Quelques appels donc pour voir un peu comment ça se passe, si les gens s'épilent l'arrêt des fesses. Tu t'épiles l'arrêt des fesses ou pas, toi? Moi? Ouais. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ah, est-ce que ça te fait économiser du papier toilette? Bah écoute, le truc c'est que je suis quelqu'un qui va vraiment beaucoup aux chiottes, alors je pense que je vais m'y mettre parce que ouais, ça peut être sympa, ouais. Ah, tu vois, des économies comme ça, ouais. Bah, tant que t'es là, on va vite encore appeler un numéro parce qu'on vient de nous l'envoyer là. Attends, bouge pas de là, hein. Ouais, pas on appelle des gens pour savoir si ils se sont déjà épilés l'arrêt des fesses pour économiser du PQ. Et donc s'ils ne l'ont pas fait, on les invite à le faire dans le but évidemment d'économiser du PQ. Vous savez que la vie est chère aujourd'hui, ouais, et que un sou est un sou, donc tant qu'à faire autant l'économiser. C'est donc vrai. Allez, hop, on y va, on rappelle. Dernier appel, Tof veut rencontrer Vanessa, l'amour de sa vie. Oui. Va-t-il rencontrer une autre maintenant? Nous verrons. Allez, on y retourne. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous vous épiliez l'arrêt des fesses. Elle avait un magnifique téléphone, hein, oui, qui faisait effet cathédrale. Très sympa. On sent du matériel neuf. Ah oui, on rappelle, oui. Attends, on rappelle. Là, la sonnerie va bien, à mon avis, ça va de nouveau partir en sucette. Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si avec votre femme vous vous épiliez l'arrêt des fesses. Ta gueule, fils de pute. Excusez-moi, monsieur, mais je vois pas. Waouh. Ah ouais, là, c'était au bon accueil, bonjour. Hein. Bon, on va donc rappeler, hein. Rapide, efficace. Allez, hop, c'est reparti. Allô? Oui, excusez-moi, je comprends pas. Je vous appelle pour vous faire ça. Je te dis, fils de pute. Bah, oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Ouais, tu vas voir, toi. Mais j'appelle les flics. Mais je vois pas pourquoi, monsieur. Tu vas voir. Je vous appelle pour vous faire des économies. Oh, quel malotru! Bah oui! On rappelle. Va-t-il surenchérir? Oui, vous êtes quand même pas très sympathique, monsieur. Non, bah, il a raccroché, donc il a pas surenchéri, malheureusement. Bon, bah, si vous voulez, on en appelle encore un ou deux là tout à l'heure. Là, vous balancez les numéros de gens encore debout à sortie sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, Julien, alors explique-nous ton problème, toi. Bon, bah, alors écoute, je vais te raconter ma petite histoire, ma petite anecdote. Bon, bah, vas-y, donc, on t'écoute. Si tu veux, j'ai rencontré une gonzesse en boîte, voilà, c'est le même numéro. Ouais. Et puis, il y a à peu près une semaine, donc je suis allé la revoir chez elle, donc tout se passe normalement. D'accord. Voilà, je vais chez elle, normal. Ouais, et normal, puis, ouais. Je m'installe sur le canapé, on discute, puis là, elle reçoit un message de son ex. Mmh. Avec qui elle est plus depuis au moins un an, quoi. Donc je me dis, ouais, c'est quoi ce truc, quoi. Puis il lui dit, c'est qui le mec qui est rentré chez toi il y a deux minutes, là. Là, je me dis, putain, c'est quoi ce bordel, quoi. Le gars, c'est un psychopathe, quoi. Puis le mec, il habite à 20 km de là, en plus, quoi. Donc je me dis, ça craint, quoi. Le mec, c'est un gros fou, quoi. Mmh. Donc l'histoire commence à se passer un peu, pas trop de nouvelles, donc jusque-là, ça va, quoi. On continue la petite soirée, on commence à s'embrasser, on commence à coucher ensemble sur le canapé, normal. Donc jusque-là, tout va bien, quoi. Même si le début m'avait un peu fait flipper quand même, tu vois. Ouais. Et puis en plein pendant l'acte, d'un coup, tu vois, j'entends quelqu'un qui tousse dans l'appartement. Comment ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Putain, c'est quoi ce bordel, quoi ? Puis, tu vois, c'est le moment où je tilte pas, toi, t'es en plein dans l'action, tu vas pas t'occuper de ça, quoi, normal. Et puis à un moment, putain, ça retousse encore une fois, quoi. Et puis là, je m'arrête, je me retire, je fais, oh, c'est quoi ce truc, quoi ? Et puis elle me dit, ah non, mais c'est rien, t'inquiète pas. Je fais, non, attends, on est que les deux, non ? Elle me fait, non, mais c'est rien. Non mais écoute, moi je peux pas communiquer comme ça, c'est quoi ce délire, c'est un truc à trois ou... C'est ça, moi c'est déjà quand il y a un animal qui regarde, c'est déjà emmerdant, tu dis, espèce d'enculé, quand ça. Alors quand tu sais qu'il y a quelqu'un derrière, c'est encore pire, et donc juste pour te mettre dans le cadre, tu vois, la gonzesse, fille normale, elle avait la vingtaine, dans les études, donc vraiment, pas d'idée dessus, quoi. Là elle me fait, non mais c'est rien, c'est mon fils qui dort juste à côté, quoi. Oh, oh mon dieu, l'horreur. Alors là, mon gars, je peux dire que j'ai tiré une gueule. Ça tu m'étonnes. C'est simple. J'ai remonté le calbut. Il manque plus qu'en plein milieu, tu sais. Oh merde. Attends une seconde, il faut que j'aille voir. Voilà. Attends, il faut que j'aille voir, il pleure. Alors que toi, t'es en plein débat, là. Non mais grave, non, t'imagines, attends, la meuf, à peine une petite vingtaine, et puis là j'entends ça, non mais oh, le gros délire, quoi. Tu m'étonnes. Et alors t'as fait quoi après, du coup, tu t'es barré ou... Ah bah direct, j'ai remonté le futal, j'ai mis le suite bordel dans la rue, j'ai regardé devant derrière s'il n'y avait pas l'ex qui traînait, qui voulait pas me foutre une mandale, tu vois. Je suis monté dans la bagnole, putain, je me suis sauvé, mais comme un sauvage, quoi. Tu m'étonnes. Ah putain, hey, tu vas t'en souvenir de ton coup d'un soir, hein. Ah non mais carrément, mais franchement, mais ça je veux te dire, ça c'est une spécialité, ça m'arrive, il m'arrive que des trucs comme ça, hein. Ah bon, putain, moi ça m'est jamais arrivé, un truc comme ça. Non mais c'est un truc de viandard, non mais c'est abusé, quoi. De viandard, ouais. Bah et écoute, tu vois, si tu te tapes par exemple Sandro, il y aura pas de problème de gosse. Ah non, t'es tranquille de ce côté là. Elle a même pas de chat, donc c'est pour ouais, il y a même plus de chat, c'est pour te dire. Ah, peut-être un chien bientôt à la maison. Ah, parce que même les chats de Sandro se sont suicidés. Oui. Non, je suis sûr que c'est toi. Mais c'est pas moi. Tu les as foutus dehors une nuit. N'importe quoi. Vous avez pas l'habitude de dormir dehors. À l'époque on faisait coloc avec Sandro avant, et bah moi j'avais pas ces chats parce que c'était des merdes. En fait le problème c'est qu'ils, si tu veux, ils venaient toujours à ma porte dans ma chambre, ils grattaient. Mais c'est normal, elle voulait visiter ta chambre, Maya. Ouais, elle ça, t'aimait ouais. Déjà Mickaël. Voilà. Et puis un jour il y en a une qui s'est barrée. Et après, j'en ai retrouvé une pendue. Hein, elle s'est pendue, hein, c'est avec une corde. Elle tournait au ventilateur au milieu du salon. Mais non, mais il dormait pas la nuit dehors. Hein. Ouais, c'est et toi, ça. Tu les as foutus dehors en nuit. Ce qui est faux. Et je l'ai appris 3 semaines après en plus. Ce qui est faux, c'est pas moi. Et elle s'est pendue. Ouais. Mais n'importe quoi. Elle s'est jetée du balcon. Et l'autre s'est jetée sous les roues d'une voiture. Voilà, elle s'est jetée du balcon. À côté, gravé avec sa griffe. Avec sa patte. Ouais, elle a écrit. J'en ai marre de ce monde cruel. Voilà, c'est ça. Sandro m'a tué. Sandro m'emmerde. Je me casse. Abat la vie. Puis il a mis sa patte. Et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé. Ouais, les deux chats, ils ont disparu. Exactement. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Bizarre. Ils se sont suicidés. Je m'en fous. Et bientôt, peut-être un berger allemand. Oh, bah, voilà une chose. C'est discret. Tu vas pouvoir le ranger. Sandro ça avec un berger allemand. Non, c'est chez moi, c'est pas. Ah ouais, non, mais tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, merci Julien pour la petite histoire. Ouais. Oh Mika, je peux te donner un petit truc s'il te plaît. Vas-y, dis-moi. Alors écoute, si tu veux, j'ai un pote là qui est un fan de vous, quoi. Ouais. Et puis là, en ce moment même, il est à Montréal et il vous écoute de Montréal. Encore carrément. Quoi. Il vous écoute de Montréal. Tabernacle. Mais tout le monde nous écoute là-bas. Il m'a demandé un truc, je lui ai juré de le faire. Il m'a dit, il faudrait que tu lui dises de ta part, que tu dises vraiment de ta part, de ta voix, que tu lui dises, écoute Nico, on pense à toi. Écoute Nico, on pense à toi. Il n'y a pas de problème. Un breuvage et tu peux ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et justement, là aussi Ludwig qui est avec nous là. Salut Ludwig. Salut. Comment ça va? Yeah, it oui. Ludwig, tu t'exagères là, l'accent là, non? Ouais, j'exagère. Ah bon, d'accord, ok. Bon, t'es où, toi, actuellement? Présentement, t'es où? Là, je suis à Montréal. À Montréal, hein. Ouais. Mais t'es canadien ou t'es français? Ben, je suis français d'origine, j'ai immigré il y a bientôt 4 ans. Oh, cet accent de merde! Je plaisante. Non, t'as immigré il y a 4 ans au Canada? Il y a 4 ans. Ouais, et au Canada. T'as déjà vu Céline Dion? Non, pas encore. Ah, pas très bien. Est-ce que tu manges souvent avec le service au volant? Non, ça vaut. Non, parce que pour ceux qui savaient ici, vous avez au McDo Quick, il y a marqué drive-in, tu vois. Qu'est-ce qu'on arrive? Tu vas avec ta voiture, hop, là, tu dis, tu commandes, tu prends les sachets, tu te barres. Ouais. Bah non, là-bas, c'est pas drive-in, c'est service au volant. Service au volant. Voilà. Au volant. Au volant. Même les panneaux d'arrêt, c'est pas écrit stop, c'est écrit arrêt. Ouais, arrêt. Mais tu vois, même toi, t'es fait baiser les panneaux d'arrêt. Non, c'est les panneaux stop, mec. C'est vous qui changez ça, c'est marqué stop normalement. Le fameux, est-ce que je peux avoir de la mayonnaise et du sel? Ouais, il y en a sur le trolley. Ouais, sur le trolley. Donc le trolley, c'est un tableau. Ouais, c'est moi qui l'ai porté. C'est le plateau repas, tu sais, quand tu vas au Quick, ils te mettent sur un plateau, bah ça c'est le trolley. Voilà, c'est trolley, ouais. Exactement. Et alors après, ils te demandent aussi, t'arrives au McDo, tu dis, ah moi je prends le menu Big Mac, pain des croix comme breuvage. Pardon? Pain des croix comme breuvage. Je comprends pas. Mais alors tu sais, après ils te prennent pour, ils te disent, ouais, ils se foutent de notre gueule, cette espèce d'enculé d'Européen, tu vois. Ouais. Enfin, de Français en l'occurrence. Et je dis, non, je dis, je comprends pas, qu'est-ce que vous prenez comme breuvage? Ah, il s'énerve. Bah oui, non, parce que. Le pire, c'est que j'étais au McDo et j'ai vu des gens qui savaient pas c'était quoi un trio. Et qui ça? Où ça? Au Canada? Ouais, à Montréal. Ah bon, tu vois, c'est bizarre ça, effectivement. Oui, c'est assez chelou. Français en plus. Ah oui, non, mais d'accord, oui, bah ça, c'est pour ça. Là. Mais alors, comment c'est que tu nous écoutes, Ludwig, là, au Canada? Ben, parce que vous êtes vraiment le fun, puis vous déchirez à mort. Ah, oh, bon, ouais, c'est gentil, hein, c'est gentil. Non. Il y en a beaucoup qui nous écoutent au Canada? Ben, j'influence quasiment toute mon école, ouais. Non! Ah ouais, putain, ben, c'est bien, sur Internet, enfin, oui, bah forcément, ouais. Moi, j'écoute avec l'application Fun Radio. Très bien, très bien, tu fais très bon choix, hein. Ben, il y a d'ailleurs l'application Mickaël qui va débarquer bientôt, là. Ouais, j'ai entendu. Ouais, bah elle devait sortir, mais Apple nous a refoulé. Nous a refoulé, donc. Ouais, on est les connards, là, ils vont. Voilà, ouais, on a dû changer un truc. Sur iTunes, c'était ça. Sur iTunes, ouais. Ils ont refoulé, ces connards de chez Apple. Ton appui avec le survêt et les baskets, elle rentre pas. Bah voilà, ouais, c'est ça, exactement, ouais. Bah en tout cas, merci Ludwig, il t'embrasse tout le monde, là, au Canada, dans l'école et tout ça. Quelle heure il est, là? 6h en moins, il est quoi, 20h? Là il est 8h, ouais, bah dès que je rentre de l'école, je vous écoute direct, quoi. C'est ouf. Ah putain, c'est cool, on fait l'after school. C'est ça. Au Canada, c'est cool. Faire leurs devoirs et nous écoutent. Bah ils nous ont bien, ils font mais bien. Mais on fait des cours bien. D'espagnol, ça va. Ouais, cours d'espagnol, tout ça, pas de problème. Très bien. Bah merci Ludwig. Mais surtout l'anglais, c'est important, quoi. Bah oui, c'est très important, hein. Exactement. Si, bah, écoute, Mickaël, est-ce que je pourrais passer une petite dédicace? Bah bien sûr, écoute, avec plaisir. À une seule personne, c'est Stacy 02 qui vous écoute présentement et présentement. J'aimerais aussi avoir un pack fun. Très bien, bah on va t'envoyer. Hey, ça va faire chier la radio, ça va leur coûter un bras pour envoyer ça au Canada. Très bien, bah on va t'en envoyer un, on va te mettre des trucs dedans bien lourds, c'est pour ça coûte mais bien cher la radio. C'est déjà le deuxième pack fun qui part au Canada, il y en a un qui est parti sur l'île de la Réunion aujourd'hui. Non, c'est encore plus cher. Qui vont l'envoyer vraiment, j'espère qu'ils les mettent pas de côté, tu sais, pour pas les envoyer. Non, ils vont les envoyer, t'inquiète pas, on mettra les tables nous-mêmes, c'est pas un souci. Bon, non, pas de problème. Et vous avez remarqué ici, les pack fun, on vous envoie gratos, hein. Aha. Et ça, c'est beau. Exactement. C'est super lourd. Eh ben, y a pas de problème, hein. Bah écoute, Ludwig, t'embrasses tout le monde là-bas. Ouais, bien sûr. Bon, ça roule. Salut Ludwig. Bye. Ciao. Et je rappelle que si vous voulez nous appeler, si vous êtes au Canada ou ailleurs, hein, si vous êtes en France, 01 42 48 5000, en Belgique, 02 851 4x0, et partout ailleurs, 00 33 1 42 48 5000. Bon, ben, merci Julien également d'être passé. Bah écoute, bah service, écoute, je peux juste passer une dernière petite dédicace, s'il te plaît. Bon, allez, vas-y, c'est bien parce que c'est la fin. Ah, merci beaucoup. Bon, écoute, Nico, je t'embrasse fort, évidemment que tu viennes en France, puisqu'on aille se retaper soir ensemble, et puis grosse dédicace au gars du Mordo. Très voilà. Bien, bah le message est passé, salut Jus. Merci beaucoup, ciao, à bientôt, soirée, les gars. Ciao, et il y avait Mélissa aussi qui était coincée dans le standard, là, enfin coincée. Ça va, Mélissa? Elle est coincée. Très bien. En forme? Ouais, toujours. Bon, bah 19 ans, Mélissa, là, d'Alsace. Et donc, toi, tu voulais rester dans le standard? Bah, tu y es d'ailleurs depuis un petit bout de temps, hein. Parce que t'as pas la radio, là? Ben, non, parce qu'on a personne radio et puis j'ai pas mon ordi sur moi. Ah, mais t'es où? T'es à Strasbourg? Ah, j'ai failli tuer, on m'a fait une tuer là-bas. Ouais, bah ouais. J'ai failli mourir. Non, mais c'est vrai qu'il y a des endroits en Alsace où il y a pas fun, ils sont casse-couilles. Non, mais c'est vrai, c'est relou, du coup, ils sont obligés d'écouter sur Internet ou alors, non, bah voilà. Non, mais 500 mètres près, hein. Bah ouais, je suis bien, mais j'imagine. Et alors Mélissa est obligée d'être dans le standard, en fait, tout simplement. Bon, bah Mélissa, bah tu vas bien, ça va, t'as kiffé la nouvelle chanson de Jean-Pierre Sauzère? Super. Elle était au top, non? Wonderland. Bah, non, Jean-Pierre Sauzère in Wonderland. Est-ce que t'es célibataire, Mélissa? Oui. Ah, écoute, très bien, parce que j'ai quelqu'un de présenté. C'est moi? Non. Ah, pardon. Pas du tout. C'est Johan qui est là, qui voulait. Salut, Johan. Ouais, mais attends, 2 secondes. Il faut d'abord que je présente Mélissa. Combien mesures-tu, Mélissa? 1m63. Combien pèses-tu? 54 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90D. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Mélissa? 38. Eh oui! Dédicace au Mordor! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh! Bah oui! Bon, Johan! Ouais? Tu peux y aller, mec, hein? Ok. Salut, Mélissa! Salut! Ça va? Ouais, toi? Johan, tu 14 ans. Ouais? Moi aussi, ça va. Tranquille. J'écoute pas la radio, comme d'hab. C'est bien. Sinon, t'habites où? En Alsace, j'ai déjà dit. La réduction. C'est vrai? Ah, c'est pas à moi de juger. Quel bon dragueur. Bah, non, il est au top. Moi, je voulais te parler, te draguer un peu. Ah ouais, bon, en plus, il lui dit, tu sais, draguer. Demande-lui si sa réduction est confortable. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que t'as pas encore nué, en fait. Ouais. On peut dire ça. Ouais. Ah bah t'as été bon là Ah au top là, on a senti le mec Ah ouais là franchement la prochaine fois essaye, fais comme moi, achète une guitare. Ah mais écoute, l'autre fois il y avait ma famille derrière moi, ils se foutaient de ma gueule. Ah ouais mais ils ont raison. En plus l'autre fois tu m'as taillé. Comme non. Moi mais jamais non. Bon c'est bien tu mal de connaître taillé, fois, là, qu'est-ce que j'ai dit taillé. Tu m'as taillé l'autre fois à la fin, je sais plus ce que t'avais dit mais en tout cas tu m'as taillé. Vénère là. Non Johan, mais qu'est-ce que j'ai dit. Je l'ai appelé vénère au standard. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai dit Johan. Je sais plus, je m'avais taillé. Non mais d'accord, j'ai compris, mais à quel niveau? Moyen. Non, c'est comment ça? Non mais je veux dire... T'es nul, un truc comme ça. Tu l'embrouilles et moyen. Ah, quoi. Sur la draille. Ouais. Bah oui mec, mais t'es pas mais bon t'es mauvais, Johan. T'es mauvais. Il faut aller, il faut... comme dirait Polo, il faut mentir aux femmes, elles aiment bien ça. Mentir. Arrêtez, hein. Ah, c'est ce que Polo dit, hein. Il faut leur mentir. Pas, les garçons, c'est pas vrai, on déteste ça. Voilà, il faut mentir aux filles. Et toi, tu lui as pas menti, là. C'est Polo qui m'a tout appris. Bah oui, ouais, ça, et Dieu sait qu'il a. C'est ouais, le meilleur élève de Polo. Hein. Et il t'a aussi appris à te mentir à toi-même, c'est encore pire. Ouais, plus. C'est pire que tout ça, c'est clair. Ouais. Bon, Johan, écoute, entraîne-toi et on te rappelle encore pour essayer, attends, on fera je mieux. Je vais te raconter un truc. Qu'est-ce que tu veux raconter, Johan? À cause de toi, je me suis fait coller 2 heures. Non, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu vois, j'ai été voir ma prof de français. Je lui ai demandé ça voulait dire quoi, je vous exècre. Elle m'a dit je sais pas. Alors pendant le cours je l'ai dit au moins 2-3 fois à la prof, je lui ai dit je vous exècre madame. Après à la fin c'est pas ma faute, je t'ai demandé. Hey, il peut se plaindre mais pas toi. Il prend l'initiative Hey, dans 5 minutes c'est de ma faute. Je serais coupable de tout mais pourquoi tu lui as dit ça, tu voulais... Toujours pas. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Non. Attends. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà. Eh ben, je vous emmerde. Donc, tu sais ce que ça veut dire, je vous emmerde. Ouais, je vous emmerde, ouais. Voilà. Eh ben, je vous exècre, c'est la version polie, mais c'est encore plus fort, tu vois. C'est vraiment que tu. Que la personne te déteste à un point encore plus puissant. Ouais, donc elle a eu raison. De oui, elle a eu raison, oui. Et là, oui. Voilà. Ça, c'est. Là, il a rien à faire, là. On peut pas faire mieux. Non. Voilà. Non. Bah, écoute. Tu veux la vraie définition ou pas? Vas-y. Avoir une haine violente l'un pour l'autre. Mmh. Voilà, ben voilà, c'est très bien. Et t'as pas cours d'espagnol ou d'anglais, non, bientôt? Si. Ah, quand ça? Jeudi. Ah, jeudi. Parfait. C'est quoi, espagnol ou anglais? Anglais. Anglais, très bien. Tu parles, you speak English? A little bit or not? Yes. You're fluent? Little. Comment? Little. Little what? Tu vois? I speak little English. Ah, little English. Little bit. Parle petit anglais. Très bien, moi je connais que tu as il parle petit chinois, lui il parle petit anglais, c'est différent aussi, c'est pareil. Bon, est-ce que tu sais ce que ça veut dire hassle? Ça veut dire cul déjà. Et hall, je sais pas. Ah, devine, hall. Hall gros? Non, c'est un groupe de musique. Ouais, ça peut être aussi un groupe de rock, hall, mais bon, ça, c'est pas comme ça que ça va mettre sur les rails. Bon, donc hassle, ça veut dire trou du cul. Voilà, tu vois, tu comme ça. Mais retiens tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi avant les. C'est quoi la phrase qu'on a demandé à Hugo de se renseigner là? Can I make a blowjob? Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça? Non. Et bon, bah voilà. Alors, note-le et demande à ton prof jeudi, on te rappelle jeudi soir. Voilà. Parce qu'on veut voir, la différence de. Ah, je vais devoir tenir un calendrier là. Voilà. Un agenda. Parce que, ouais. Non, can I make a blowjob? Ouais. Tu lui demandes et on te rappelle jeudi. Et on va appeler Hugo également, on l'a demandé. De quoi? Moi je suis pas un pigeon. Bah t'es pas un pigeon, quel rapport? On va essayer de voir si les profs donnent la même définition. L'autre c'était un pigeon, moi je suis pas un pigeon. Non, c'est pas mec, un pigeon. Si tu le fais et que tu t'enregistres avec le prof, t'as un cadeau. Alors, fais-moi le malin. Ouais. Bah, ouais. Can I make a blowjob? Et tu dis que t'es un pigeon aussi. Ouais, en plus, ouais. Hein? Je te retiens, hein? Sandro. I'm a pigeon. Bon, donc, tu fais ça, Johan, on te rappelle jeudi? Ok. Très non, bien. Mardi. Tu veux pas qu'on te rappelle aussi dans 6 mois, c'est pour voir, non? Non, parce que mardi prochain, je suis pas disponible. Ah, d'accord, ok. Alors, monsieur est un agenda, il est blindé. Ok, très bien, c'est noté. Bon, bah écoute, tu gères ça avec Sandro. Okay. Attends, on te rappelle quand? Parce que t'as dit mardi, après t'as dit mardi prochain, je suis pas disponible. Non, c'est mardi prochain. D'accord. Donc, c'est jeudi, il est buzzy. Jeudi, il est pas disponible. Voilà, il est buzzy. voilà. Ouais, bon, bah salut, Johan. Voilà, exactement. Ouais. Bon, Mélissa, bah, je te fais des bisous, hein, du coup. Hein. Ok. Tu reviens quand tu veux. Hein. Pas de soucis. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao. Bisous. Bon, et puis il y a le top tweetos également maintenant. Oui. Là, attention, les meilleurs auditeurs de la soirée, les 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël numéro 5. Nous avons Paul PC 28. Numéro 4. Nous avons Benjamin 22. Numéro 3. Stacy 02. Numéro 2. Cédric. Numéro 1. Let's be freaks. Let's be freaks qui a donc gagné son god hier et encore aujourd'hui, donc elle va pouvoir faire une double pénétration. Eh oui. Voilà, et ben voilà. Bon, après 3 c'est encore possible, mais au-delà ça va commencer à devenir compliqué. Ouais. Hein. Ah bon, après on lui donnera des lubrifiants. Mais oui, bah pouvoir mettre plusieurs à la fois. Bon bah bravo Let's be freaks, un numéro 1 top tuto ce soir. On remet le couvert demain dès 23h sur Fun Radio. Et puis on va se mettre le générique de fin aussi. Ouais. Pas oublier le générique de fin. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. Enculeur, oncle, t'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton oncle. T'es un enculé. Dormir, j'ai toute la journée. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui soit portée, t'as compris, enculé? Oh, grosse pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis pas ici. Vous êtes un petit connard. Dédicace à Gollum. Je suis profondément. Au Mordor. Allez vous faire encadrer. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme la mer, toi l'enculé. Tu bouts tes pitoffes te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui. Oui tous les deux. On est des enculés, c'est vrai. Eh ben voilà, il y a eu le duo ce soir, tiens nickel. Bon ben parfait, merci d'avoir été là, nombreux et nombreuses, hein, je rappelle le chiffre du jour, 589 000, le nombre de personnes qui écoutent, là c'est cool, merci beaucoup en tout cas pour une nouvelle émission, vraiment c'est plus qu'on imagine. Donc, merci beaucoup d'avoir fait passer le message également, bien entendu, à tout le monde, à tous vos potes, à tous vos amis, à tous vos la famille, les potes, les frères, les sœurs, tout ça. Continuez comme ça, on vous attend encore évidemment, nombreux et nombreuses, tous les soirs de plus en plus nombreux sur Fun Radio. Merci d'avoir fait passer le message, comme je le disais, merci aussi à Théo, à François, à Alexandre qui était là ce soir sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Il y avait également Andrés, également il y avait Serge, il y avait Amel, il y avait Sarah comme tous les soirs, il y avait Tanguy également, il y avait Titi, il y avait qui c'est l'autre, il y en a plein aussi, hein. Toto, Stacy 02 notamment, Let's Be Freeze qui a gagné le top Twitter ce soir, Fred S également, il y avait Noupli 91750, etc, etc. Je peux pas tous vous citer évidemment, mais merci beaucoup. On se retrouve demain dès 23h sur Fun Radio tous les soirs. Fun Radio 23h, 2h, nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël sur Fun Radio. Et je ne partirai pas, sans saluer l'animateur le plus écouté de la bande FM en France. JB. Et il chante aussi celui. Voilà. Et ouais, les chiffres des audiences sont tombés. Ouais. Et bon, vous êtes nombreux à écouter l'émission évidemment. Mais vous êtes aussi très nombreux puisque c'est le numéro 1. Ouais. Numéro 1, toute radio confondue en France de 2h à 6h du matin. Et je retiens un chiffre. Plus 166% d'audience. Ouais, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si une émission dans l'histoire de la bande FM non. a fait plus 166%. Ah, non, monsieur JB. Il y en a bien une qui a fait même plus 1000 et des brouettes de pourcents. Ah bon? Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais quand t'as un auditeur, bon, ça fait pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et puis il y en a plein qui font aussi des 80% de rien, ça fait toujours pas grand chose. Ouais, hein, c'est ça, hein, parce que regarde, là ton salaire, oui. si je le double, oui. t'es content, mais t'auras toujours pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 10 fois 2, bah. Voilà, pas. C'est ça. Ouais, hein. c'est et puis 1 fois 1, c'est toujours 1, hein, c'est problème. Donc, ouais. Donc voilà, donc tu vois, c'est ça. Après, bon, c'est bon, comme ça. Il y a les audiences, mais bravo à l'équipe de France. Et bravo aux Portugais, on s'en bat les couilles. Cristiano Ronaldo! La France! Andaka! Le triplé de. Arrête de dire Andaka, je sais pas ce que ça veut dire. Si, ça veut dire bien ici. Hein. Ouais, bah c'est bien. Bon, donc voilà, donc parfait. Et en tout cas, bravo à JB. Et pour te féliciter, justement, c'est un peu notre cadeau. Ouais. Nous avons découvert en exclu total un nouveau single tout à l'heure. Rien à voir avec le son d'Ence Floor qui fait chier tout le monde toute la journée là. Non, on a vraiment trouvé la musique du futur. Vas-y. Voilà, je vais te la laisser. C'est ah, gratuit, c'est cadeau. Voilà, ouais. tu prends sur toi. Si comment, ça, comment ça s'appelle? Répète le. Alors, ça s'appelle. c'est pas encore disponible sur iTunes, mais ce sera pour bientôt. Tu peux le retrouver sur Facebook et sur MySpace. Donc, il n'y a pas de problème et sur MySpace. Si tu te sens, tu peux y aller, tu peux chanter. Hein. Exactement, bien sûr. Donc, c'est le nouveau son de Jean-Pierre Sauzer. C'est Jean-Pierre Sauzer in Vanderland. Non, mais on le passe pendant 3 minutes? Bien sûr. D'accord. Ce qui se passe là n'est pas de mon ressort. Non mais parce que tu connais pas encore là, tu connais pas. Ah écoutez, c'est juste une tuerie. Et JB va essayer de chanter au milieu. Attention, Jean-Pierre Sanzer part deux fois ce soir sur Fun Radio. Donne-moi les paroles. T'inquiète pas, ça pas besoin. Ça va vite. En mangeant champignons en forme de gros pion, je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit. Et je me suis dit. Attention hey. Je suis Jean-Pierre, le mini des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le grand rembleu veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre. Allez, on y va. Allez, j'y vais. C'est ton moment de gloire, ouais, JB. Pour fêter l'audience. Numéro 1 à la nuit, JB, toute radio confondue. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. C'est alors j'ai remarqué qu'un gros steak caché pendait la Ferrari. Et je me suis dit. Et je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me suis dit. Mais quoi? Mais quoi? Attention. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le grand est fou, me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le pain blanc, je me croquer la merveille. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Je suis Jean-Pierre. Jean-Pierre. Allez, encore 50 secondes là. Et découvert par JB. Exactement. Bravo JB. Numéro 1 à la nuit, JB sur Fun Radio. Ça, j'ai passé déjà il y a 3 semaines. Eh oui. Attention, disponible l'année prochaine sur iTunes, comme il a dit Jean-Pierre. Là, on l'a ça eu part en exclu. En Socadence. Attention. Allez, on termine, c'est la finale. Allez, JB. Jean-Pierre, au pays des merveilles. Je les fous, veux me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, pays des merveilles. Le grand lapin blanc, je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelet est fou, veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc, veut me croquer les orteils. Allez, comme si on y était. Plus de 40 minutes de son dance floor non-stop sur Fun Radio. Maintenant, c'est plus de 40 minutes de son dance floor non-stop sur Fun Radio. The best radio. un champignon en forme de gros puyon. C'est pas mal, non? ça sonne bien, hein. Jiran vient de m'envoyer un texto, c'est bon, on le rentre en playlist officielle journée. Parfait, et ben voilà, écoute, bah, génial. Nouvelle bombe, exactement, ouais. Découverte Fun Radio. Je suis Jean-Pierre. Bon, allez, rassurez-vous, JB vous le remettra cette nuit. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, pour que la France découvre la chanson. Ouais. Bah là, il y a un gros programme quand même cette nuit. Hein, Ouais, je sais bien, mais juste bah, Jean-Pierre Sauzère, une Vondorland qui sera là donc au taquet quoi. Ouais. Voilà. Bon, demain. Si vous, bah oui. Demain bah, à 2h10. Oui, bah si tu veux éventuellement. Voilà. Ouais. Bon, bah, on va se quitter là avec l'animateur le plus écouté de la bande FM la nuit. Bah ouais, bravo, encore une fois. Exactement, c'est rien bon. À voir avec le son Dance Floor de Fun. Hein. Non. C'est grâce à JB, pas au son Dance Floor, parce qu'il éclaire l'esprit de tout le monde. Et au van. C'est grâce à la blague de JB. Et moi, la je blague dis, de JB. C'est ça qui fait tout. D'ailleurs, viens pour ça. Bah, y'en a pas ce soir. Oh tu vois, non, tu m'as attends, déçu. Pas aujourd'hui. Tu m'as déçu. Ça et là, le boulard. Ouais, tu m'as déçu. Ça y est, depuis qui c'est qui fait plus 166% d'audience. Il plus de van, ça. Il nous aime plus. Eh bah, tu sais quoi, je me casse. Ah, c'est bon ça. Allez! Je me souviens pas t'avoir demandé ton avis. À demain, à deux pieds. Oh putain. Ah bah tu l'as voulu. Hein.